Mickaël nos limites. Bonsoir Mickaël. Comment ça va? Salut les gars. En forme. Salut. Ah oui. Bon. Quelle belle émission. Oh oui, oui, oui, effectivement. Tu parles de quoi? De la fin de la tienne ou début de la mienne? Ah ben je parle des deux. Hein. Ah très bien. Ah, les, le soir, communion. C'est sur Fun Radio que ça se passe. Et, oui, bah exactement. C'est ce que je me tue à dire à tout le monde, figure-toi. Mais bon, ça, va, ça va rentrer. C'est comme à l'école. Hein. On n'arrête pas de dire qu'il faut pas parler pendant que les profs parlent. Et puis bah il faut taper. Et puis à un moment ça rentre. C'est ça. Ou pas. Bon, ça va rentrer. Ça va, c'est comme les suppositoires. Exactement. On dit ça va pas rentrer, ça rentre. Et ça rentre toujours. Ouais. Hop, ça c'est aspiré comme ça. C'est magnifique. Alors de quel côté on mène un suppositoire? Par le gros bout. Par le gros bout. Non, le petit bout. Non, le petit bout c'est vers dehors. C'est le gros bout que t'enfonces à l'intérieur. Et pourquoi? Ça j'en sais rien. C'est tout ce que vous savez pas pourquoi? Non, on m'en fout. Bah, pour pas que vous chiez dans les minutes qui suivent. Moi j'aimerais bien que Karima me mette un suppos perso, mais bon. Ça permet de remonter vers le haut. C'est quoi? Je t'ai déjà épilé. Je peux te foutre un suppos. Ouais. Voilà, je sens, mais ça remonte vers le haut. Il n'y a rien de sexuel là-dedans. Bah, on attendra la prochaine fois que t'es malade, ça t'arrive souvent. Ah, bah écoute. demain, je serai malade. Il paraît que c'est toi qui le mets, Karim, nickel. Ah, bah, si il veut, moi je prendrai une pince. Hein, non, on a dit Karima. Oui, voilà, de toute façon, ce sera plus sexy avec Karima. Allez. Bon, allez, bonne soirée à vous. Allez, ciao. Bisous. Et nous, on est parti jusqu'à 2h. Ciao. Déchirez vos livres et vos cahiers. Pissez dans l'encrier. Coursez vos profs dans les couloirs. Écoutez Mickaël tous les soirs. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Yes, on est en direct. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Eh ben on est là, et oui, comme tous les soirs, de 23h à 2h du lundi au jeudi. Et le dimanche également, de 20h à minuit, même si certains ont rêvé qu'on disparaisse à jamais. Comme l'avion de Malaysia Airlines. Là, non, il fallait qu'on en parle. Étant un fan d'avion, au début j'en parlais pas parce qu'on savait pas très bien ce qui s'était passé. Mais là, ça commence à devenir un truc improbable. Ça va quand même devenir un truc de psycho quand même. On va en parler. Si vous avez une idée de ce qui a bien pu se passer à cet avion là, n'hésitez pas à nous appeler hein. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. T'as pas une idée toi Grégoire là? Greg, ça va bien Greg? Ouais, et toi? T'as pas d'idée de ce qui s'est... Oui, très bien, ouais. C'est gentil de poser la question. T'as pas d'idée de ce qui s'est passé toi avec cet avion, le Malaysia Airlines? Non, pas du tout. Putain, ce truc il disparaît comme ça. Enfin, on va en parler hein, si vous avez d'ailleurs une idée en particulier. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Je vous mets le post également sur le Facebook et le Twitter. Allez y répondre, allez donner votre théorie. Et puis ben, on va en parler hein. C'est sur le Facebook que ça se passe. Et sur Twitter, tapez Mickaël officiel. Bon, t'as passé une bonne journée toi Grégoire? Ouais, ça va tranquille au lycée. Ah ouais, lycée, jusqu'à quelle heure aujourd'hui? Comment? Jusqu'à quelle heure? Ah ben je suis interne donc là je suis ici encore. Hein. Ah oui, ah bah d'accord, ok, bah vu comme ça effectivement. D'accord, ok. Je suis à Poitiers avec Sac de l'Étoile là. T'as repris quand? Ben là j'ai repris lundi. D'accord, ok, bon ouais, très bien. Hey, t'es à Poitiers c'est ça? Ouais. Ah je pensais, t'es d'origine de Bordeaux alors c'est ça? Ouais, là je fais des études sur Poitiers. D'accord, ok, très bien, bon on embrasse tout le monde, c'est quoi l'internat? Isaac de l'Étoile. Isaac de l'Étoile, d'accord, ok. Ah, bon. Je fais une dédicace à la chambre 125 et... Oui, comme ça, et si jamais il y a un pion qui entend, il sait qu'à la 125, il se passe des trucs. Il va débarquer dans 5 minutes, ça va être la fête. Bon, bah très bien. Bon, on embrasse tous ceux qui sont en train d'écouter. T'as prévenu tes potes que tu passais ce soir? Bah ouais. Eh ben très bien, bon on les embrasse tous alors. Bah bouge pas hein. Si vous voulez aussi délirer là comme Grégoire dans quelques minutes, 01 42 48 5000, bah vous nous appelez. 02 851 4x0 depuis la Belgique, vous nous appelez aussi et vous passerez dans l'émission avec nous. Et Sandro également là, oui, qui est toujours en mode régime, hein, petite salade ce soir. Ouais, c'est dur là. Ah, c'est dur, mais qu'est-ce que vous voulez, ça arrive. Ah ouais, bah oui, c'est ça. Pas de bras, pas de chocolat. Bah voilà, c'est ça. Bon, il y a Toff qui va vérifier aussi si ses amis n'ont pas disparu. Bah oui. Voilà. Ça que tu aimes, hein, te faire sodomiser, toi, hein. Mais oui, ça c'est sûr. Bah oui, c'est, bah faut que je vois s'ils sont toujours là. Bah on appellera tout à l'heure évidemment avec de nouvelles idées. J'en ai une pas mal là qu'on pourrait utiliser tout à l'heure pour appeler les gens. Je vous rappelle que si vous avez des numéros de téléphone de gens un peu rock'n'roll dans leur tête, hein, comme ceux-là par exemple, n'hésitez pas à donner des numéros sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. On appellera les gens tout à l'heure d'ici une petite vingtaine de minutes. Polo qui se prépare également pour sa première descente de snow vendredi. Ouais, on va faire ça, on va faire que ça. Que tout aille bien. Mission. Tout aille bien, j'ai déjà prévenu l'infirmerie qui t'attendra en bas de la piste. Avec plaisir. Avec la civière au cas où. Le SF sera là également à l'école. Hein, je t'ai pris 2 heures de ski. Enfin, le l'école. SF. Bah oui, l'école de ski français. Ah, je crois que c'est un truc de d'urgence. Sadomasochiste. Ah non, ils seront contents. Non, le SM, pardon. Non, c'est pas ça, ouais. Bon, et toi, t'as déjà fait du ski, Gabriel, ou pas, toi, qui est avec nous? Non, j'aime pas ça. Jamais, d'accord, ok. Ben moi j'aimais pas non plus jusqu'à ce que je sache en faire. Et depuis j'aime bien. Enfin du snow, hein, ben, le ski, en fait, bof. En fait j'ai fait il y a pas très longtemps du ski de fond avec l'école. Et, ah non, mais non. Ah ouais mais attends, mais du ski de fond mais tu te fais chier mes camarades. Déjà Dieu, mais en fait j'y suis allé qu'une fois parce que je faisais que de me casser la gueule, donc ça m'a cassé les couilles. Ah ouais mais alors tu tombes avec le ski de fond, effectivement, ouais bon là. Non, ouais, voilà, c'est pas fait pour ça. Hein. Le pire du ski de fond, c'est que c'est hyper physique quoi. Ah ouais non mais c'est hyper physique, c'est lent, c'est chiant, enfin bon, bref là. C'est vraiment relou quoi. Ouais, bah, déjà j'aime pas le ski, moi je suis plutôt snowboard, mais bon je rappelle qu'on sera à Orcières, donc c'est vendredi et samedi on sera là-bas. Il y a déjà pas mal d'auditeurs qui ont demandé comment venir. Bah c'est simple, hein, vous venez tout simplement Orcières, Merlette, la station de ski, et puis on se rejoint là-bas, on ira faire un peu de snow et de ski ensemble. Et puis bah samedi on fera un petit défi dans la fin de journée. On a besoin d'auditeurs sur place, on a besoin d'une dizaine de personnes, donc si vous êtes plus nombreux bah tant mieux, si vous êtes moins nombreux bah c'est pas grave, hein. Donc venez nous rejoindre, prévenez vos potes. Pour ceux qui sont éventuellement sur Grenoble, tout ça, n'hésitez pas, on fera le tirage au sort également ce soir pour savoir chez quel auditeur on va aller faire l'émission dimanche soir. Ce sera à Grenoble, certes, mais nous verrons à quel endroit précisément. Bon, on va se faire la colle, Gabriel, avec toi, t'es prêt ? Oui, je suis prêt. Bon, je rappelle qu'il y a un iPad mini à gagner. Si vous avez la réponse à la colle de notre ami Gabriel, vas-y Gab. Donc, je peux être de société... télévisé ou d'arcade, qui suis-je ? Je peux être de société télévisée ou d'arcade. Eh ben, vous avez la bonne réponse, tant mieux, à vous de jouer. Vous envoyez M.I.K.L. les 4 lettres suivies de votre réponse. Vous envoyez ça au 64 900 par SMS ou alors au 6322 depuis la Belgique. Et puis vous pouvez aussi jouer. Je vous mets la colle dans 30 secondes là sur le Facebook de l'émission, facebook.com/M.I.K.L. Vous allez pouvoir jouer comme ça en lisant la colle. Chez certains, c'est peut-être plus facile en l'ayant sous les yeux. Donc je vous la mène en quelques secondes sur le Facebook et le Twitter de l'émission, facebook.com/M.I.K.L. Gabriel, on te récupère quelques fois pendant l'émission, on donne la réponse avant 12h30. Et je rappelle que si quelqu'un trouve la bonne réponse et qu'il passe à l'antenne et donne la bonne réponse, il gagne, tu perds. Si jamais la personne qu'on appelle et qu'on a sélectionné ne décroche pas ou donne la mauvaise réponse, c'est toi qui gagne l'iPad mini, d'accord ? D'accord. Bon, bah je te souhaite bonne chance, Gabriel. Oui. Bon, allez, merci. Bouge pas de là. T'as pas d'idée, toi, par rapport à l'avion là, de Malaysia Airlines, là, ce qui a bien pu se passer avec, avec l'avion ? Je trouve ça vraiment bizarre. Ouais, c'est bizarre, hein. Ah, moi, ça m'a fait penser tout de suite un peu à Lost. Mais t'as vu, mais moi aussi, bah pareil. Exactement, mais moi aussi, figure-toi. Ouais. Bon, écoute, justement, alors c'est un truc de fou pour ceux qui débarquent et qui peut-être étaient en vacances, j'en sais rien moi. C'est l'avion, bah, donc. Moi, je suis encore de quoi t'es... Ouais, t'es encore en vacances toi ouais, ouais. Profite-en ouais, bien. Profite, c'est la dernière semaine. Ouais, profite, ouais. Mais ça va, tu te mets bien toi avec le soleil et tout, t'es pépère. Hein. Bon, je suis sur Grenoble, je n'ai pas vraiment beaucoup, mais. Ouais, mais bon, quand même. Ouais. Donc, c'est un avion, pour Pékin, donc, et donc je voulais savoir comment c'était possible que 240 passagers en 2014 puissent comme ça disparaître et que personne ne puisse avoir eu la moindre idée de ce qui a bien pu se passer. C'est alors, j'ai pas tout suivi, mais je sais que les portables des passagers continuent de sonner, en tout cas certains. Il y a la société qui a fourni des images satellites à Google, qui a mis sur le net des images de la zone où l'avion aurait pu s'écraser a priori. Et alors ce qui est un truc de ouf, c'est qu'on se croirait vraiment dans Lost. Mais oui, ouais, non, c'est dingue, un truc de dingue. Lost, c'est un truc de ouf. Pour ceux qui n'ont pas vu la série, l'histoire, c'est clairement ça. C'est un avion rempli de passagers qui décolle de Los Angeles, qui va vers l'Asie, et en plein milieu, il disparaît. Et en fait, ils se retrouvent tous sur une île déserte, sauf qu'il est impossible de joindre qui que ce soit, impossible de faire quoi que ce soit. Donc voilà, improbable. C'est exactement l'histoire de Lost, quoi. Truc de fou. C'est dingue, c'est dingue. T'as vu toi la série Gabriel Lost ? Oui, je l'ai regardé, je suis fan, même, je suis même en train de la re-regarder pour... Ah encore ? Parce que j'aime bien, ouais. Ah ouais d'accord, ok, toi t'es un fan. Moi j'ai tout vu aussi, mais j'irai pas la revoir non plus une deuxième fois. Hein. Mais cela dit elle était plutôt bien foutue, mais à la fin c'est parti un peu en couille. Mais enfin, on va pas faire le débat de Lost évidemment. Ouais, voilà. On a Kevin également qui est avec nous là, d'Antibes. Salut Kevin ! Salut Mickaël ! Comment ça va ? Ça va, tranquille. Hein. Tranquille. Bon, toi tu voulais parler de cet avion justement qui a disparu ? Ouais. Bon, on va en parler dans quelques minutes. Là. Reste avec nous. Il y a Loïs également d'Albi. Là. Salut Loïs. Salut Mickaël. Comment ça va ? Ça va et toi ? Bah très bien. Toi aussi, tu vas parler avec nous de l'avion là ? Exactement. Bon, eh ben bouge pas. On va en parler justement. Reste avec nous Loïs. Reste avec nous Gabriel. On va essayer de récupérer Grégoire qui voulait savoir s'il fallait se laver avant de coucher. C'est une grande question. Hein. Là aussi, on peut se demander est-ce que vous êtes déjà sorti avec des gros crados ou des grosses crados, hein, en l'occurrence des filles qui étaient dégueulasses quand vous avez couché avec elles, c'était une horreur. Ou les mecs hein, qui étaient dégueulasses et où il reste encore des petits grumeaux, on va dire ça comme ça. Donc vous nous appelez 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Il y a le doc Coco sur le Twitter qui liait les louches, cette histoire d'avion. Moi je dis Lost, les disparus. Mais Claire, Crafter aussi sur le Twitter. Otages, ils les ont largués, ils ont largué les gens sur une île, pardon. pardon, et ils vendent l'avion en pièces détachées. Non mais t'as cru qu'on était où, Crafter? Et Nesson aussi qui dit, c'est clair que cette histoire d'avion est ultra chelou. Bon, on en parle dans quelques minutes. Restez avec nous sur Fun Radio. On va se mettre le son de Daft Punk maintenant, Instant Crush. On est au cœur d'une heure sans pub. Et puis on va parler avec vous toutes et vous tous. On est là jusqu'à 2h du mat. Prévenez vos potes, c'est sur Fun Radio que ça se passe tous les soirs de 23h à 2h. C'est Mickaël, No Limit. Bienvenue tout le monde. Il est 23h10 et la colle est sur le Facebook. Allez-y. Soir sur Fun Radio, c'est ici que ça se passe de 23h à 2h. J'espère que vous avez prévenu vos potes. C'est sur Fun Radio, 23h 2h. Mickaël, No Limit, prenez le contrôle tous les soirs. On est là, prévenez vos potes également que c'est ici que ça se passe. Venez foutre le bordel tous les soirs. No Limit. Fun Radio. Mickaël, No Limit. Fun Radio. Bon, et on va récupérer Grégoire dans quelques minutes également. Et on va d'abord reparler de cette histoire d'avion là quand même. Ça me perturbe. Je suis désolé, ça me perturbe cet avion. Et comme beaucoup d'ailleurs à mon avis. On a parlé. Cet avion a disparu. Il a décollé. Il devait atterrir et en plein milieu. Terminé. Alors le plus improbable, c'est qu'effectivement on arrive encore à faire sonner le téléphone de certains disparus, ce qui est quand même assez surréaliste. C'est ça qui est dingue. C'est quand même assez ouf. En effet, les mecs ils les ont oubliés quelque part et donc ça sonne dans un endroit où ils s'en souviennent pas. Quoi. Bah je sais, ouais, bah peut-être, ouais. Et puis en plus il y a les deux mecs là qui avaient des faux passeports. Donc tu peux te dire le truc, c'est un truc terroriste, alors qu'en fait bon faut voir. Et donc alors il y a plein de thèses, hein. Il y a plein de thèses qui arrivent sur internet. Il y a le détournement nord-coréen, donc c'est le pays qui revient le plus dans les théories du complot sur la disparition du Boeing. Donc c'est la Corée du Nord. L'avion a été détourné, il sera actuellement en Corée du Nord, il s'est posé à Pyongyang au lieu de Pékin, et donc bah forcément Pyongyang était d'accord pour prendre en otage les passagers et faire pression ensuite sur les autres pays. Donc ça c'est ce qu'on peut lire sur le site Vocative avec un V, donc bon. Il y a l'avion missile, donc préparation d'un futur attentat, apparemment un futur 11 septembre. Alors, évidemment l'emmerde c'est qu'il va falloir attendre 6 mois encore. C'est con de l'avoir braqué aussitôt. Bah, c'est ça. En septembre. Sauf si on en fait un autre. Mais enfin, faut voir. Donc, il aura atterri sur un site, un aéroport secret, etc., etc. Donc, ça, c'est news.com qui l'annonce. Sinon, il y a le complot américain. Donc, préparation d'une attaque secrète de l'armée américaine pour promouvoir la nouvelle série Lost, nouvelle saison, qui reviendrait apparemment après s'être arrêtée. Hein. Ah, celle-là, elle est pas mal. Voilà, disparition tactique donc américaine. Il y a la porte des étoiles. Alors, évidemment, quand il se passe un truc comme ça, les aliens sont dans le coin. Ah, bah oui. Ah, bah évidemment. Donc, apparemment, l'avion aurait été intercepté par un ovni extraterrestre et transporté dans un autre monde via un trou de verre, donc c'est un raccourci à travers l'espace-temps, et c'est ce qu'on peut lire sur examiner.com. Donc peut-être que les passagers sont actuellement sur l'autre planète, ils sont peut-être en train de nous regarder en disant oh, qu'est-ce qu'ils sont cons alors. Si ça se trouve ils vont revenir, et donc comme dans X-Files ils vont avoir 2 minutes d'avance. Ah peut-être, ouais, ou comme dans Fringe il y a peut-être le monde parallèle. Ah peut-être, je sais pas, j'imagine ils sont dans une dimension juste à côté. Bah et ça se trouve, salut mec, ça va? Oh non merde, bonjour. T'en vas très bien. On ne t'a pas de petit noir. Bah, je sais pas. En tout cas, c'est une histoire assez particulière, quoi qu'il en soit. Bon, Kevin, alors c'est quoi ton théorie, toi, sur cet avion qui s'est barré? Bah, je pense qu'il a été détourné, moi. Mais ouais, mais détourné, mais il a atterri où? Enfin, il a pas pu s'écraser parce que sinon les téléphones ils sonneraient pas encore. C'est pas. Certes, c'est vrai. Mais où est-ce qu'il serait ce putain d'avion là? Alors là, ouais, comme t'as dit tout à l'heure, sûrement dans un aéroport secret, mais ça paraît. Ça, c'est une histoire tordue encore. Hein. Mais oui, ça paraît improbable. Où est-ce qu'il est ce putain d'avion, quoi? Il y a quand même deux mecs qui sont montés dans l'avion avec des passeports, des faux passeports, donc. Bien sûr, après je dis pas, mais. Mais ce qui est ouf, c'est que les mecs sont montés dans l'avion, mais tout le monde le sait qu'ils avaient des faux passeports. Ouais, bah maintenant oui, mais ils ont enquêté apparemment. Bon, il y a Romain sur le Facebook qui dit le pilote ne devait pas être satisfait de la fin de la série, là il voulait une autre fin. C'est une idée. Il y a Andreas qui dit jamais je sortirai avec une. Ah oui, ça c'est autre chose, pardon, tant pour moi. Où est-ce qu'il est le message? Bon, attendez, parce que tout est mélangé, je vais les reprendre dans quelques minutes, tous les messages. Et toi, Loïs, c'est quoi ton histoire par rapport à l'avion? C'est quoi ta théorie? Pour moi, il s'est écrasé. Toi, il s'est... Mais alors où? Bon, on l'aura trouvé quand même. Et non, pas forcément, parce qu'il s'est écrasé, enfin, le contrôle l'a perdu 40 minutes après le décollage. Ouais. Et il était déjà sur l'attitude de croisière, mais pour moi il s'est écrasé, puisque je peux prendre l'exemple du Rio Paris, tu vois. Ouais. On a mis un mois et demi à retrouver les boîtes noires. Ouais, c'est vrai. Et on a retrouvé des morceaux. Et encore, ouais, il savait où il était. Ouais, on a trouvé en peinage, on a trouvé l'air, on a trouvé les trucs, ça, quoi. Mais ça, c'est arrivé au bout de 20 jours, les premiers débris. Ouais, c'est vrai. Mais les téléphones sonnaient plus. Ouais, c'est vrai. Mais alors ça, les téléphones qui sonnent, je sais pas comment l'expliquer, mais bon. Bah, moi non plus. C'est bizarre. Moi, et en même temps, il n'y a pas de réseau sur Mars. Donc ils ne vont pas sonner, donc ils ne sont pas dans une autre galaxie. Et ils ne sont pas non plus en Corée du Nord, puisque je rappelle qu'en Corée du Nord, seul le grand président Kim Jong-un, Kim Jong-un exactement, a son propre réseau GSM qu'il ne c'est partage bien entendu pas avec la population. Et il a son propre train. Ouais, et autant dire que lui la 4G elle va à fond de balle, hein, parce que comme il n'y a personne pour polluer son réseau, je peux te dire qu'il est vachement bien installé, hein, pour le coup. Bon, il n'y a que lui qui est bien installé dans ce pays d'ailleurs. Mais un truc à prendre. Bon, en tout cas, merci pour vos idées. On va voir s'il y en a d'autres qui en ont d'autres. Ouais, justement. Sûr que t'as fait polo, ils sont courants, mais il veut pas nous dire. Ouais, je pense. Ouais, à mon avis, ça doit être eux, ouais. C'est eux qui ont niqué l'avion là. En fait, pense. On voulait pas le dire, mais on voulait pour pouvoir faire tous nos déplacements en France, pour faire les émissions. Avoir un Boeing 777. Ouais. Voilà. Et donc on va juste enlever tous les sièges et puis on va mettre un studio de radio à l'intérieur. Oh putain, on serait bien. Oh là là. Là, là. Ah, on serait vachement bien là. Bon, si la France a envie de nous donner un studio dans un avion, enfin nous donner un avion plutôt, on s'engage à mettre le studio à dispo. Hein. Pas de problème. Ouais. Mmh. Michael, aucun problème. Ouais, Kevin. En parlant d'Air France, t'as pas reçu mes photos encore? Bah non mec, j'ai toujours rien eu Kevin. Mais attends, M. Non, attends, M. Peut-être sûr, elles sont peut-être parties dans l'avion de Malaysia Airlines. Hein. Bah ouais, elles sont un parti. Non mais mikael@funradio.fr Kevin, tu m'as envoyé ça sur ce mail? Ouais, même sur Sandro @funradio, Toff, Polo, tous. Enfin tous les mails possibles et tout, j'ai tout envoyé. Ah, mais est-ce que t'as pas mis funradio.malaysia, non? Ah peut-être. Hein. Ah bah non, peut-être, non. Ouais. Non mais écoute, mais c'est improbable. Ça me paraît bizarre, ouais. Bah oui, je suis assez d'accord, Kevin, hein, effectivement. Bon. C'est assez bizarre. Écoute, reprends son drôle à voir si elle les a reçus et puis on va essayer de t'envoyer sur un autre mail, alors je sais pas, moi c'est bizarre. Ouais. Et puis lundi, je t'en referai d'autres. Bon, ah oui, c'est vrai que tu pars en Tunisie, là, c'est vrai, t'es oui. Enfoiré, bah ouais, très bien. Vie, hein. Profites-en bien, salut. Ouais, merci. Salut Kevin, salut Loïs, allez, merci à vous deux, à bientôt tous les deux. Ciao. On fera la rupture également ce soir, le jeu de la rupture. Hein. Si vous voulez nous appeler, allez-y pour jouer avec nous. Il est casque DJ à gagner, vous appelez maintenant 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Retour avec Grégoire qui est avec nous. Salut Greg, enfin re-salut Greg. Ouais, re-salut. Re-salut. Tiens, t'as déjà fait l'amour déguisé Grégoire ou pas toi? Ah non, je suis trop jeune encore. Ah bah pour 17 ans t'aurais pu, hein. Tu sais, genre déguisé en flic, en pilote de l'air justement, en Pikachu, ou ta meuf en infirmière, etc. Tu vois, il y a plein de délires qu'on peut faire. Parce que je te pose la question parce que j'ai lu sur un site internet que la vente des déguisements sexy a plus que doublé en 5 ans. Ah c'est ouais. Ouf. Et ce sont surtout les déguisements de femmes écolières, policières et Catwoman qui cartonnent. Wow. Ouais, donc venez nous dire aussi si vous vous êtes déjà déguisé ou si vous aimez vous déguiser pendant l'amour, hein, et quelle tenue vous préférez, etc. Toff est déguisé en enculé 24h sur 24. Ouais. Voilà, mais c'est mais ça se vend pas, c'est un costume personnel qui a été taillé sur mesure. Ah bah oui, ça c'est clair, hein, il a été taillé sur mesure. On peut pas l'acheter dans le commerce. Bah du coup Toff, tu vas poser la question à tes amis? Bah évidemment. Ah bah parfait, on va ils faire vont ça adorer. Dans... Bah j'imagine, on va faire ça dans quelques minutes. Donc appelez-nous si vous vous êtes déjà déguisé. Et si vous aimez ça quand vous faites l'amour avec votre copain ou votre copine, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Il y a Mathieu qui dit le pilote de l'avion, écoutez Mickaël nos limites, il était tellement pété de rire qu'il a perdu le contrôle et s'est crashé. Oh non Mathieu, bah en plus on l'a pas retrouvé. Cédric qui dit c'est vraiment bizarre cette histoire, hein. Boeing ne passe pas totalement inaperçu, je pense. Je trouve surtout bizarre qu'avec la technologie on puisse perdre un avion avec les satellites et tout, c'est vraiment bizarre. J'avoue. Bon, on continue à en parler. Grégoire, tu nous appelais pour... Ouais. L'avion, j'ai peut-être une idée. Ah, vas-y, alors raconte. Devait sûrement y avoir ma sœur au sein dedans, elle est tellement grosse, il s'est craché et puis voilà. Ta ouais, pauvre sœur. Oh la pauvre, la pauvre, enfoirée, va, regarde. Voilà, tout ce que tu mérites, ça vient de ta sœur d'ailleurs, elle vient nous envoyer un message. Bon, ouais. C'est quoi, tu voulais nous parler de quoi toi Grégoire à la base? Ah, ben je voulais savoir si faut se laver avant de le faire quoi. T'as jamais fait? T'as jamais couché avec une fille? Ah non, pas encore. Non, ah d'accord, oui, d'où la question par rapport vas-y, au déguisement. Sale. Non, mais vas-y, ben, lave-toi, ben, bien sûr. Mais non, mais il faut te laver, après t'as la transpiration, t'as l'odeur dégueulasse. Imagine. Bah c'est mieux, ouais, mais pourquoi cette question? Ça paraît logique quand même, non? Bah non, je sais pas, c'est une question, voilà quoi. Non mais bon, moi je me lave pas avant de baiser. Fin... Mais attends, mais si, non, mais si ça arrive à l'improviste comme ça, évidemment, tu vas pas dire stop, je prends une douche. Mais dans l'absolu, si tu sais que t'as une chance de coucher avec une fille ou une fille avec un garçon, prenez une douche avant quand même. Ah bon? Oh, toi, c'est vraiment dégueulasse. Bah putain, non, mais enfin, je vois pas l'intérêt, ça sert à rien. Bah enfin, ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est voyage, c'est l'hygiène. Tu prends une douche après quand tu lui en as mis plein la gueule. Après, mais tu pas prends avant. Une douche avant, pauvre con, va, putain. Bon, non, mais vraiment. Mais cette question-là, tu la poses parce que t'as déjà eu des potes qui t'ont parlé de ça ou des meufs qui t'ont expliqué des trucs ou vraiment par curiosité? Ouais, par curiosité plutôt. Hein. Ah bon, d'accord, ok. Bah écoute, alors reste avec nous, on va en parler. Si vous avez déjà eu des petites anecdotes à propos de filles ou garçons sales, bah les ex-meufs de Toff peuvent nous appeler également, hein, n'hésitez pas. De la chatte. Bah tout à fait, peut-être. Et bah vous nous appelez 01 42 48 5000. Il y a André également qui est avec nous de Limoges. Salut André. Salut Mika, ça va? Ça va et toi? Impeccable. Bon, très bien, on va parler avec toi dans un instant. T'es déjà tombé sur quelqu'un qui sentait apparemment, non? Ah non, qui sentait oui et non, c'est plutôt ouais, c'est un peu gore. D'accord, bon alors très bien, ben, reste là, on va en parler dans quelques minutes, là, bouge pas de là. On aura également Damien et Esteban pour faire le jeu de la rupture. On va se refaire un coup de colle dans quelques minutes avec Gabriel. Bon, on peut le faire maintenant, tiens. Gabriel, t'es encore là? Ouais, ouais, je suis là. Parfait, ah bah c'est parti, on se refait la colle. Je rappelle qu'il y a l'iPad mini à gagner ce soir. Pour gagner l'iPad mini, il suffit de répondre à la colle de Gabriel. Gabriel, répète la colle, s'il te plaît. Je peux être de société, télévisée ou encore d'arcade. Je peux être de société, télévisée ou même d'arcade. La bite. Si vous avez la bonne réponse, la quoi? La bite. La bite, c'est une bonne réponse ou pas? Non. Un jour, ça sera la réponse. Oui, peut-être. On proposait le Monopoly. Non. Et Théo sur le Facebook qui proposait la réponse à la colle de Gabriel, c'est le juste prix. Non. Non, bon bah très bien. Si vous avez la bonne réponse, eh ben facebook.com/mikaelofficiel. Je vous l'ai écrite en plus la colle, hein, c'est facile. Et en plus je pose avec l'iPad que vous allez pouvoir peut-être gagner ce soir. On tire au sort avant minuit 30. facebook.com/mikaelofficiel. Tu restes avec nous Gabriel? Ouais. Très bien. T'as envie d'écouter un... De quoi? Ouais, j'aurais aimé en poser une un peu plus difficile, mais... Ah bah oui, mais bon, ça après... Gabriel, t'as envie d'écouter un son en particulier ou pas toi? Bah pourquoi pas Rihanna et Shakira quand. Ah ouais, Rihanna et Shakira, c'est un bail en plus qu'on n'ait pas entendu celui-là. Où est-ce qu'il est encore celui-là? Rihanna et Shakira avec... ah merde, Rihanna et Shakira, attends, où est-ce qu'il est? J'avais pensé à celui-là moi. Mais c'est pas celui-là, ça c'est Eminem et Rihanna. Country Member, je sais pas quoi. Ouais, bah attends, faut que je le trouve. Je l'ai pas sous la main là, mais je vais essayer de le chercher. Puis sinon, à suivre également Martin Garrix, le nouveau là. Avec ouais, Proxy. Ah bah il est bien aussi. Et puis on va se mettre Chucky aussi, ça c'est ce qui va débarquer. C'est Skydive sur Fun Radio. Tous les soirs sur Fun Radio. Prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Bon, et continuez à nous appeler si vous avez une théorie sur l'avion qui s'est évaporé, le Malaysia Airlines. Appelez-nous donc 01 42 48 5000. On en parle sur Fun Radio. Il est 23h25. On écoute Chucky maintenant. C'est Skydive. Bonne soirée tout le monde. Toutes les nuits. Au lieu de compter les moutons pour vous endormir, venez compter les têtes de con. Ah oui, carrément. Vous allez kiffer vivre avec nous. Aha. Mickaël, de 23h à 2h sur Fun Radio. Oui, et il y a un message de Loïc qui dit Mickaël, tu déchires grave, continue comme ça là, tu nous fais rire avec ma femme, on vous écoute tous les soirs. Bah, c'est gentil Loïc, embrasse ta femme pour nous. Le mieux c'est de prendre la douche à deux, c'est Céline, on est d'accord, et Megumi sur le Twitter. Polo, le jour où la réponse à la colle sera la bite, c'est quand la question sera il y a quoi dans le cerveau de Polo et le cul de Toff. Et Maxence ici, il est parti dans le trou du cul de Toff, l'avion. Il y a le bœuf ferré qui dit moi je me suis déguisé en Toff, mais du coup j'ai pas baisé, c'est normal. Et Andreas qui dit jamais je sortirai avec une femme dégueulasse, l'hygiène est important. Imagine tu lui fais la sodomie si elle aime et reste dans la merde. Oh oui, merci Andreas. Le doc Coco aussi, et bah à mon avis oui, on devrait se laver avant, mais il est con lui quand même. Et alors c'est logique de se laver, bon, on est plutôt d'accord, mais apparemment c'est la question en tout cas de Grégoire. Donc est-ce qu'il faut se laver avant de coucher? Donc j'ai envie de dire oui dans un premier temps forcément. On va donc appeler des gens maintenant avec Toff hein. Mais oui, allons-y. Pour cette grande question que j'avais imaginée, tout est relatif évidemment. Hein. Cette grande question donc pour laquelle vous avez déjà envoyé pas mal de numéros de téléphone sur le mail de Toff là. Est-ce que vous vous déguisez souvent? Oui. Pour faire l'amour en l'occurrence, effectivement. Donc vous avez envoyé le numéro de téléphone sur le mail de Toff et sachez que vous pouvez continuer à le faire bien entendu. On appelle maintenant, c'est parti, et on va poser la question à tes nouveaux amis peut-être. Ah peut-être. Tu aimes te faire autonomiser toi, hein? Ouais, mais c'est pas la question de ce soir, mais on va voir. Hein. Allez, c'est parti, on y va. On appelle maintenant le premier, la première à 23h30. Puis on aura le jeu de la rupture qui va suivre aussi dans un instant avec Esteban et Damien. Et les casques DJ à gagner. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Voilà, en fait, je voulais savoir si vous étiez déjà déguisé pour faire l'amour avec votre femme. Va te faire foutre. Ça a le mérite d'être clair. Ah, c'était rapide. Ça a le mérite d'être très clair. On va donc le rappeler. Hein. Oui. C'était monsieur, hein? Oui. Oui. Oui, je pense, oui. Allez, c'est parti. On y retourne. Allez, il était à côté de son téléphone. Il est pas sérieux. Oui, allô? Oui, bonsoir madame. J'étais en communication avec votre mari, mais il a oublié de répondre à la question. Quelle question? Ben, en fait, je voulais savoir si vous aviez déjà fait l'amour déguisé. En quoi ça vous intéresse? Bah, parce qu'en fait, je voulais savoir si vous l'aviez déjà fait, quoi. Mais en quoi ça vous intéresse? Bah, parce que, en fait, je veux savoir juste si vous l'avez déjà fait, madame. Mais en quoi ça vous intéresse? Bah, parce que c'est pour savoir, madame. Pourquoi? Bah, pour savoir si vous le faites ou si vous le faites pas. Et ça vous intéresse? Bah oui, sinon je vous appellerai pas, madame. Et bah, pourquoi vous m'appelez? Bah, pour savoir si vous l'avez déjà fait. Oui, vous voulez que j'appelle la police, là? Bah, ah, donc vous êtes déjà déguisé en policier, c'est ça que vous voulez me dire? Espèce d'imbécile, va. Ah non, madame. Non, madame, pauvre con. Ah non. Moi, tu veux que j'appelle la police? Mais je vois pas pourquoi, madame. Moi, je vous appelle... Bon, tu fous la paix aux autres. D'accord, mais répondez à ma question, alors, madame. Ta gueule. Mais non, madame, ça se dit pas, ça. Ah oui, ça se dit pas, mais elle l'a dit quand même. Hein. Quelle bon, violence. Bah oui, je confirme. On rappelle encore un petit coup, là, c'est parti. Allez vous faire foutre. Allez, ah, au revoir. Bah monsieur. Non monsieur, enfin ça se dit pas ça. Si vous allez vous faire foutre. Ah non. Non monsieur, ça se dit pas. Je vous emmerde. Ah allez, non. Salut. Moi je vous appelle gentiment monsieur. Oui mais gentiment, mais t'as quand même envoyé la merde. Hein. Bon bah voilà, oui. Qu'est-ce que vous voulez. Je suis déçu. Il y a Martin Garrix le nouveau qui arrive dans quelques minutes. Ça sera Proxy sur Fun Radio, donc restez bien là. Je vous le cale avant minuit, on est toujours au cœur d'une heure sans pub évidemment. Hein. Prévenez vos potes d'ailleurs qu'on est là tous les soirs sur Fun Radio de 23h à 2h. On est toujours à la recherche de l'avion, le Malaysia Airlines. Je vous ai demandé si vous aviez une théorie. Il y a Lola qui dit « Pété de rire, vous êtes déjà déguisé en policier ». Ah oui, c'est pas ça. Le pilote a entendu Jean-François se branler, il a pris peur. C'est Romain. Oui, c'est possible. Jean-François, c'est l'auditeur qu'on a eu hier et la semaine dernière. Il y a Sylvain 34 qui, depuis l'été dernier, je vous écoute et c'est toujours le feu. Bah, merci Sylvain. Romain également, l'avion est dans un aéroport sous l'eau comme dans Les Indestructibles. Dès que l'avion s'approche de la mer, elle s'ouvre à la Moïse. Oh, c'est une belle recherche, Romain, ça quand même. Hein. Et Axel qui dit, c'est étonnant quand même, avec toutes ces technologies, qu'on retrouve pas un avion assez gros. C'est quand même bizarre. Et Aurélien qui dit, vous pouvez mettre un coup de pelle à mon pote, car il ne connaissait même pas Fun Radio. Ah bah oui, mais enfin bon, Aurélien, là, écoute, tu sors... Hein, tes amis sont bizarres, ils connaissent même pas Fun Radio. Bon, au moins, ils connaissent, c'est le principal. Et Romain aussi, qui dit, ah oui, ça, je l'avais déjà lu, qui était pas satisfait de la fin de la série, le pilote, la fin de la série Lost, et du coup, il a refait une nouvelle. Et Devers45 qui dit, moi, je dis, l'avion s'est posé dans un endroit où personne pourra le trouver. Je dis, c'est Jésus qui a pris son avion avec lui. Oui, mais oui. Écoute, on finira bien par le retrouver un moment ou un autre, de toute façon. Hein. Bon, on va se faire le jeu de la rupture dans quelques minutes. Avant ça, le retour de Grégoire qui voulait savoir s'il fallait se laver avant de coucher. André est avec nous également. André, est-ce que tu es là? Oui, bonsoir. Oui, rebonsoir André. T'as pas une idée d'où est l'avion, toi, par hasard? Bon, à mon avis, il a été détourné, cet avion. Ah, mais détourné, il a atterri où? Bah alors là je sais pas. Bah c'est ça. Et rigole pas André, on dirait qu'il travaille pour la police. Hein. Ouais, il ouais. a été détourné cet avion, j'en suis sûr. Tu travailles pour l'armée André? J'en suis sûr. Ah non, André il est chauffeur routier, André. Ah il est chauffeur routier, d'accord, ok, très bien. Bon, eh bah écoute, pas de problème. Grégoire, c'est ton vibreur qui fait à chaque fois? Ouais, d'accord. Ouais, okay. Il a des amis. Ah, bah, repéré. N'hésite pas à le désactiver parce que ça fait. Note c'est bien, à chaque fois on sait quand est-ce que tu reçois un message. Hein. Ouais, mais je peux pas. On peut pas le désactiver. Ah, tu peux pas le désactiver. Bon, bah tant pis, alors on fera avec. C'est pas grave, ça fera. André, alors toi, tu voulais réagir à peu près à Grégoire. Il voulait savoir s'il fallait se laver avant de coucher. Et toi, tu voulais réagir par rapport à un cuni, André, c'est ça? Ah, ouais, franchement, je pense qu'avant d'avoir un rapport sexuel avec une femme, faudrait se laver. Parce que moi, c'est une petite anecdote. Je suis sorti en boîte de nuit, j'habitais à Troyes dans l'Aube. Ouais. Et donc on va dire la fille d'un soir quoi, si on veut. Ouais. Une petite cochonne. Et elle m'a invité à boire un verre chez elle. Donc on a bu le champagne. Et on n'a pas attendu d'aller au lit ni de se laver. Et en fait, ça faisait 4 semaines qu'elle ne s'était pas lavée. Non, si, elle était lavée sur elle, enfin, t'es bon, si tu veux. Tu sais qu'il parle d'une bagnole, elle était lavée, on a fait la carrosserie et tout. Ah, attends, elle avait... J'ai mis du polish. Elle avait... Non, je te parle d'une fille, hein. Oui, non, mais c'était une vanne. Bon, et donc vas-y. Et alors, lorsque je me suis approché pour y faire un cuni, lorsque j'ai écarté les jambes et tout, elle avait du vieux sperme qui traînait en ce qu'on peut également appeler chez les mecs. Si ça peut. T'as des mecs parfois quand tu sais ceux qui sont pas circoncis, pour peu qu'ils se branlent et qu'il y ait des restes, bah après ça fait des grumeaux. Comme Toff. Non mais c'est véridique hein. Mais oui c'est vrai, c'est une horreur, donc pourquoi pas chez les filles. Mais moi je te jure, moi j'ai écarté les lèvres, tu sais, j'ai chopé le clitoris, machin, et j'ai fait un cuni quoi, hein, vrai. Oh. Et là, t'as brouté la semence du mec d'avant. Les tenses un peu bizarres qui sont sorties. Hein. Je dis, oh, c'est quoi le bordel là? Donc, comme c'était la tu n'étais pas le premier de la journée. Et tu t'es barré. Je suis habillé, puis je suis parti vite fait chez moi. Eh ben, t'as bien raison, hein, tu m'étonnes. Oh, tu vois, finalement, il faut se laver, Grégoire. Hein. Ouais, trop. Donc, à mon avis, je pense. Après, comme t'as dit tout à l'heure, Michael, dans un endroit incongru, machin, tu rencontres quelqu'un, bon, tu baises, tu baises. Bon, tu prends le risque, quoi, c'est ça, mais après, tu non. Tu baises, tu baises. Ouais, mais. Bon, bah, si, mais baiser, c'est baiser. Mais je pense que se laver avant de faire l'amour, je pense que c'est très très bien. Non mais et c'est surtout quand, super important. Surtout quand tu vas faire un cuni, la moindre des choses c'est de nettoyer la chatte. Ah bah quoi. Et même pareil pour les mecs. Bref, ah, soyez propre. Je te jure, il y avait des coulures blanches. Oh dégueulasse. Non, je te jure. Ah non, mais je te crois en vrai. Il est content. Il y avait une heure avant, j'en sais rien. Non mais je veux bien te croire, Bah merci André en tout cas d'avoir appelé hein. Toujours avoir une petite lingette et puis toujours. Merci André. On sait rien, mais lavez-vous, faites l'amour, protégez-vous. Oui, surtout protégez-vous, c'est clair. Merci André, passe une bonne soirée. Allez, ciao, fin radio. À bientôt, merci. André, merci à toi. Bon, bah Grégoire, bah nettoie, hein, il faut nettoyer, hein, mec, je te le dis. Hein. Ouais, je peux faire une dédicace. Bon, bah vas-y, profites-en, une seule personne, choisis la bonne. Je vais faire une dédicace à Océane, ma soeur préférée, Amélie Pisson, ouais. Au lycée Nicolas Brimontier. Très bien. Bon, bah on embrasse tout le monde au lycée Nicolas, comment? Et la chambre 123 et 125. Non, Nicolas comment? Bon, il n'a pas compris comment le concept de une personne, a priori, déjà. Hein. Donc, c'était le lycée Nicolas comment? Nicolas Brimontier. Brimontier, d'accord, ok, très bien. Bon, on embrasse tout le monde là-bas, Greg, il n'y a pas de problème. Salut à toi, Greg, et puis lave-toi, hein. Ouais. Bon, ça roule. Allez, bonne bourre et n'oublie pas les capotes, là. Sors couvert, Grégoire, pour la première fois, là, c'est très important. Tu peux avoir un cadeau? Eh ben, bien sûr, tu vas gérer ça avec Sandro au standard, on va t'envoyer un pack fun sans souci, Greg. Salut à toi. Ok, merci beaucoup. Salut Greg, bonne soirée. Et puis on aura également, je le rappelle, avant minuit, là, on va faire le tirage au sort là pour savoir chez qui on va aller faire l'émission en direct de Grenoble ce dimanche. On sera dimanche soir à Grenoble, donc vous pourrez venir nous voir hein, pour tous ceux qui sont sur Grenoble. Là, j'espère que vous allez passer. Hein. En plus, on fait les dîners presque parfaits, vous savez, la dernière fois à Noyon, c'est Toff qui a fait la cuisine. Ouh. Le tirage au sort a fait que c'est Polo qui s'y colle à Grenoble. Cuisiner, hein. Voilà, donc entrée, plat, dessert, et on votera, évidemment. Ouais, et puis il y aura le café à la fin. Ah bah bien, ça va surtout le café, évidemment. Oh avec Polo, on peut pas y échapper. Ah bah complètement. Bon, et puis il y a Esteban et Damien qui sont avec nous pour le jeu de la rupture. Alors, Esteban, comment ça va? Ça va et toi, Mickaël? Eh ben, ça va très bien, Esteban. Et il y a Damien également qui est avec nous. Damien, 26 ans de la Ciotat. Comment ça va, Damien? Ça va et toi, Mickaël? Ça va très bien. Les Bouches-du-Rhône face à la Meurthe-et-Moselle. C'est ce qui va s'affronter ce soir. Le principe, donc, est très simple. On va appeler des gens au hasard. Vous allez pouvoir peut-être repartir avec un casque DJ. Vous allez donc appeler des gens au hasard, comme je le disais. Le but, donc, chacun votre tour, vous allez tenter de lui parler de rupture. En gros, vous allez faire comme si c'était votre copain ou votre copine, que vous soyez gay ou pas, peu importe, on s'en fout. Vous faites quand même le principe, vous faites quand même le jeu. Et puis, bah, celui qui arrive à tenir le plus longtemps sans se faire accrocher au nez aura gagné, ok? Allez, ça marche. Bon, tout est possible. Faut juste faire une conversation logique, hein, de rupture, voilà, comme si vous appeliez votre copain. Écoute, ma chérie, c'est fini, on peut plus du, ça peut plus continuer comme ça, etc., etc. Qui veut commencer, Esteban ou Damien? Moi. N'importe quoi. Peu importe. Bon, allez, hop. Esteban, hop, c'est parti. Évidemment. Eh ben voilà, il fallait une chance sur deux, Esteban, hein, comme celle de gagner d'ailleurs pour le casque DJ. On y va, on appelle. Bonne chance, Esteban. Il y a deux manches. Hein, je le rappelle, on fera la manche. La deuxième manche juste après la pub. Dès qu'il n'y a plus de musique en dessous de toi, tu dis allô. Allez. Allez. Allô? Oui, c'est qui? Ouais, c'est moi. Et toi? Bah écoute, je t'appelle pour te dire, bon bah tu vas sûrement me reconnaître. Bah, vu ce que je vais te dire, tu vas sûrement savoir qui je suis, mais écoute, je sais, on a passé des bons moments ensemble, tout ça, je suis d'accord, mais bon, voilà, tu vois, malgré la distance, tout ça, moi, tu vois, je pouvais plus assumer derrière, tout ça, je me sens plus très à l'aise avec toi, donc... Eh, c'est qui, là? Vous êtes qui, là? Bah, tu sais pas qui je suis, tu me reconnais pas. Bah, non. Bah, tu devrais me reconnaître, pourtant, vu tout ce qu'on a passé ensemble et tout, chez tes parents, chez les miens et tout... Hop là, 42 secondes, c'est pas mal Esteban. Damien, il faut faire mieux que 42 secondes. Allez, ça marche. T'es prêt? Allez. Allez hop, on y va, c'est parti. Pas mal joué hein Esteban, cela dit au passage. Damien, toi de faire mieux, le casque de DJ sera peut-être pour toi. 42 secondes, score à battre. Dès que Bah oui, voilà. Dès que t'entends plus la musique, tu dis allô. Ouais. Merde. Allô? Oh non, c'est moi qui ai foiré. Allô? Allô? Allô, oui. Oui, c'est moi. Alors, en fait, oui. Je t'appelle. Tu es assise là? Allô? Vous allez certainement vous tromper de numéro. Non, non, écoute, écoute ce que j'ai à te dire, c'est très important. En fait, voilà, on va arrêter là. Ça va plus continuer. J'ai trouvé quelqu'un d'autre. Oui, madame, belle dandouille, j'ai 82 ans. Non mais écoute, écoute, c'est très important. Hop, terminé. Hop, terminé, là. Terminé, ça a fait 32 secondes ça, Damien là. Ah là là là là là là. Espèce d'andouille. Eh ben il en manque 10, hein. Il manque 10 secondes, Damien et Esteban. Ouais. Ah oui, oui, oui. Bon, c'est pas grave. On fait la deuxième manche juste après. Esteban, 42 secondes. Damien, 32 secondes. Eh ben, on va voir après. Deuxième manche. Donc, vous allez rappeler des gens. Et bah, celui qui fera mieux que 42 secondes aura gagné. Celui qui fera le meilleur des deux scores, en l'occurrence. D'accord ? Allez, ça marche. Allez. Nickel, par contre, j'ai le droit de reprendre le même concept ou pas ? Absolument pas. Il faut changer de concept entre les deux appels. D'accord, pas de problème. Eh, en revanche, si Damien est un enculé et qu'il a été inspiré par le tien, il peut prendre le tien au deuxième appel. Non, je suis pas du genre. Évidemment, sinon après libre à chacun, mais on ne peut pas rappeler deux fois avec la même histoire. Esteban et Damien, vous restez avec nous. Gabriel qu'on va récupérer dans quelques minutes, et puis on va appeler l'auditeur ou l'auditrice qui aura la chance, enfin en tout cas chez qui nous aurons la chance d'aller plutôt à Grenoble. Ce sera dimanche soir entre 20h et minuit. On fera l'émission en direct de Grenoble sur Fun Radio. Faites passer le message autour de vous. Je veux vous voir nombreux et nombreuses à Grenoble. Attention, hein. On n'est pas à l'abri d'essayer d'organiser un petit laser game aussi. Pour voir Polo se faire démonter la tête encore une fois. Ça vous fait rire. Comme au Havre samedi où il est terminé 30e sur 30. Bravo. 30 bien sûr. Si on fait le deuxième, je pète la tête de Toff avec le fils. Ouais, c'est ça, ouais. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. Envoyez M-I-K-S. Suivi de votre message au 64 900 par SMS. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Arrête de me faire chier. Mickaël, nos limites, 23h, 2h. Sur Fun Radio. On est parti sur Fun Radio là, et il n'y a plus de pub toute la nuit jusqu'à l'arrivée de Bruno Guillon tout à l'heure à partir de 6h du mat. Plein de messages aussi par rapport à Grenoble. Oui, oui, oui, on va faire le tirage au sort. On sait qu'on va à Grenoble, on ne sait pas encore où. On va appeler l'auditeur ou l'auditrice gagnante dans quelques minutes, donc restez bien là. Il y a également la colle avec Gabriel. Gabriel, t'es de retour ? Ouais, très ça bien, va. Allez, refais péter la colle s'il te plaît Gabriel, là on va voir un petit peu comment ça va se passer en termes de d'iPad mini éventuellement pour toi. Je peux être de société, de télévisée ou encore d'arcade. Voilà, je peux être de société, télévisée ou encore d'arcade. Qui suis-je? C'est ça. Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez M-I-K-L suivi de la réponse au 64-900 par SMS ou alors directement sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Vous allez sur le Facebook, je vous ai mis la colle, je vous ai mis la colle, l'énoncé en l'occurrence. Vous pouvez même y répondre depuis le Facebook de l'émission. Donc allez-y et on tire au sort dans moins de 30 minutes. Ce sera aux alentours de minuit 20, minuit 30, comme ça, plus ou moins. Voilà. Vous savez tout. Donc il est 23h49 sur Fun Radio, la suite du jeu de la rupture avec Esteban, avec Damien qui ont fait respectivement 42 et 32 secondes, ce sera dans quelques minutes. Et puis on va s'écouter également dans moins de 10 minutes le son de Martin Garrix, le nouveau. Alors écoutez ça, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Proxy. Voilà le nouveau son de Martin Garrix que je vous cale dans 10 minutes sur Fun Radio. Proxy, restez bien là. Et si vous voulez écouter un son en particulier, bah n'hésitez pas à demander, hein. Je vous calerai aussi le nouveau son de DJ Cassidy dans quelques minutes. Mais très années 80 ça. Ouais. Et puis on va également se taper le son de Clean Bandit avec Rather Be. Et un autre son, un nouveau son qui va nous permettre de chiller pendant que Toff ira chier. Bien sûr, Route 94 avec My Love. Ah ouais. Non, ça va permettre de chiller, hein. Pépère en terrasse avec un verre d'eau. Ouais, non, un petit mojito, mec, t'es ouf. Ah, moi, là tu mets ça, moi. Tu mets ça en été. Le soleil est déjà couché, ouais. Hein, tu mets ça, hop, et tu gères là. teuf sur le trottoir en train de mendier, c'est magnifique. Ouais, il faut bien que quelqu'un paye le cocktail. Hein. Bah, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Route 94 dans quelques minutes sur Fun Radio. Et donc, vous toutes et vous tous en direct avec des messages aussi. On cherche toujours l'avion Malaysia Airlines. Ouais. Et on cherche surtout une théorie. Voilà, si vous en avez une de théorie, bah, n'hésitez pas à aller réagir sur le Facebook de l'émission. Facebook.com/MIKL officiel. Il y a le message qui est arrivé. Salut Fun Radio, vous êtes les meilleurs, je vous aime. Coup de pelle à ma sœur qui a cassé la radio. Elle m'a privé de vous écouter. Continuez comme ça. C'est juste énorme ce que vous faites. Bah merci. Et effectivement, ta sœur en mérite même deux. Voilà. Romain également qui dit ah bah par rapport à l'avion, il passait du Jean-Pierre Sauzère dans l'avion, la carlingue n'a pas résisté. C'est pas mal ça. Peut-être, ouais. Ouais, trop bien, vous venez à Grenoble, la 3 de vous voir. Bisous à tous, c'est Solène. Cool. Bon, alors on va justement, tiens, bah j'espère que tu vas venir nous voir, Solène, je le confirme. On va donc appeler maintenant le gagnant ou la gagnante avant de faire la suite du jeu de la rupture. On va voir chez qui on va aller faire l'émission en direct ce dimanche soir entre 20h et minuit. Allez, allez. Allô ? Oui, Michel. Oui, bonjour, comment tu t'appelles ? Mathieu. Oui, Mathieu. Eh bien, Mathieu, alors j'ai une bonne nouvelle, c'est surtout moi qui. Enfin, c'est surtout une bonne nouvelle pour nous, hein, a priori, quand même. Parce qu'on a trouvé un endroit où faire l'émission, quoi. Ah. Mais on vient faire l'émission en direct de chez toi, Mathieu, quand même. Hein. Michel, trop bien. Ouais. Eh ben voilà. On fait l'émission chez toi. Alors, c'est quoi l'appartement ? Il est bien ou il est petit ? Il est grand ? Il est comment ? Ou c'est une maison, je sais pas ? Non, c'est l'appartement, mais il est bien. Bon, t'as une piscine sur le toit, minimum syndical, sauna, tout ça ou pas ? Non, ça, non, ça. Oh là là. Est-ce que t'as de la vaisselle à remplacer ? Ouais. Ouais. Bon, ben alors, c'est fait, je vais t'aider. Bon, parce que t'as des chiottes. À Noyon, Toff avait cassé deux assiettes. Donc là, on verra avec Polo, comme c'est lui qui va faire un petit peu de cuisine. Là, donc on va se mettre plutôt pas mal. Ouais. Bon, c'est où dans Grenoble, à peu près ? Plus ou moins, hein, donne pas l'adresse exacte, mais grosso modo. C'est accès centre-ville. C'est centre-ville. Voilà. Tout près de quoi ? Tout près de la caserne de Beaune, à Grenoble. D'accord, ok, très bien. Bon, on répète, c'est où tu m'as dit ? La caserne de Beaune. La caserne de Beaune, voilà, donc si vous connaissez. Il y aura des beaux militaires à côté. Ah, mais non, c'est un centre commercial en fait. C'est un centre commercial, c'est parfait. Voilà, caserne de Beaune, donc si vous voulez venir, hein, n'hésitez pas, on sera là-bas, on ira faire un petit tour, pour finir faire des photos, pour assister à l'émission, évidemment. On peut inviter quelques auditeurs, Mathieu ? Ouais. Ah oui. Surtout des filles. De la bombe. T'as une cuisine. C'est pour ma femme qui écoute. Ah, t'as quel âge ? 21 ans. Ah, t'es déjà marié, Mathieu ? Non, j'ai ma copine. Ah, ta copine. Eh, fais venir ta copine, hein. Pourra pas. Oh, alors on fera venir des auditrices, voilà, c'est comme ça. Il faut choisir. Eh ouais, bah elle a qu'à venir, tant pis pour elle. Voilà. Bon bah à Grenoble, on sera donc chez Mathieu qui va nous accueillir hein, de 20h à minuit. On fera l'émission en direct de l'appart. On sera où plutôt ? Dans le salon, la salle à manger, le salon, je pense. Salon ? Le salon c'est plus grand, ouais. Bon bah écoute, plutôt pas mal, bah écoute, ça me paraît pas mal, hein. Ah ouais, on va être bien. Voilà, écoute, nickel. Bah merci Mathieu en tout cas de t'être inscrit pour qu'on fasse l'émission chez toi. Et puis et puis à dimanche. À dimanche, avec grand plaisir. Bah voilà. Quand même. Eh bah vas-y, avec plaisir, bien sûr. Toi tu peux faire open bar hein, comme tu nous accueilles déjà là. Bah ma chérie qui écoute en plus. D'accord, comment elle s'appelle ? Maeva, tu vas voir, ça va être rock'n'roll dimanche soir, il va y avoir des meufs partout, on va inviter des putes et tout ça. Allez, on va mettre la barre de pole dance, on va faire de la bouffe, barbecue. On va faire la barre de pole dance, ça va être génial. Tu sais pas ce que tu rates, Maeva. Je vais chier sur Toff et tout, ça va être génial. Oh là là, j'en rêve. Ça va être beau. Bon, et ben vas-y pour la dédicace. Donc Maeva et qui d'autre ? Mon patron aussi. Ton patron ? Tu fais quoi ? Ouais. Je suis DJ. T'es DJ ? Ouais. Oh. Merde, attends, j'aurais préféré un barman. Bah ouais, tu sais, pour faire les cocktails et tout, ça aurait été au top ça. Je vais te faire un cocktail, c'est moi qui fais la bouffe, je vais te faire un cocktail. Je vais te faire des cocktails de bouffe. Ah, génial. Tu peux faire des cocktails ? Ouais, je sais faire aussi. Ouais. Non, c'est voilà. Non, c'est moi qui fais la bouffe, c'est moi qui fais les cocktails. Ouais. Non, et surtout pas laisser un mojito dans les mains de Polo là, il va nous en faire de la merde là. Mais non, laisse tomber. J'ai dit du cocktail. Bon bah merci beaucoup en tout cas Mathieu, merci de nous accueillir et puis on débarque dimanche soir avec un gros big up à toute la team du là où je travaille quoi. Eh ben très bien, c'est où tu travailles, voilà. Fais la pub hein, tant que t'es là. Le Nox Club à Grenoble. Eh ben écoute, très bien, parfait. Ben merci beaucoup en tout cas. Et rendez-vous merci dimanche beaucoup. Alors à Grenoble. Salut. Rendez-vous dimanche, avec grand plaisir. Salut Mathieu, merci. Ciao. Eh ben je pense qu'on va bien se marrer. Ah. Mais on va être bien. Voilà, le seul point négatif qui pourrait arriver, c'est que j'ai entendu le sous-sous-chef ou le sous-chef qui dirait qu'il passerait peut-être. Oh non, pas lui. Ça va nous niquer notre soirée cocktail là. Parce qu'il va prendre aussi son verre et tout, on va l'avoir dans le cul. Hein, et puis voilà. Oh, je vous jure. Moi je vous dis directement, je ne partage pas le mojito. Ah bah non, on a que lui donner une fausse adresse. On peut lui donner une fausse adresse, oui. Oui, d'ailleurs, on va faire l'émission à Dunkerque. Sous-chef, on va là-bas. Bon, DJ Damino qui dit, Mickaël, c'est toi qui fais à manger quand tu vas chez les gens. La fois passée, c'était Toff. On avait fait un dîner presque parfait. Et Toff avait fait à bouffer. Puis là, cette fois-ci, c'est Polo. Puis après, ce sera Sandro. Puis moi, bon, on verra bien. Ouais. Il y a Quentin09 aussi sur le Twitter qui dit, mon opinion pour l'avion, c'est qu'il y a eu comme un trou noir. Et puis, il a disparu, aspiré. C'est une opinion, effectivement. Voilà, c'est ça. Et Valo qui dit, je suis en retard, j'allume la radio et j'entends espèce d'andouille. C'était plutôt pas mal. Ah oui, c'était dans le jeu de la rupture. Et Lola également qui nous avait envoyé un message, mort de rire, vous vendez du rêve. Oh bah merci Lola. Cesse également, coucou Mickaël, je voudrais un message de bienvenue et un coup de lance-flamme à Toff. Et Polo, car ça fait longtemps. C'est vrai. Voilà, et puis un bon message de bienvenue. Allez vous faire foutre, espèce de tête de con. Là. Voilà, au moins tout est fait comme ça. Et à Fréterie Alba, il y a également. Salut Mickaël et à Charleroi, vous venez quand? Je sais, à Charleroi, c'est pas le top, mais vous êtes les bienvenus. Mais attends, mais Fréterie Alba, évidemment qu'on va venir. Attends, tu penses, dans une fréterie en plus, Polo, il va goûter les cerveaux là, il va goûter... Non, moi je veux faire... En fait, j'ai envie de faire des frites. Ah, mais il va faire des frites. Et couper la viande là comme ça. Ça, voilà. C'est mon rêve, ça. C'est ça. Et c'est bien qu'il dit le sous-chef qui passe faire quoi? Ben, je sais pas. Rien, comme un sous-chef. Il vient sous-chef. Voilà, c'est comme tous les directeurs. Ils sont là, ils font la déco, quoi. Il va dire, mais c'est pas bien, ça. Voilà, c'est pas bien. Et puis voilà. Lola qui dit Toff qui fait à manger. Oh my god, ça doit pas être bon. Non, ça va, Toff est bien à cuisine. Bon, il sait absolument pas faire la vaisselle, ni ranger, ni être propre, mais la bouffe est pas mauvaise. Et j'ai un peu de mal avec les proportions. Voilà, c'est aussi, bon. Ouais, c'est ça. Bon, alors on va faire la suite du jeu de la rupture. Maintenant, avec Damien, avec Esteban. Toujours là, tous les deux? Toujours là, ouais. Très bien, on aura la colle avec Gabriel, on aura Nicolas pour parler de l'avion également. Tiens, vous n'avez pas d'idée de ce qu'a pu devenir l'avion de Malaysia Airlines, Damien et Esteban? Je pense qu'il a été détourné, moi. Attends, Esteban, tu dis quoi? Dans le cul de Toff. Dans le cul de Toff, c'est une idée, effectivement, ouais. Je sais pas s'il y a la place, mais on peut toujours aller fouiller. C'est un 777, hein, t'inquiète, hein, ça rentre. Hein. Ouais, ça rentre crème. Ah, mais ça rentre totalement crème, évidemment, ouais. Et toi, Damien? Ouais, il a été détourné, je pense. Il a été détourné? Ouais, il a sauté en plein vol, un truc comme ça. Ah ouais, c'est possible. Sinon, dans le cul de Toff, regarde, il arrive là. Hop, dans son gros. Hop là, directement, il est arrivé. Ah, paf, de la place, hein. Dans le cul. En plus, ça rentre tranquille. Voilà. Avec le petit message. Mesdames et messieurs, bienvenue. Rencontrons un petit moment de perturbation. Nous allons passer dans un trou noir. Dans l'arrêt du port. Dans l'arrêt du port, exactement. Ah ben voilà, en fait, il a pas atterri dans un aéroport, il a atterri dans l'arrêt du port. Oui, voilà. Bon, c'est comme les hôtesses, comme à fond. BNC en porte. Mesdames et messieurs, oui, BNC à porte. Non, mais c'est possible. Non, on rigole, cela dit. Mais après, j'aimerais quand même vraiment bien savoir où se trouve ce putain d'avion. Et surtout les passagers. Encore l'avion, on s'en fout. Mais où sont les gens, quoi. Maintenant qu'il est perdu, que l'assurance va payer, si on peut le récupérer. Ouais, bah c'est ça. Ouais. Il y a le Doc Coco qui dit, Toff, les Paralympiques se terminent bien dimanche pour toi. Hein. Oui, je sais. Très bien. Combien de médailles? Là, 10, je crois. Ah, 10 quand même. Et Benjamin Lega aussi qui dit, il a du cul d'avoir l'équipe chez lui. Ah, bah en tout cas, c'est nous qui avons surtout du cul qui nous est invité. Donc ça, c'est cool. Mais rassurez-vous, on n'a pas terminé notre tour. Hein. Il y a Toulouse normalement qui devrait arriver là au mois de mai. On devrait également bouger sur Marseille. On devrait après remonter. Bon, on va bouger encore. Je sais pas encore où, ni quand, ni comment. Mais rassurez-vous, on va pas s'arrêter là. Et on va terminer, je pense, par la Corse. Ah oui. Ça, oui. Il va y avoir une chasse à l'homme dans toute l'île de beauté pour faire un feu d'artifice. Où on va faire éclater le fion de Toff. Voilà. Un feu d'artifice. Ça va être énormissime, je pense, c'est clair. Peut-être qu'on verra le Boeing. La suite, peut-être. La suite du jeu de la rupture, Esteban et Damien, vous restez avec nous? Ouais, eh ben très bien, on fait ça dans quelques minutes sur Fun Radio. On va également se faire le top tuto. C'est un petit point sur le top tuto, c'est-à-dire on peut en faire un maintenant en speed. Bien là. Bien sûr. Voilà, je rappelle que c'est celui qui aura le plus tweeté avec le hashtag Mickaël, qui repartira avec un sextoy offert par passagedudésir.fr. Évidemment. Donc si jamais vous avez envie de repartir avec un sextoy qui vaut quand même cher, hein, comment il s'appelle, le Gilbert le Magnifique, hein. Oui, Jean-Gilbert le Magnifique, il est pas mal, hein. On est à 60€. Quand même. Bon, pour gagner, c'est facile, il suffit donc de poster un maximum de message avec le hashtag Mickaël. Qui est numéro 5 actuellement? Célia. Numéro 4, Cédric. Numéro 3, Fredes34. Numéro 2, Elliot. Et numéro 1, Drakit, qui est bien classé pour l'instant, Drakit. Ouais. Le problème de Drakit, c'est qu'il tient pas sur la longueur. Ouais, à un moment, il lâche l'affaire. Ouais, il est toujours au taquet, ou alors il se fait virer par Twitter, c'est possible aussi. Et que devient Let's Be Freaks? Elle a disparu aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai, je sais pas très bien. On a récupéré Megumi, mais Let's Be Freaks, je sais pas où elle est. Elle est à Pékin, enfin, l'été, sur en route pour Pékin. Ah ouais, peut-être dans l'avion Malaysia Airlines. Bah c'est possible aussi. Bon allez Martin Garrix, on va s'écouter ça sur Fun Radio. Mickaël, Mickaël No Limit, 23h, 2h sur Fun Radio. Exactement, ouais, il est minuit sur Fun Radio, il n'y a pas de pub pendant toute la nuit et c'est comme ça uniquement sur Fun Radio. Pendant que les autres radios s'arrêtent avec de la pub qui fait chier tout le monde. Et ben nous on est là en mode dance floor et en mode délire. Prenez le contrôle, on est là jusqu'à 2h. Vous m'appelez d'où vous soyez en France, 01 42 48 5000. Et Célia qui dit il n'y a pas de réseau dans le cul de Tof. Ouais c'est vrai, ça peut pas être là parce que le téléphone sonne. On est con. C'est normal, minuit 3, c'était Proxy sur Fun. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle avec le hashtag MIKL sur Twitter. Mickaël, No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et on est évidemment toujours en direct, il y a Priscilla aussi sur le Twitter. Où est l'armée des doux ce soir? Ah bah on sait pas. L'armée des doux. Il y a une page qui a été créée apparemment. Oui, l'armée des doux sur Facebook, exactement. Voilà. Je rappelle que Polo en est le général. Je suis le général de l'armée des doux. Voilà. Il y a Nathanaël qui, par rapport à cet avion qui a disparu, le Washington Post rapporte que plusieurs passagers apparaissent connectés sur le service de messagerie chinois WeChat. C'est l'équivalent de WhatsApp. Donc bizarrement, sérieusement, peut-être un autre 11 septembre en préparation, on va savoir. Bah, on verra bien. Il y a Wargaming aussi. La première fois que je vous écoute et vous me faites délirer. Mon pote Elliot vous écoute en ce moment, une petite dédicace pour lui. Eh ben le message est passé, merci Wargaming et puis sois le bienvenu. Bienvenue également à tous les nouveaux là qui débarquent ce soir et qui débarquent petit à petit, c'est bien, mais petit à petit, on ira les chercher un par un. Ouais. Je vous le dis, vos amis qui n'écoutent pas encore l'émission sur Fun Radio. Adam également, j'ai pigeonner, ma mère, elle croit que je dors et je vous écoute. C'est bien, Adam. Et Lily aussi sur le Twitter, venez chez moi, Orléans. Je suis à quelques mètres de tous les bars. C'est un bon argument, non? Ah oui, oui, très bon. Ah oui, très très bon argument. Si et des putes, c'est bien. C'est quand mieux. On va venir à Orléans, on te préviendra, évidemment. DJ Gizmo, vous êtes la meilleure radio du monde, la même en Guadeloupe, on vous adore. Bon, on embrasse tous ceux qui nous écoutent là-bas, évidemment. Guadada. Tout à fait. Et Nathanaël qui dit Mickaël, une chose est louche quand même. Les téléphones sonnent, pourquoi ils essayent pas de les repérer avec leur système GPS? Tous les téléphones en ont pratiquement un, sauf si tu possèdes un vieux 3310. Oui, c'est vrai, c'est la question que je me suis posée. Pourquoi il les détecte pas? Ouais, parce que moi j'ai regardé les experts, en 10 secondes ils avaient triangulé le téléphone. Ouais. Le mec à 1 mètre près, il savait où il est. Vrai. Et alors autre chose, ça veut dire que s'il sonne, s'il sonne, c'est que l'avion n'est pas au milieu de la mer, n'importe quoi, si on n'avait pas de téléphone, il n'y a pas de réseau. Ah. Donc c'est forcément à proximité des côtes. Et oui, en plus un téléphone qui va dans l'eau. Bah, il est mort en règle générale. Bah, sauf s'il est waterproof. Ouais. Mais bon, il a pas une durée de vie limitée non plus. C'est vrai qu'il y a la fameuse triangulation. Exactement. Tout à fait. Donc ils peuvent repérer. Bah, exactement. Donc je sais pas très bien, c'est bizarre. On se fout de notre gueule, moi je vous le dis. Et il y a Chris qui dit faites l'amour, protégez-vous et lavez-vous, mort de rire. Mais oui, c'est dégueulasse pour Kadera. Et Basile qui dit Mickaël, c'est la première fois que mon pote Théodore écoute l'émission. Est-ce qu'il peut avoir un message de bienvenue? Oh, bah, bien sûr, évidemment, avec change plaisir. De nom, Théodore, s'il te plaît. Oui, aussi. Surtout avec les prénoms comme ça, là. T'as touché la chatte à ta mère avec tes oreilles. Voilà, il y a encore un petit Théodore. Espèce de petit pédé de merde, va. Voilà. Allez, on va se faire les teubés de la télé dans quelques minutes. Mais avant cela, on va terminer avec Esteban et Damien. Esteban qui a fait 42 secondes. Damien qui en a fait 32. Le but, repartir avec un casque DJ, bien entendu. Esteban. Oui. On va recommencer avec toi. D'accord. On appelle toujours des gens au hasard pour les nouveaux qui viennent de débarquer. Des gens au hasard. Le but donc, arriver à avoir une discussion de rupture. Comme si vous appeliez votre copain ou votre copine pour lui dire que c'est fini. Bon, déjà, ça veut dire que vous êtes lâche. Parce que si vous le faites au téléphone, vous êtes quand même pas très. Vous avez pas trop de couilles, quoi. Donc là, on y va. C'est parti. Esteban, t'as fait 42 secondes. Le but pour asseoir ton avance, c'est de faire mieux que 42 secondes. Quoi qu'il en soit, on gardera le meilleur des deux scores. Donc si tu fais un score en dessous de 42 secondes, on gardera 42 secondes comme référence. D'accord, Esteban? Ok, pas de problème. Allez, Damien, reste avec nous et on y va. Esteban, dès que t'entends plus la musique en dessous de toi, j'aime bien faire un message de Ludivine. Eh ben, Ludivine, c'est dommage, on aurait bien voulu t'appeler. Hop, tant pis, on appelle. Bonne voix en plus. Bah ouais, on appelle quelqu'un d'autre. Dès que t'entends plus la musique en dessous de toi, tu dis allô, Esteban. Okay. Déjà, ça sonne, c'est pas mal. Allez. Allô. Et puis on aura Nicolas aussi hein, pour parler des avions. Ouais. Allô. Quoi, il dit pas allô. Allô. Ah. Allô. Allô, y a qui ça? Comment? Allô. Allô, allô, allô. Oh, oh là là là, là. Eh ben pas mal. Oh, t'as été bon là. Ah ouais, 8 secondes, Esteban. Ah ouais, gros, lourd. C'est là, il y a du lourd. Ah bah, si, ça ne peut elle ne peut que, sauf si elle est sourde. Non, d'habitude, je peux laisser recommencer quand ça décroche pas ou quand ça décroche et ça raccroche directement. Bon, là, il y a eu le halo, tout ça. Malheureusement, on restera sur les 42 secondes, Esteban. Damien, à ton tour. Allez, ça marche. Allez, on y va, c'est parti, on rappelle. Un autre numéro, il faut que tu fasses mieux que 42 secondes et 43 pour gagner, Damien, le casque de DJ. Okay. Dès que t'entends plus de musique, tu dis allô. Allez. Puis il y a Vanessa qui voulait parler des déguisements également. Là, on parlait en début d'émission. Là, fait les appels de Toff avec ça. Là, est-ce que vous vous déguisez pendant que vous faites l'amour? Appelez-nous si jamais c'est le cas. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Merde, c'est le répondeur. On appelle un autre. Damien, sois prêt. Concentré, évidemment, toujours. Allez. Allô? Allô? Oui, en fait c'est moi et je t'appelle pour t'annoncer une mauvaise nouvelle. On va pas pouvoir continuer ensemble en fait. Oui, mais vous êtes qui? Bah, c'est moi, tu me reconnais pas? Ben non, pas du tout. Ben quand même, ça fait presque 2 mois qu'on est ensemble et tu me reconnais pas? Non, non, non, mais vous êtes tombé de numéro monsieur, vous êtes pas au bon numéro là. Vous êtes sûr? Ah, sûr et certain. 25 secondes. Mais quand même, je te reconnais à ta voix. Ah ouais? Comment je m'appelle? Pardon? Comment je m'appelle? Ben, tu sais comment quand je m'appelle. Oui? Ben oui. Je m'appelle comment? Ben, tu sais très bien comment je m'appelle. Non, moi, je m'appelle comment? Il est bon. Pardon? Oh! Oh, c'était serré ça. Ça pue le serrage. Oh là là là là là là. Esteban, t'as fait 42 secondes. Esteban. Ouais, ouais. Bon, t'as fait 42 secondes. Et Damien. Ouais. T'as fait 45 secondes. La classe. Oh là là là là là là. Putain, j'aime bien quand c'est serré comme ça là. C'est tendu quand même. Hein. Oh, c'était bon, c'était bon. Bah quoi. Oh putain, toujours tout de suite penser. Mais quoi. Mais oui, le score est serré. Ah, oui, au cul, il est dingue lui quand même. Ah, pardon, ouais. Non mais. C'est ça. Bon bah bravo Damien, le casque de DJ il est pour toi. Esteban, merci. Malheureusement, bah t'as bien joué aussi, mais bon, t'as joué de malchance sur le deuxième appel, c'est comme ça. On doit faire le dédicace. Bon bah vas-y, t'auras gagné ça aussi. Alors, allez-y, allez-y, allez-y. Espèce de connard. Oh, du, alors bon. Oui, oui, oui, oui. Bon alors vas-y, Esteban. Bah je passe une petite dédicace à mon lycée, Bouté de Montvel. Ils vont se foutre de ta gueule demain, je te préviens. Ouais, pas de problème. Attention, je suis en vacances donc. Ah bah lundi, t'inquiète pas, ils vont se foutre ta gueule lundi, bah, t'inquiète pas. Ah ils ont pas intérêt. Oh si si si si, allez-y d'ailleurs. C'est quoi le lycée, vas-y rappelle. Bouteille de Montvel. Oh merde, ça a coupé. Bouteille quoi? Bouteille de Montvel. Bouteille de Montvel. Mais qu'il est le... à quel moment il y a un mec qui s'est dit tiens je vais appeler le lycée comme ça, ça va être cool. Ça va être top les. Bouteille de Montvel. Bon on embrasse tous ceux qui sont là-bas et foutez-vous de la gueule d'Esteban qui a perdu comme une merde. Hein. Ouais. Et toi Damien, tu voulais dire une dédicace aussi? Une petite dédicace à Manfredé et surtout force à Bastille. Très bien, eh ben, les messages sont passés. Merci Esteban, merci Damien, passez une bonne soirée à l'écoute des Fun. Ciao, merci beaucoup. À bientôt, ciao à vous. Nicolas qu'on va prendre dans quelques minutes là qui voulait parler de l'avion. On a également Vanessa qui elle est là, qui appelle de Shell. Salut Vanessa. Salut Mickaël. Comment vas-tu? Ça va, merci. Bon, en Seine-et-Marne donc, Shell, Vanessa. Ouais, très bien. Ça, oui. Alors, toi tu voulais réagir par rapport au déguisement. Oui, voilà, mon copain a des problèmes d'érection. Ouais. Oh. C'est-à-dire il bande mou? Ou il bande pas? Il faut vraiment beaucoup pour le mettre en action. Oh, ah bon? Ça c'est un truc, alors je sais que ça existe, hein, mais c'est un truc que je peux pas comprendre. Mais j'ai trouvé la solution. Ah donc tu mets du scotch autour, c'est ça? Non, pas du tout, vu qu'il est geek de Minecraft, j'ai créé un espèce de déguisement avec un carton. Mais non. Et j'ai fait les ouvertures des seins et de mon vagin pour pouvoir... Ah, t'appelles ça un vagin, toi? Oui, non, oui, c'est... Oui, enfin, un vagin, s'il vous plaît. Oui, non, c'est un vagin. Oui. C'est plus mignon. Et donc, voilà, ça l'excite vraiment. Attends, mais parce que j'aimerais bien imaginer le truc quand même. C'est, donc, t'as fait quoi en carton? Bah, Minecraft. Bah, un Minecraft en carton, si vous voulez. Ouais. Donc, voilà. Et là, il bande. Ah, bah, ça l'excite un peu. Hein. Non, mais c'est marrant. Ça. Et tu le prends pas mal parce qu'au final, tu pourrais te poser la question en disant que... Bah, en fait, moi, je ne fais pas bander, je suis obligé d'avoir des trucs en plus pour y arriver. Non, quoi. Non. Il y a quand même les petits trucs sans le carton, mais ça nous fait délirer. Ça, c'est notre petit jeu à tous les deux. D'accord, cool, ok. En tout cas. Non, mais c'est bien que ça marche comme ça, c'est cool. Bon, bah, très bien. Bah, merci, Vanessa. Bah de rien. Bah je te fais plein de gros bisous alors sur le carton alors. Salut bon Vanessa, je t'embrasse. Ciao à toi Vanessa. Ouais, bah putain, dites-nous c'est d'ailleurs si vous êtes, si vous aussi vous avez tendance à vous déguiser ou pas. On va encore faire d'autres appels avec Tov dans quelques minutes. Donc restez bien sur Fun Radio. On aura Pharrell Williams qui va débarquer aussi là. Ouais, avec Happy sur Fun Radio. Et puis attention, un de mes sons préférés pour l'instant également. Le son de Major Lazer avec Sean Paul, ce sera Come to Me sur Fun Radio. Et il est minuit 13, on est toujours au cœur de la nuit sans pub. Bienvenue si vous débarquez, prévenez vos potes. C'est sur Fun Radio que ça se passe tous les soirs. Mickaël No Limit de 23h à 2h, le dimanche également de 20h à minuit. Et ce dimanche, on fera l'émission en direct de Grenoble, en direct de chez Mathieu, donc à Grenoble. Si vous voulez venir nous voir, on sera dans le centre-ville, tout près de la... caserne, j'ai oublié. Oui, de la caserne. Enfin, le centre commercial, voilà, le centre, j'ai oublié le nom. La caserne bon point. Attends, je te dis. Bon point, le bon point. Je sais plus. Au bon point. Merde, j'ai oublié. Bon bref, on sera là-bas. Donc si vous voulez venir nous rejoindre dimanche soir 20h minuit, on fait l'émission en direct du salon de Mathieu. Bonne. De quoi? Caserne de Bonne. Caserne de Bonne, exactement, ouais. Donc on fera l'émission en direct de chez Mathieu, en direct de son salon, en direct de son appartement. Donc j'espère que vous viendrez nombreux passer nous voir. Évidemment, on fera les photos, tout ça. Vous allez assister à l'émission, ça va être cool. Donc je compte sur vous. Il y a Takala qui dit Québec au jour qui vous écoute. Donc, on embrasse tout le monde là-bas, évidemment. Tabernac, on écoute quand même loin. Hein. Saloperie. Quand même, hein. Bah, et ouais, Wargaming tiens. Aussi, l'armée des doux va envahir l'appart à Grenoble. Bah j'espère, ouais. Emmerich aussi, putain chaud, le jeu de la rupture, là. C'était serré, là. Pas comme le cul de Toff. Ah oui, ça c'est. c'est sûr. Non, chez moi, il y a de la place. Ouais. Et Cookies aussi, qui est de retour là, sur le Twitter. Coucou, c'est bientôt bon anniversaire le 16. C'est bien Cookies, moi, c'est le 19. Tu vois, on n'est pas 3 jours près quand même. Est-ce que tu pourrais passer, si tu es d'accord, Dance Motherfucker de Garmiani, du pur bon son? Bah, je l'ai pas, je crois, Cookies, mais envoie-le-moi si tu veux, j'écouterai. Et Rupti aussi sur le Twitter, je vous écoute depuis Londres. Ah, il est en exil, français. Exactement. Français. Ou alors, est-ce que tu es peut-être anglais? Est-ce que tu bois du thé avec du lait? Je ne sais pas. Et Rémi, la journée du mensonge, mes parents croient que je dors et je vous écris avec un compte Facebook à leur insu pour pouvoir jouer avec vous. C'est bien, Rémi. Tu commences bien dans la vie, t'étais pas mal. Allez, restez sur Fun Radio, c'est Mickaël No Limite. On va se faire dans quelques minutes. Eh bien, le top tutos, on en parlera bien entendu. On aura les teubés de la télé et puis vous toutes et vous tous en direct avec toujours cette histoire d'avion. On essaie de trouver qu'est devenu cet avion de Malaysia Airlines. Là, on va voir un petit peu où il est. On essaye de trouver des idées, bien entendu. Quelles sont vos hypothèses? Voilà. Et Mickaël officiel, balancez vos messages. On lit tout ça en direct sur Fun. Si Mickaël et son équipe avaient vécu dans un autre siècle, ils auraient été exécutés. Car ils sont trop dangereux. Mickaël No Limite. En 2014, ils sont en liberté. Mickaël. De 23h à 2h sur Fun Radio. It might seem crazy what I'm about to say. Please call again. Mickaël No Limite. Tous les soirs, 23h, 2h, sur Fun Radio. Fun Radio. Et on est toujours évidemment en direct sur Fun Radio. On est là jusqu'à 2h du mat comme tous les soirs. Prévenez vos potes évidemment si ce n'est pas encore fait. 23h, 2h, c'est l'horaire de l'émission sur Fun Radio. Et oui, il se passe enfin quelque chose de vrai. Contrairement aux fausses autres émissions hein, qui sont là, ils vous font croire des trucs. Enfin bref, nous on est là, Toff est un vrai connard. Ah, un vrai. Voilà, c'est pas imagé. Et, voilà, c'est ça. Polo est un vrai con aussi. Voilà, avec une bite dans la tête. Enfin bref, une vraie chemise en jean, etc. Quoi. Bon bref, il est là, il est vrai quoi. Il est vrai. Il est beau gosse aujourd'hui. Ouais, il s'est mis en chemise aujourd'hui. Ah, il s'est fait le petit rasage et tout. Exact. T'avais un date peut-être. Bah ouais, depuis que je suis une star, les meufs se bousculent. Oh là là, et tellement. Je suis chaud grave. Ah ouais, il y a Rupti qui dit non, je ne suis pas un anglais. Ah oui, c'était par rapport à celui qui vous écoutait de Londres. Mais je suis en vacances là-bas et je vous écoute parce que je m'ennuie. Ah oui, bah à Londres, ouais, si ça dépend comment tu vas. Mais mange si du pudding. Si, ouais, bah tu peux manger du pudding. Florent qui dit du bonsoir avant de s'endormir, ça fait plaisir. Et Ludwig qui dit ouais, moi aussi je vous écoute de Montréal depuis hyper longtemps. Ouais, on sait Ludwig, je me souviens de toi. Kadera également, Toff prend cher le pauvre, moi je lui fais plein de gros bisous. Et puis Kevin également. Moi aussi je t'embrasse. Ça y est, j'ai renvoyé les photos, si ça n'a pas marché je te ferai un courrier. Au fait, vous voulez un truc courrier de la Tunisie, c'est cadeau. Oh bah, un petit souvenir, ouais, pourquoi pas, je vais mettre en Tunisie, donc pourquoi pas. Bah, je vais des vérifier Kevin. Pour Toff. Ouais, tu peux ramener des babouches si tu veux. Et Maxence qui dit à propos de l'avion, il se pourrait qu'il y ait eu un téléphone hors mode avion, ce qui a dû perturber un satellite, ce qui a dû faire perdre de vue l'avion. Qu'est-ce que tu racontes, Maxence? Ouais, moi aussi, avec mon iPhone, je peux téléguider des avions. Ah, ah oui, il y a une appli. Qu'est-ce que pour tu ça racontes? Mais oui. Bon, et Elliot aussi, ouais. Là, où t'es l'avion, où t'es? Où t'es l'avion, où t'es? C'est Elliot qui a décidé de faire sa petite parodie. Bon, avant de parler de cet avion, justement, avant de prendre Christine également dans quelques minutes, on va parler donc des teubés de la télé. Vous savez qu'on adore ça, hein, ces émissions en bois à la télévision. Et là, c'est le Bachelor. Il y a une candidate qui se pose une question qui est, ma foi, existentielle. Alors, est-ce que je pense si on peut bronzer avec le... C'est une blague? C'est une blague ou pas? Qui a dit ça? C'est toi qui a dit ça? Mais faut que t'as... Non, mais c'est pas possible. Tu peux pas dire des choses comme ça. Tu peux pas, Anaïs. Mais à un moment, je suis désolée, mais... Intellectuellement, c'est fatigant. Quand elle parle, on se regarde toutes et on hallucine. Ah oui, là, pour le coup, effectivement, il y a de quoi halluciner, je le confirme. Bronzé avec le feu. Voilà. Et alors, dans les enjeux de la télé-réalité, on relève pas le niveau avec une autre question, hein, ça, c'est sûr. Toi, qu'à moi, je vais me dire quoi? Mais c'est la sauce. Mais non, c'est la sauce qui est à côté, c'est les trucs des Mexicains, c'est la sauce, moi, sauce là. Ah, tu veux la sauce? Tu connais pas? Non, je connais pas, non. C'est... Non, je connais pas. Excuse-moi, mais je connais pas. Oui, c'est une sauce, hein, le guacamole, c'est bien connu. Non, c'est très très bonne là. Sauce. Ouais ouais, tout à fait, ouais, le guacamole c'est la finalité, mais ça se fait avec l'avocat, ouais, entre autres, ouais. Bon, et puis pour rester dans les questions, Nagui se demande si Van Gogh a une pipe ou un pinceau en bouche, et bizarrement ça dérape. Effectivement, j'hésite entre la pipe et le pinceau. Bon, dans ces cas-là, faut jamais hésiter. Une bonne petite pipe, oui, absolument. Évidemment, une bonne petite pipe, ça ne se refuse pas. Évidemment. Sacré bon, Nagui. Eh oui, on va parler de l'avion encore avec Seb, qui est avec nous également de Shell. Décidément, on a beaucoup du monde de ce soir de Shell. Là. Salut Seb. Ah, il va couper la radio, Seb. Ouais. Voilà, c'est fait. T'es pas le mec de Vanessa qu'on a eu il y a quelques minutes de Chai aussi. Non, c'est toi qui bande mou. Non, plus maintenant, il y a le déguisement. Ah oui, maintenant il y a le déguisement, d'accord. Bon, on a toute la famille alors, c'est cool. Bon, bah bienvenue à toi, Seb. Ouais. Est-ce que tu as une théorie sur cet avion qui s'est volatilisé? Alors moi, je pense. Mais ça, c'est que moi. Oui, ouais. Bah, je me doute bien. Parce que tu dis moi, je pense. Donc. Lost. Ah bah voilà, justement. Il serait sur l'île. Ce qui est avec pas mal Michael parce que. Et Bruce Lee. Et Tupac. Et Tupac est là également. Ouais. Parce qu'il était en ville, il a vu Tupac, un match de foot. Bien sûr, mais Tupac il est toujours. Bah bien sûr, Bruce Lee. Il y a Elvis également qui est là. Hein. Ouais, et il paraît il fait, que. Il fait le barbecue, il fait les sardines. Et qui est les Elvis et Bruce Lee toujours ensemble. Bah bien sûr, évidemment. Bon, oui, c'est une théorie, c'est vrai. Note, quitte à se volatiliser. Terminé sur l'île de Lost, c'est pas mal. Genre la belle plage. Ouais, enfin, il y avait des mecs chelous quand même sur l'île. Il y a plein de galères après, mais bon. Après, il y a plein de galères, ouais, c'est vrai. En oui. En tout cas, ils sont vivants. Mais j'aimais bien sur Lost, ils avaient une petite camionnette, la petite Volkswagen, là. Comment elle s'appelle encore La caravane. Caravelle. Caravelle. Caravane. Je sais plus. Je crois qu'elle s'appelle. Qu'il dit caravane. Enfin bref, la vieille, là, des hippies, la camionnette Volkswagen, elle était cool celle-là. Je sais plus, je suis dans Walking Dead maintenant, moi, c'est fini Lost. T'es dans quoi, Breaking Bad? Walking Dead. Ah, Walking Dead. Ah non, j'ai pas vu ça, Walking Dead. Je suis pas plus attiré que ça par Walking Dead. Si, moi aussi, j'aimais pas les zombies, et maintenant j'aime bien. Ouais, je sais pas, peut-être que je m'y mettrai un jour, je sais pas. Moi, je suis plutôt sur Banshee pour l'instant. Je sais pas si t'as entendu parler. Non. Bah alors, pour résumer, c'est que du cul et de la violence. Waouh. Orange, ouais, non. Ouais, mais franchement, on va voir un Banshee, B-A-N-S-H-E-E. Voilà. Ok, bah j'espère que tout le monde a noté ça. Bah voilà, Banshee, allez voir. Et donc, c'est bien une caravelle alors de Volkswagen et pas la caravane. Hein. C'est moi qui dis de la merde, autant pour moi. C'est tout ce que je méritais. Voilà, c'est mon hypothèse. Je pense, Lost. Et bah voilà. Écoute, très bien. Bah l'hypothèse est gardée en tout cas. Bah merci, Seb. Je te remercie, merci à tous et bon courage. Ah bah t'inquiète pas, il en faut pas du courage, non, on fait ça, nous on se marre, hein, t'inquiète. Hein. Salut, ouais, salut. Du courage. À bientôt Seb, ciao à toi, bye bye. Nicolas, Jennifer également, Nicolas on va le prendre dans quelques minutes. Jennifer qui est avec nous de Clermont maintenant, salut Jenny. Salut. Comment ça va? Bien et vous? Bah écoute, très bien. Alors toi tu as une théorie sur cette disparition du vol de Malaysia Airlines? Ben, non, je n'appelais pas pour ça. Ah non, pardon, t'as pour moi, c'est moi qui. Ah oui, alors pas du tout. Alors, oh là là là là là là. Effectivement, c'est moi qui ai mal lu la ligne. Mais c'est pas grave, elle a une belle voix, elle appelle pourquoi? C'est pas grave. Du coup, bah, est-ce que t'as quand même une théorie, accessoirement ou pas? Dans les volcans d'Auvergne. Il s'est perdu, oui. D'ailleurs, il est en train de demander son chemin, là. C'est-à-dire que le pilote s'est arrêté, ouais, il dit bon, écoute, Robert, là, il est où l'aéroport, là, que je cherche, là, Pékin, là, tu sais pas où il est? Donc oui, perdu. Oui, ça c'est sûr, il s'est perdu. Ça c'est certain, c'est certain. Sinon, t'as appelé pourquoi, Jenny? Bah voilà, c'est que en fait, je suis en train de me chercher parce que je suis. Mais t'es là, non? Certaines filles qui me laissent indifférente. Ouais. Et ça fait 4 ans que je côtoie un couple où la fille s'est devenue ma meilleure amie et que en fait, j'aimerais bien tenter quelque chose avec elle. Ah. Mais je sais pas comment elle va réagir en fait. Bah tu vas, tu lui bouffes la chatte et on en parle plus. Oh, t'es vraiment une merde. Non, ouais. Moi j'aurais dit commence par un doigt. Il y a son mari, puis elle est quand même mariée, elle a des enfants quoi. Ouais, c'est pour ça, vas-y doucement, un doigt d'abord, deux doigts, et puis si ça passe, tu mets toute la main. Non mais laisse tomber, elle est mariée, elle a des enfants et tout, là. Pourquoi t'essayes pas de trouver une autre meuf qui est célibataire? Mais parce que en fait, si vous voulez, elle. Moi je veux rien, moi. On est super proches et tout, sauf que elle sait que certaines filles me laissent pas indifférente. Sauf que je sais pas comment lui dire que j'aimerais bien essayer quelque chose avec elle en fait. Propose-lui un plan à 3 avec son mec. Dans un premier temps, c'est vrai que ça peut être une idée. Faut voir. Même si au final, à la fin, vous faites que brute minou à deux quoi. Ah ouais, c'est une idée. Je suis sûr que lui, ça va l'exciter. Hein. Mm-hmm. C'est une idée. Bon, attends, reste avec nous, Jennifer. On va poser la question à tout le monde là. Eh ben, est-ce que vous avez un conseil pour Jennifer? Elle est attirée par une fille qui est en couple, la meilleure amie pour le coup. Appelez-nous 01 42 48 5000 02 851 4x0 depuis la Belgique. Et puis on va se faire la réponse dans quelques minutes également à la colle de Gabriel. Et on va prendre également. Ah, on parlait des déguisements d'ailleurs. On va faire les appels avec Toff dans quelques minutes. Christine qui a accompagné de sa bouteille. Christine! Oui, salut! Est-ce que tu balades ta bouteille avec une laisse dans la rue? Certainement, oui. Bon! Mais j'en ai plusieurs, c'est comme le groupe là. D'accord. Eh, ouais, hey, Christine, bon, est-ce que attends, avant de parler du déguisement, est-ce que t'as une théorie sur l'avion qui a disparu? Lui, il est chez moi, le Boeing. Ouais. Ah, il est chez toi, ouais, le Boeing? La vraie question, oui, c'est... Il est chez moi. Est-ce qu'elle a une théorie sur la bouteille qui a disparu? Oui, est-ce que la bouteille est disparue, elle est où? Elle est dans la rue, je l'ai cassée. Ah, elle est cassée, ah, c'est ballot. C'est ballot. Bon, par rapport au déguisement, puisqu'on s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus de gens qui aimaient se déguiser en couple. Oui. Et donc, du coup, je voulais savoir si vous vous déguisiez souvent, en etc., bouteille, etc. Oui, absolument, alors, absolument. Alors, fais-nous rêver, fais-nous bander, Christine. Ah oui. Allez, branlez-vous. T'emballe pas. Ne t'emballe pas. Vas-y, Christine, on se branle, vas-y. Non, alors, le déguisement, tu sais, c'est un manteau en fausse fourrure. Je répète, en fausse fourrure. Répète. Ok. Répète. Répétez, oui, je peux péter aussi. Ouais, hein. Mais non, mais répète, c'est en quoi aussi, hein. Voilà, là, j'ai roté. Oh. Ah non, mais je suis terrible. C'est pour ça que tout le monde m'adore. En fausse fourrure, avec des porches jartelles, à poil, dessous, à poil, bien sûr. Ouais, comme ça, t'es à poil partout. Il faut bien piner. Hein. Oui, bon, je t'emballe pas. Hein, c'est... Moi, je peux t'imiter, mais toi, tu t'imites pas toi-même. Et tu fais l'animation. Ah bah, et moi. Les cheveux, comme les cheveux longs, je les crêpe. Et le maquillage à la pisse. Avec une toile. C'est une toile autour des yeux. Attends. Mais tu dois être rappeler que Kiss. Attends, Christine. On va rappeler que Kiss, en fait, ils ont un maquillage noir et blanc. Oui. Avec une étoile autour de l'œil. Exactement, oui. Oui, Kiss, oui, l'étoile. Mais en fait, ça fait pas bander, ça fait fuir, ça. Ah ouais, moi j'ai ça, la mais meuf. Non, ah non, si, mais si, non, moi je me barre. Mais hein. Mais ah, mais non, si, en courant. Hé, il y en a un qui m'a appelé ce soir, mais que je suis sa bite. Quelle horreur. Oh et on, là et là. On dit que je suis pas glamour, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. C'est pas le glamour? Mais non. N'importe non. Quoi. Bon, et donc du coup, t'espères nous faire bander avec cette histoire? Avec Kiss? Kiss? Ouais, non, mais je suis pas mec, hein, je suis femme. Je suis pas une bite entre les jambes. Hein. Elle arrive. Ah, elle arrive. Une chatte. Ouais, ouais, non, ouais. Parce que... Tu quoi? À force de sucer des bites, je la vois enrouée. Voilà, c'est tout. Oh là là, Christine. Oui. Bon. De poésie. Ah oui, que de poésie. Bernard. Trop de poésie, même. Ah oui, mais je suis un poète, moi. Eh oui, on a bien vu ça. Bon, Christine, on va pas te déranger plus longtemps. On sait que t'es très occupée. Ok, moi non plus. Il y a une bouteille à problème. Salut, Christine. Et salut, Mickaël. Ciao. Pendant que la nation s'enfonce dans la bêtise, il reste un endroit où vous détendre, vous amuser et respirer. Mickaël nos limites, nous, on vous laisse pas tomber. Mickaël, de 23h à 2h sur Fun Radio. Yes, on est en direct sur Fun Radio, minuit 31. Il y a Romain qui dit, c'est quoi cette meuf? Bon, c'est Christine, hein, c'est Picole Facile, on peut l'appeler comme ça, c'est son deuxième nom. Dans un instant, on va faire d'autres appels avec Toff, comme tous les soirs. Et puis on va se faire un de mes sons préférés au cœur de la nuit sans pub, Major Lazer et Shana Paul. C'est Come To Me sur Fun Radio. Bonne nuit tout le monde et bienvenue. Le son de Major Lazer à l'instant avec Shana Paul, c'était Come To Me. Et puis restez sur Fun Radio, il est minuit 35. Un message de Miller aussi qui dit, comme d'hab, réveille avec Mickaël nos limites sur les routes de France. Salut Pascal, l'Arménien. Ah oh, putain, l'autre il se réveille. Réveille avec nous, t'imagines, on fait le morning pour certaines personnes. C'est dingue ça quand même. Pas mal. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nos deux qui rira aura une tape. Aïe! Tu te barres tellement avec Mickaël nos limites que tu pourras jamais gagner. Aïe! Mickaël nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Exactement, il y a Mélanie aussi qui a envoyé son message sur le Facebook, là, juste fan, sincèrement. Faire les cours, préparer la journée du lendemain, au boulot, tout ça en vous écoutant, c'est le must, merci. Bah merci à toi d'écouter Mélanie, puis bienvenue à toi surtout. Mathis qui dit la meuf, elle avait 3 grammes, au voire un peu plus. Hein. Et Kadera aussi, conseil pour Jennifer, laisse tomber, elle a une vie de famille, des enfants, ce serait dommage de tout niquer pour un brout minou mort de rire. Et Hugo également sur l'application Mickaël No Limit qui envoie son message pour les téléphones, la sonnerie que des familles ont entendue a de grandes chances de n'être qu'un signal automatique envoyé par l'opérateur de téléphonie mobile. A voir, c'est vrai que c'est une possibilité par rapport à l'avion qui a disparu. On va en parler encore de cet avion avec Nicolas, avec Jean-Noël, avec Joël également dans quelques minutes. Et puis on va d'abord, avant de faire le tirage au sort aussi pour la colle avec Gabriel, faire encore un petit coup les appels de Toff. Puisqu'on voulait savoir si vous vous déguisiez. Oui, si quand vous faites l'amour. Parce qu'apparemment, d'après les sites internet, il y a de plus en plus de gens qui achètent des tenues. tenue donc de déguisement pour faire l'amour. Bah oui. C'est voilà. Mignon, c'est exactement, genre policière, infirmière, etc. Cochon, etc. Oui, tout à fait. Donc on appelle des gens grâce au numéro que vous nous avez envoyé sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. On y va, on appelle et on continue les renseignements. Tout à l'heure, on n'a pas vraiment eu beaucoup d'informations, hein, malheureusement. Hélas. Ah non, hein, c'était très... Allô ? Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous étiez déjà déguisée pour faire l'amour avec votre mari. Oui, allez, à ça d'abord. Salut. C'était un peu rapide. Ouais, hein. Ça a été un peu rapide, ouais. Bon, bah, du coup, on va la rappeler, la petite dame, là, minuit 36, c'est parti. Oui, excusez-moi, mais vous avez raccroché un peu vite, j'ai pas bien compris votre réponse. Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Bah, c'est juste pour savoir, madame. Eh ben, qu'est-ce que ça peut vous foutre? Bah, c'est pour savoir si vous êtes déjà déguisée ou pas. Que ça peut vous foutre? On vous demande quelque chose à vous? Non, c'est moi qui vous pose la question, madame. Eh ben justement, je vous répondrai pas. Ben pourquoi vous voulez pas me répondre, madame? C'est pas gentil. Ça vous regarde pas. Allez, ben, salut. Ben non, madame. Allô? Oh, merde. Qu'est-ce que là, relou? Bon, on le rappelle encore un coup, là. Putain, toi, t'as pas fini, bouffon, va. Mais du calme, monsieur, allô? Ah, d'accord, bon, ok, bah, ça mérite d'être rapide au moins, en tout cas. Lui aussi, il était pressé. Ah, il était un peu assez pressé, ouais. Bon, bah, on en rappelle d'autres tout à l'heure. Si vous avez des numéros de téléphone de gens qu'on pourra appeler encore à cette heure-ci, et même jusqu'à 2h du mat, n'hésitez pas sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. Tiens, on va faire un petit test, Tof, pour voir si t'es un pervers. Ah, bah. Si t'es un pervers ou pas. Alors. T'as vraiment besoin de faire un test? Bah, ouais. Est-ce que tu es gentil, prévenant, attentionné les premières fois que tu fais l'amour avec une fille? Et est-ce que tu attends un petit peu avant de lui révéler tes vraies envies, genre te faire accrocher sur des croix, par exemple? Oui, en général, je demande d'abord à la fille tout ce qu'elle veut. Et une fois que tu vois qu'elle a tout eu, je lui dis, bon, écoute, alors maintenant, on va faire ce que j'ai envie. D'accord, ok, très bien. Donc, deux, je te demande pas si t'as une double vie, hein, voire une triple, on connaît la réponse. Numéro 3, comme tu es un homme, d'après le test, il faut savoir que les femmes sont rarement des perverses. Venez nous dire les mecs, hein, si vous êtes déjà tombés sur des meufs d'ailleurs perverses, et les filles, si vous êtes comme Tof, venez nous en parler. Hein. Oui, voilà. Oui. Donc, vous êtes tombé sur une fille perverse? Non, jamais. C'est toujours moi qui les ai pervertis. D'accord. Et alors, bon, après, je les ai peut-être traumatisés. Mais... Voilà. Ah bah 4, justement, est-ce que tu as été traumatisé par une relation dans ta jeunesse? Alors là, je peux répondre pour toi aussi, bien entendu, avec cette fameuse histoire. Cette fameuse histoire, si vous ne la connaissez pas, je vais vous la rappeler avec grand plaisir. Puisque je rappelle donc que Tof est sorti quand il avait 18 ans avec une meuf, hein, on taira son nom, elle s'appelait Isa. Et donc, voilà. Il a bloué, là. Et donc, il était amoureux, il avait 18 ans, hein, c'est pour dire, c'était en 2000. Ouais. Et donc voilà, donc il était triste et elle l'a viré comme une merde alors qu'il était fidèle, c'était un mec bien à l'époque. Hein. Oui. J'ai cru à un moment qu'il allait terminer banquier avec un monospace, un chien. Mais enfin, grave et tout, faut dire qu'on s'est avec rencontrés. Avec des enfants, voilà quoi. Non, faut dire qu'on s'est rencontrés, j'avais un job étudiant qui était dans une banque. Bon, je l'ai gardé 5 jours le job. Hein, mais... C'est pas mal, mais pistonné par papa, heureusement, évidemment. Oui, c'est ça. Sinon ça n'aurait pas pu aller. Il a mal vécu que je me barre. Voilà. Et donc du coup, il a été traumatisé par cette relation. La meuf l'a quand même viré en lui offrant la chanson de Patrick Bruel avec Ville de Tromba. L'album complet, évidemment, mais la chanson était dessus, ouais, ça c'était quand même dramatique. Donc on peut l'affirmer de manière sûre maintenant. Tu es un pervers. Ça y est, c'est fait, voilà. C'est officiel. Ça y est, c'est fait, c'est officiel. C'est officiel. Venez nous le dire, vous aussi, les filles, les garçons, là. Est-ce que vous êtes déjà tombés sur des mecs pervers ou des filles perverses? Vous nous appelez 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Il y a samurais.exe qui dit, moi, je dis, le meilleur déguisement, c'est infirmière. C'est pas mal. Il y a Thomas aussi, Tof, qui est l'élégance. Tu mérites 36 coups de pelle. Oui, bah, déjà au moins une, hein. Voilà, ce sera déjà pas mal. Il y a quoi aussi, Romain, qui dit, faudrait faire le test pour Jean-François. Quoi qu'on connaît déjà le résultat. Mais Jean-François. Et Biron aussi, Biron Love, il dit, moi je pense que c'est un acte terroriste parce que deux personnes se sont fait voler leur passeport, ils ont fait couler l'avion. Mais quel intérêt? Est-ce que un acte terroriste, le terroriste ou le groupe terroriste doit être fier et ils le disent. Ouais, on a fait ci, on a fait ça, on a fait péter l'avion. On n'en parle pas, les gars, on en parle. Ouais. Tout le monde se ferme sa gueule. Sinon, ça ne sert à rien. Tout le monde ferme sa gueule. Bon, non, mais même, c'est bizarre quand même. Ils peuvent le repérer avec des sonars, en fait. Ils peuvent repérer tout ça. Mais bon, voilà, après, c'est une histoire quand même relativement bizarre. Ça, c'est moi qu'on puisse dire. Bon, on va récupérer donc Jason dans quelques minutes qui voulait réagir à Jenny. Qui donc attiré par une fille qui elle déjà en couple, et donc on va aussi d'ailleurs donner la réponse maintenant d'abord à la colle avec Gabriel. Gabriel, t'es toujours là? Oui. Très bien. Allez, on y va maintenant, minuit 40. On appelle quelqu'un qui a envoyé la bonne réponse par SMS ou sur le Facebook. Si la personne qu'on appelle décroche et donne la bonne réponse, elle gagne, tu perds. Si jamais elle ne décroche pas ou qu'elle donne la mauvaise réponse, c'est toi qui gagnes, Gabriel, d'accord? D'accord. Allez, on y va. Déjà arrivé ou pas? De quoi? Oui, bien sûr, c'est déjà arrivé. Oui, plus de fois que tu ne le penses, Gabriel. Surtout quand on appelle tard. Encore le dimanche, on appelle plus tôt parce qu'on fait 20h minuit, mais là, minuit 41, pas sûr. Ah, oui, dommage pour toi. Allô, comment tu t'appelles? C'est Mickaël, t'es sur Fun Radio. C'est Mohamed. Mohamed, salut Mohamed. Bon, il y a Gabriel qui a une collade posée. Vas-y, Gab. Je peux être de société, de télévisé ou encore d'arcade. Qui suis-je? Un jeu d'arcade, un jeu de société et un jeu télévisé. C'est sûr? Oui, je suis sûr. Eh ben, c'est ça. Ah bah oui. Ouais. Eh ben voilà, Mohamed, l'iPad mini est pour toi, bravo! Félicitations! Eh ben voilà, hop là, ça y est. C'est fait, c'est plié comme ça. Bah écoute, malheureusement, ce n'est pas arrivé ce soir, Gabriel. Bon, bah tu reposes une autre call avec quand tu veux. Et on va quand même te filer un pack fun de toute façon, Gabriel, d'accord? Bah, y a pas de soucis, c'est ça long. Roule. Allez, bonne soirée à toi. Je peux te poser une question là-bas? Bah vas-y, bien sûr. Dimanche à Grenoble, tu seras à quelle heure? Bah écoute, on arrivera, on fait l'émission de 20h à minuit, on arrivera dans l'après-midi, hein, on va arriver dans l'après-midi, ouais. Ouais, parce que peut-être que je passerai faire un tour pour... Ah bah j'espère, ce serait cool, t'es où toi? Bah je suis vers le stade des Alpes. D'accord, eh ben passe avec grand plaisir. On va se donner rendez-vous un moment ou un autre, hein, tout près. En plus c'est dans le centre de Grenoble. On va faire l'émission chez Mathieu, un auditeur, donc dans le centre de Grenoble. Et tu connais le centre commercial toi, la caserne Bonne? Ouais, de Bonne. Bah, caserne de Bonne. C'est vers chez moi, donc c'est pas génial, tu vois, on va faire l'émission tout près de chez toi, donc oui. Je le vois, le stade des Alpes. J'avais proposé à Tof de venir, mais il m'a dit que mon appart était un peu trop petit, donc... Oui, c'est possible, parce qu'on débarque quand même avec quelques personnes, hein, ça c'est sûr, mais c'est pas grave. Et Castantienne, ce n'est que partie remise, Gabriel. Ouais, y'a pas de soucis. Merci pour l'invite aussi, cela dit au passage. Et à dimanche alors, Gabriel, merci à toi. Ouais, merci. Salut Gab, à bientôt, et bravo Mohamed encore pour la colle, hein. Ouais, ben c'est parfait. Eh ben écoute, tranquille, j'imagine que c'est parfait là. Eh ben je suis super content. Eh ben j'imagine aussi, ouais. Ben je suis passé l'autre soir là avec la voyante là. Il y avait plein de choses négatives. T'as vu, elle avait pas vu que t'allais gagner un iPad, hein. Eh ben ouais, je vois. Bon, ça marche. Salut Mohamed, merci à toi d'avoir participé. Tu reviens quand tu veux. Et je fais comment là? Eh ben tu restes au standard, on va prendre tes coordonnées. D'accord. Voilà, salut Mohamed. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup, je vous écoute tous les soirs, j'adore. Ben c'est gentil. Merci à toute l'équipe et continuez comme ça. C'est gentil, merci Mohamed, à bientôt. Bonne soirée à toi. On va reprendre l'avis de Nicolas également pour l'avion. Là, Nicolas qui est avec nous de Rennes. Salut Nico. Salut la famille. Salut à toi, ça va bien? Ça va. Bon, très bien. Alors, on y va donc. Nicolas, on t'écoute. Hein. Moi j'ai deux théories, donc on va commencer par la mauvaise, comme ça passera mieux. La première, donc l'avion s'est détruit en mer. Donc ça se peut, c'est tout à fait possible. On l'a déjà vu avec Air France, les débris remontent plus tard. Exactement, les nappes, les nappes de kérosène, c'est du durite qui explose et donc du coup ça fait une nappe de kérosène. Mais ils ont quand même confirmé que c'était pas dû, c'était pas là, les nappes de kérosène n'étaient pas dues à l'avion, apparemment. C'était pas dû à l'avion? Apparemment, bon. C'est ce qu'ils ont dit. Ouais, enfin bon, bref. Et les téléphones portables, s'ils continuent de sonner, c'est tout à fait normal, puisqu'en fait, c'est les opérateurs qui mettent une sonnerie d'attente. Sinon, la personne qui appelle serait au téléphone en train de se demander « je fais quoi ?» ça appelle pas, je suis répondeur. Et en fait, c'est automatique, il y a une sonnerie d'attente. D'accord, bon, on se couchera moins con quand même, hein, du coup. C'est comme ça. Bon, bah écoute, très bien. Quant au détournement de l'avion avec les deux passeports volés, je tiens ça quand même de quelques personnes, ce serait des personnes qui voulaient passer en Suisse pour demander la nationalité suisse pour rester vivre là-bas. Ouais. Et autrement, l'autre possibilité, donc c'est le détournement d'avion. Donc c'est tout à fait possible. Et qu'il soit par exemple en Corée du Nord. Corée du Nord ou n'importe où. Oui, bien sûr. Cet avion, il peut faire des milliers. Ça dépend après. En kilomètres, je parle, mais il peut faire quand même une sacrée durée de vol. Oui, non, mais dans l'absolu, effectivement, il peut faire 10-12 000 km, mais ça dépend ce que t'as mis comme carburant dedans. Là, en l'occurrence, il partait de où? De Pékin, il allait où encore? Je sais plus où est-ce qu'il allait. Enfin bref, Kuala Lumpur, Pékin. Ouais, Kuala Lumpur, Pékin. Bon, il y a une sacrée distance. Hein, ouais, ça fait une sacrée distance, mais après, voilà, ils remplissent pas forcément l'avion, ils font pas le plein à chaque fois, tu vois. Donc, en fonction de ce qu'il y a dedans. ce qu'il faut savoir, c'est qu'un avion, enfin tout objet volant, y compris les ovnis, pour ceux qui aiment ça, enfin les ovnis, je sais pas en fait, mais tout objet volant construit par l'homme, s'il vole à une certaine altitude, n'est pas détecté exact. Par les radars. Tout à fait, oui, tout à fait, tout à fait. Bah donc écoute, en fait, après on verra. Détourner un avion. Quoi qu'il en soit, je suis curieux de voir ce qu'ils vont nous faire. Parce que vous savez, moi j'aime bien une série qui s'appelle Air Crash, donc qui retrace les accidents d'avion et tout ce qui se passe de bizarre dans un avion. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Parce que tu vois, il y a un moment, tu vois, je sais pas, je suis curieux quoi. Voilà, Air Crash est sur Nat Geo ou France 5 pour ceux qui ont. De quoi? Ouais, je sais pas du tout. Bah, je sais pas non plus. Ce qui est marrant, c'est d'évoquer toutes ces hypothèses un petit peu farfelues, de se dire, ah mais il s'est passé ça, et puis dans 5 ans, on va dire, ouais, mais il s'est peut-être passé ça au final. Ouais, ou alors tout simplement, ils sont avec Michael Jackson en train de boire un pot là. Non, on sait pas. Tu vois, on peut pas savoir. Bah merci pour la théorie, Nico. Il y a Bob Marley avec eux. Exactement, ils sont en train de fumer un pétard, là, pépère. Ils sont tous dans le cul à top. Ouais, oui, ça c'est possible aussi. C'est ouais. Des conneries, lui, c'est les fumées du pétard à Joystar. Ouais, mais c'est ça. T'imagines, ils sont là. Ils sont là, pépère, en train de fumer un petit split, là. Pépère, tranquille, avec Michael Jackson qui arrive, Bob qui est à la qui musique, pépère. Ouais, non, mais vraiment, on serait cool. Bon, bah salut Nico, en tout cas. Merci à toi. Juste un petit truc. Ouais. Quand je vous ai appelé, j'avais 31 ans, j'ai eu 32 ans il y a 46 minutes. Eh ben, tant mieux. Non, musique d'anniversaire. Ah, attends, musique d'anniversaire. Voilà. Eh oui. On n'est pas des enculés, on s'est fêté, nous. Non, non, Toff, on est un gros, oui. Ah oui, Toff est un gros enculé, ça oui. Je suis le plus gros enculé, s'il te plaît. Voilà. Il a pris un 3-7 hein, quand même dans le cul. Un quoi? Ah oui, un 777, ouais, tout à fait, ouais, c'est avion, c'est le Boeing 777-200 d'ailleurs pour la précision. Bon, bah, bon anniversaire, Nicolas! Ça marche! Et tu reviens quand tu veux, t'as envie d'écouter un son particulier là ou pas? Non. Non, d'accord, ok. Moi, bah, j'aime toutes les musiques qui passent sur Fun, donc. Eh bah, écoute, il y a le nouveau DJ Cassidy qu'on va mettre maintenant avec Calling All Hurt, qu'on va passer maintenant. Bah, première fois qu'on va le passer, vous nous direz si vous aimez ou si vous aimez pas, voilà, tout simplement. Salut Nico! Salut. Et on va voir du lourd dans quelques minutes. Joël est avec nous de Bruxelles. Oh, comment ça va, Joël? Attends, vas-y. Eh ben, j'imagine très très bien, Joël, comme la dernière fois. Ce qui est bien, c'est que t'as Sandro qui m'a quand même dit, bon, il y a Christine et Joël, mais espace libre, ça va être un peu lourd, sinon. Oh, donc, j'ai pas bien compris de ce genre. C'est rien. Foutu. Mais j'ai deviné. Me le dit le même. Tu voulais réagir par rapport à l'avion. Je vous ai dit que ça allait être pas clair. Tu voulais réagir par rapport à l'avion, c'est ça? Oui, tout à fait. Bon, bah, tu vas donner ton avis dans quelques minutes. Tu restes là? Ok. Parfait, bon bah bouge pas de là Joël, là-haut, je vous avais dit ça allait être lourd. Il y a un mineur qui dit ils ont pris l'avion pour le revendre sur le bon coin. Avion asiatique pas cher. Non, l'occurrence c'est un avion américain. Il y a Sullivan qui dit je viens d'aller faire mes gros besoins et j'ai aperçu au fond des chiottes et juste à côté il y avait Polo. Puis tout ça fait flipper car ma télé dans mon salon était allumée, alors tout le monde dort, à part moi en train de me marrer avec vous. Message de bienvenue s'il vous plaît. Bah avec plaisir évidemment pour un message de bienvenue, regarde, je vais t'en mettre un petit là. Espèce de connard. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme message? Délie également, des meufs perverses, il y en a beaucoup, c'est juste qu'elles ne le font pas voir tout de suite. Et Christophe aussi, trop content de nouveau travailler de nuit pour vous écouter. Ah bah c'est gentil surtout d'écouter, effectivement. Dites-nous si vous êtes déjà tombé sur des meufs perverses ou des mecs pervers. On va en parler maintenant. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. On s'écoute le son de DJ Cassidy maintenant avec Calling All Earth sur Fun Radio. Il est 1h10, on est au cœur de la nuit sans pub et rassurez-vous, vous êtes bien, on prend soin de vous, on est là jusqu'à 2h du mat. Il y a enfin quelque chose à écouter le soir à la radio. Terminez les émissions de merde si vous êtes là par hasard. Eh ben c'est que le destin vous a conduit sur Fun Radio. Fun Radio. Mickaël, nos limites, nos limites. C'est tous les soirs, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Ah, il va super bien avec le soleil qui brille, là. DJ Cassidy. Bon, il brille pas maintenant, mais enfin, il brillera demain de nouveau. Hein. Calling All Earth sur Fun Radio. Ça fait très années 80 quand même, très funky, c'est cool. Ouais. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Alors, j'ai bien aimé le commentaire de Polo, là. Le ouais. Ouais, mais c'est parce que tu vois, il voulait pas te contredire, Mickaël. Ouais, c'est vrai. Non, mais bien fait. Il sait que c'est toi. Ouais. C'est non, mais je suis d'accord. Meilleur avis de l'émission. Bah oui. Bon, il y a Franck qui dit DJ Cassidy, j'adore, c'est funky, un peu comme Let's Get Lucky des Daft Punk. DJ Gizmo aussi, il est très funky le son. Là, continue à passer, j'adore. Et Wally aussi, je suis nouveau depuis 3 jours. Est-ce que tu peux mettre un message de bienvenue? Bien sûr, Wally. Il suffit de demander. Hein. Il suffit de demander. Il y a aucun problème. Et tu vas fermer ta grande gueule. Voilà. Bienvenue, Wally. Kevin aussi, vous faites kiffer la Team Fun. Merci à toi, Kevin et Jean-Marc. Un petit coucou de Tahiti. Voilà, tu vois, j'étais de bonne humeur. Hein, et il a fallu nous mettre de mauvaise humeur, Jean-Marc. C'est bien, c'est cool. Coucou ouais, de Tahiti qui vous écoute. La bonne soirée à Fun Radio et pourquoi pas à Tahiti. Merci et bonne continuation, vous êtes les meilleurs. Oui, alors évidemment, on va se déplacer à Tahiti. Mais allons heure, faire là. L'émission en direct de chez toi. Tahiti, je crois que c'est moins 12. Moins 12. Alors, je sais plus si c'est moins 12 comme Hawaï ou plus 12. Donc en gros, je sais plus s'ils sont. Tu vois, parce que il c'est est à... midi. Je sais pas s'il est. Je sais plus. Ah merde, mais non, tu me mets le doute là. Attends, je vais vérifier. Ah, attendez. En même temps, avec notre nouveau Boeing qu'on a réussi à récupérer, on va pouvoir y aller facilement. Tu vas avoir des problèmes avec la CIA, toi. Ouais, toi, tu vas être dans la merde. Alors attends, Tahiti, putain merde, je l'ai pas. Nouméa, bah, c'est pareil. Allez, il est. Ouh, il est tard. Ouh, il est tard ou il est tôt? Bah, une seconde. Il est. Oh putain. Alors, il est déjà demain et il est 10h55 du matin. Oh, oui, c'est dingue. Voilà, c'est on est en plein morning. Ouais, morning, même, c'est l'après-morning déjà. On a déjà fait une morning là-bas. T'imagines, c'est la folie. Donc, ils sont déjà demain, il est 10h55 c'est du matin. C'est ouf, ça, quand même. C'est dingue. Oh là là, Oliver aussi qui dit c'est chelou ce qui s'est passé, surtout qu'ils n'ont toujours pas retrouvé aucune trace de cet avion qui était fiable. Bah, il est toujours dans l'idée, hein, parce que bon, là, maintenant, tout le monde fait un cinéma sur le vol. Mais il y en a quand même des milliers d'avions comme ça qui volent tous les jours. Il n'y a aucun problème. Donc, voilà. Et en plus, on sait même pas ce qu'il a eu. Dylan qui dit, moi je pense que l'avion, ils se sont fait prendre par des terroristes et ils les séquestrent. C'est pour ça que leur téléphone marche. C'est une autre théorie. L'histoire de l'avion, c'est quand même bizarre. Merci Juliette. T'es très très grosse analyse. Oui, merci pour cette analyse. Il y a Dédé qui dit, il faut savoir que la Chine a mis 10 satellites pour retrouver l'avion et 34 navires sont mobilisés également. Et Jojo qui dit, c'est Lost, les disparus. Ouais, bah là pour le coup, ils sont disparus, en effet. Et Paul PC28, si l'avion avec ses 300 passagers s'est crashé, il y a aucune chance de survivre. En plus, vu qu'il volait haut, bah, ça veut rien dire. Hein, ça dépend. C'est pas tu peux survivre à un crash. C'était pas une science exacte, le crash. Exactement. D'ailleurs, en cas de crash, mieux vaut se trouver à l'arrière. C'est très très inconfortable quand vous volez parce qu'il y a beaucoup de turbulences. Enfin, quand il y en a, vous les prenez en pleine gueule. Mais en revanche, quand il y a un crash, vous avez plus de chances de survivre à l'arrière. Donc, alors, ceux qui sont au business crèvent. Hein, bien fait pour eux. Direct. Non, mais que ce soit clair. Ils ont quand même peu de chance. Alors, au-dessus des ailes, bah, c'est les réservoirs. Donc, c'est quand même pas le meilleur endroit. Alors, l'aile, en fait, quand l'avion s'écrase, en général, l'aile, enfin, l'arrière se disloque. Et donc, vous avez plus de chances de survivre parce que l'arrière vole d'un côté et puis le reste de l'autre. Donc, voilà. Tout ça est rassurant. Un petit conseil comme ça, après toutes ces années d'air crash, je commence à m'y connaître un petit peu en aéronautique. Bon, Joël. C'est ça qui m'inquiète le plus. Ouais, Joël. Oui, je suis là. Ah. Bon, alors tout le monde attend évidemment cette information avec beaucoup d'importance, enfin avec beaucoup de d'impatience, ça je voulais dire. Bah la révélation, hein. C'est la vrai. Révélation. Que s'est-il passé avec cet avion? Tu vas apparemment nous expliquer tout ça. Ben écoute-moi. D'abord, j'aurais bien aimé la destination vers quoi ils allaient. Ils allaient vers Kuala Lumpur. Non, Pékin. Jakarta. Ils partaient de Kuala Lumpur. Ils allaient à Pékin. D'accord, ils allaient à Pékin. Bon, c'est bête comme tout ce que pourquoi je veux dire. Pourquoi ça change tout là? Oui. Ah bah oui. Parce qu'en fait, bon, j'ai vu un film, hein, il n'y a pas tellement longtemps. Ouais. Ça avec des serpents dans la... Non, pas du tout. En fait, c'est avec Robert Redford. Ils ont eu un crash avec l'avion. Y a-t-il un pilote pour sauver? Parce qu'ils se sont trouvés sur une île que c'était pas marqué sur la carte. Ouais. Et avec le GSM, sur le menu, sur la carte du resto. Oh, l'île flottante. Écoute-moi. Mais je t'écoute. 7 jours et 7 nuits le film. Bon, ouais. Bon, ce que je voulais vraiment te dire, c'est qu'ils sont seulement à l'abri sur une terre. Je peux dire un truc à propos de ce film ou pas? Alors attends, laisse la terminer, elle va jamais y avoir du mal. Voilà, virgule, j'ai pas fait ma phrase, excuse-moi. Hein. Ouais. Oui, bah vas-y. Thank you. Non, en fait, ils sont seulement pas dans l'eau comme on pense, peut-être. Mais dans le ciel. Non, sur une terre. Ah, sur une seule terre. Oui, mais on ne sait pas où, parce que c'est pas marqué sur la carte géographique, parce que je fais pas bien la géographie. Et oui. Si ça se trouve... Attends. Dis donc, je fais ce que je veux encore. Dans tes cheveux. Dis donc, tes cheveux, reste calme, dis. Il n'y a pas de problème. Bon. Moi, je suis très cool. Non, excuse-moi. Ce que je veux te dire, c'est qu'il y a, comment on va dire ça, des endroits qui ne sont pas marqués sur la carte géographique. Bien tu sûr, parce qu'un Boeing, un avion, n'importe lequel dans l'absolu, d'un avion de ligne, peut atterrir sur une île qui n'est pas du tout prévue pour le recevoir. Hein. Bah oui. C'est avec des cailloux, avec des rochers, avec du sable, avec des arbres en plein milieu, etc. Non, je pense que ta théorie est très très bonne, Juliette. Hein. Oui, c'est là. Joël, Juliette, pas Joël. Dis-moi, est-ce que tu travailles pas pour les services de renseignement ? Est-ce que tu travailles pour la CIA ou pas ? Ah, on a perdu Joël. Joël ! Elle est tombée dans sa bouteille. Putain, merde, ça se trouve, elle est sur l'île. Elle s'est peut-être téléportée direction l'île pour voir, pour voir. Sauf qu'elle, à mon avis, elle était à l'île. Et elle trouvera, à mon avis, pas le Boeing là-bas, hein, je pense. Hein, c'est dramatique. Lola qui dit, je pige rien à ce qu'elle raconte, la meuf. Du coup, ça m'a tué. Oui, nous aussi. Hein. Marine qui dit, dommage à l'entretien et pourtant je vous écoute. Eh bah, bravo Marine. Il y a beau l'entretien. Mais c'est bien. Et Simon qui dit, pour l'avion de Malaysia Airlines, vous avez regardé dans le cul de Toff. Oui, on a déjà regardé, malheureusement, il n'est pas là. Hein. Non, il n'y est pas. On a essayé, ouais. Et alors, Nouméa, c'est pas Tahiti, c'est en Nouvelle-Calédonie, Lola. Oui, je sais, non, mais je veux dire, c'est dans le même fuseau horaire, c'est ça que je voulais dire, parce que j'ai pas Tahiti dans le truc. Priscilla aussi, en fait, ils ont voulu refaire la série Lost, mais en vrai, bah ouais, on y a pensé aussi. Et le Tangu du web qui dit Toff a chié dans les toilettes de l'avion depuis, plus personne ne sait où il est passé. Il s'est peut-être désintégré, hein. Ah, peut-être, oui. Dû à ça. Ou alors, petite portugaise qui dit, il est dans le triangle des Bermudes. Non, alors, parce que par contre, pour passer de Kuala Lumpur vers Pékin, on passe pas du tout, en fait, dans le triangle des Bermudes. Ça, c'est de l'autre côté, quoi. Oui, ouais. C'est dans les Bermudes. Mais, peut-être qu'il y a un nouveau triangle des Bermudes. Oui. Deuxième. Mais alors, ce serait plus le triangle des Bermudes. Bah, il s'appelle triangle d'autre chose, je sais pas, moi, d'autre chose. Bon, malheureusement, on a perdu Joël. Oh là là, oh, quel dommage. Bon, il y a Céline qui voulait parler des déguisements, là. Salut, Céline. Salut, Mickaël. Comment ça va? Ça va et toi ? Très bien. Alors, on en parle depuis tout à l'heure avec Toff et on se demandait si effectivement vous étiez plutôt du style à vous déguiser puisque d'après un site internet, il y a de plus en plus de gens qui se déguisent. Sexuellement, je veux dire, ils se déguisent au lit, etc., en infirmière, en policière, en écolière, etc. Ouais. Et donc toi, tu fais quoi, dis-moi, Céline ? Donc en fait, une fois, je m'étais déguisée en policière. Ouais. Donc en fait, arrivé au moment, en fait, et il n'a pas calculé en fait. Il m'a regardé comme si de rien n'était. Ah ouais. Je me dis merde, il y a un souci en fait, c'est pas possible. Du coup, j'avais les nerfs et tout, je vais me changer, je mets mon gros short, la vieille écharpe et tout, dos à dos, et là, il vient. J'ai rien compris en fait. Quel con. C'est dingue ça. Ouais, mais c'est pour ça que j'ai. Céline, combien mesures-tu ? 1m72. Combien pèses-tu ? 70 kilos. Quel est ton tour de poitrine ? 95D. Mais tu as déjà fait, je pense. Mais c'est pas grave, j'aime bien le faire plusieurs fois. D'accord, ok. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté ? 40. Ah ouais. Non, ouais. Il est vraiment con. Ah, écoute. Ah bah, Toff arrive dans l'aine là. Bah, j'arrive, moi. Voilà, c'est ça, il prend sa petite. Mets ta petite tenue de policier, j'arrive. Voilà. Le scooter arrive, bon, il arrivera d'ici 4 jours, mais il devra arriver normalement. Hein. Petite écolière, ça peut être bien ça. Tu pourras m'arrêter violemment. Bien sûr. Attends, il y a William aussi qui est avec nous là, qui voulait réagir au déguisement. Salut Will. Oui. Comment ça va ? Ça va, impeccable. Bon, bah tant mieux, bienvenue à toi William. Tu voulais réagir toi par rapport à Céline et les déguisements ? Oui. Bah on t'écoute, sois le bienvenu. Donc moi c'est pour mes 20 ans. Mmh. J'ai ma dame qui s'est en fait déguisée en écolière. D'accord. Oh. Genre Britney Spears dans Hit Me Baby One More Time ? Ah non, rien à voir. À côté Britney Spears, c'était le schtroumpf de la télévision. Ah ouais, toi t'es amoureux toi. Ah ouais, toi t'es au taquet, mais d'accord. Non, justement, c'est ça le problème. C'est je suis pas amoureux. D'accord. Alors j'ai pas compris. Si elle écoute, elle va te ravir. Mais c'est-à-dire. Ah non, mais par contre, voilà, c'était en mode sexy, chez sexy, c'était plus. Film de cul que... Voilà. Ouais, mais attention, t'as vu le clip de Britney Spears, celui qu'elle a fait en 99, son premier single à Hit Me Baby One More Time? Ouais, mais je l'ai vu justement, c'est pour ça que je dis justement, c'est de la rigolade. D'accord. Parce que justement, j'adore Britney Spears, j'ai vu tous ses clips, et là, à côté, c'est de la rigolade. Ah. Mais voilà. D'accord, ok. C'est pas pour les bonnes choses, mais par contre, c'était très très bien. Et j'adore les filles qui se déguisent pour faire plaisir à leur mec. Ah, parce que, attends, parce que moi, je me revois encore dedans, là. Ah, il y a toutes les branlettes de Toff qui sont passées par là, hein. Ah non mais j'adore aussi ce clip hein. Ah oui non mais j'imagine hein, nombre de fois où Toff s'est branlé sur Britney Spears à l'époque. Mais grave, ma préférée c'était où elle était... Déjà une chose qui est sûre c'est que Attends, c'était laquelle Celle où elle est dans sa petite combi rouge là. Ah c'était I'm a slave for you. Non, ça c'est le string rose par-dessus spécialiste. Le pantalon en cuir. Alors, je sais pas. Ah non, c'était. Je sais plus. C'est celui où elle part dans l'espace là. Ouais, je sais plus. Bah, alors, moi je me souviens toujours du début. Puis elle arrive dans l'école, là, tu sais, un peu la Beverly Hills. Elle arrive, elle est casier. Ouais, bah voilà, c'est ça. Elle arrive là où elle est casier, puis avec sa petite sucette dans la bouche. C'est ça, avec les petites avec des carrés. Ouais. Ça, exactement. C'est là. Oups, I did it again. Ouais, oups, I did it again, exactement, ouais, tout à fait, ouais. Bon, eh bah très bien. Bah, alors, du coup, toi t'as kiffé, toi, donc tant mieux. Bah j'ai kiffé mais c'est madame a pas fait ça pour la bonne chose, c'est tout. Madame. Elle a fait ça pour quoi? Pour me garder. Ah oui bah c'est déjà bien, moi elle a essayé. Ouais, ça reste une bonne chose. Bah oui. Ah bah hey. Qui ne t'entend rien à rien. Hein, mais exactement, bah aujourd'hui tu l'as plus donc. Je l'ai encore. Mais faut attendre. Je ne comprends rien à ton histoire. Tu me racontes, William, pourquoi tu dis pas les choses? Eh ben, vous voulez tout savoir? Eh ben, on veut tout savoir. Eh ben, par voilà. Contre, il va y avoir des dossiers, il va y avoir des appels. Hein. J'espère que vous avez un bon standard. T'inquiète. Non, mais on veut pas. Non, mais dans l'absolu, on veut pas tout savoir. On veut simplement savoir. T'es avec elle, t'es pas avec elle. Qu'est-ce qui se passe? Puisque tu dis, ouais, elle a essayé de m'avoir. En fait, non, je suis pas amoureux. Bah, je suis toujours là, mais il faut attendre. Il faut attendre quoi, le bus? Non, moi, y a pas de bus. Par ici, je suis en Normandie. Donc, moi, ici, y a pas de bus. Non, mais c'est une vanne. Donc, hein. Et puis de deux, elle a fait ça pour me garder. Et de trois, elle est tombée enceinte justement parce que je voulais la quitter. Donc elle a fait exprès. Elle t'a fait un bébé dans le dos. Pour être enceinte. Elle t'a fait un gosse dans le dos. C'est ça. D'accord, ok. Bah voilà, bon bah très bien. Bah maintenant au moins on sait. Donc comme ça, s'il y en a qui veulent réagir là-dessus, je suis tout oui. J'aimerais bien avoir deux trois conseils là-dessus. Je sais pas comment réagir. D'accord, ok, bah oui, bah tant qu'à faire, effectivement, pourquoi pas, bah appelez-nous si vous avez des conseils à filer, tant qu'à faire à William, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Très bien, bon bah merci Céline. De rien. Je te fais des gros bisous, tu reviens quand tu veux sur Fun. Ouais. D'accord, ok, très bien Céline, je n'ai pas entendu ce que tu as dit à la fin, mais ce n'est pas grave, c'est certainement un truc gentil. Gros bisous, merci à toi William également, si jamais on a quelqu'un qui a des conseils, eh bien on te rappelle. Y'a pas de soucis. Salut, à bientôt, merci William. Restez comme vous êtes, je peux faire une petite dédicace? Eh ben vas-y, profites-en, à une seule personne, choisis la bonne. On a le droit de se changer quand même. Eh ben, parce qu'on je fais une petite dédicace à tout mon club de foot de l'OM. Bah c'est pas l'OM de Marseille, hein. C'est l'équipe de Montmartin. on a. Et c'est quoi le slogan? C'est Dro vestiaire. Nous on s'est joué par rapport à eux, donc voilà. Oh, il se la ramène. Non, d'accord. Mais on est tous pour Paris et pourtant on joue tous à l'OM, donc voilà. Ah bah voilà, ouais, c'est clair. L'OM qui est pour Paris. C'est franchement, restez comme vous êtes, je vous adore, je vous non. kiffe. Et on a le droit de se changer quand même. Club, deux fois la vanne. Restez comme vous êtes, ne bougez bon. Pas. Mais on a le droit de se changer. Polo. Bon, c'est gentil, Mulia, merci beaucoup. En tout cas, tu reviens quand tu veux, bientôt. Y'a pas de soucis, je vous suis tous les jours. Bon, bah c'est gentil, bah continue comme ça, toi aussi, ne change pas. Salut, William. Salut à tous. Ciao. Il y aura Jason dans quelques minutes là qui voulait réagir à Jennifer qui est attirée par une fille en couple. On aura Jean-Noël, on aura Alex également pour l'avion. Joël qu'on va récupérer également par rapport à ce fameux avion justement. Et puis on est toujours au cœur de la nuit sans pub. On va se faire dans quelques minutes un petit point par rapport au top tweetos. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. Envoyez M-I-K-S suivi de votre message au 64 900 par SMS. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h. Sur Fun Radio. Ouais, on est en direct sur Fun Radio. Le top tweetos, ce sera dans quelques minutes. Donc, je vous le rappelle, si jamais vous avez, je ne sais pas moi, envie de repartir avec un sextoy offert par passagedudésir.fr. Eh bien, il suffit de mettre un maximum de messages avec le hashtag MIKL sur Twitter. Si vous êtes numéro 1, vous repartirez avec ce sextoy. Et pour les autres, vous pouvez venir nous rejoindre aussi sur le Facebook de l'émission. Hein, tapez MIKL officiel. On écoute Dimitri Vegas maintenant, c'est Stampede. Pendant que certains braquent des tirelires, que d'autres s'inventent des vies, Mickaël, lui, tel un justicier, vous donne la parole et les plus gros cadeaux. Mickaël, nos limites, tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio. Exactement, il y a Kadera qui dit qu'est-ce que je vous kiffe, c'est un truc de ouf, mais nous aussi on kiffe Kadera, merci d'écouter. Jimmy aussi, l'avion est rentré dans un rayon de traction d'un vaisseau extraterrestre qui stationnait dans l'espace. Bah oui, tu étais là tranquille. Mais voilà la bonne explication. Mais ouais, le Doc Coco aussi, moi je crois prendre une douche après l'émission car je ris, je sue et je pue, du coup la moralité vous me faites sentir. Ah bah désolé hein. Et Philou aussi sur l'application Mickaël No Limit. Tahiti c'est 11h de moins, j'y ai fait mon service. C'est Philou de Brive dans le 19. Qu'est-ce que j'avais dit moi? Ah j'avais dit plus. Ah oui. Bah ah oui. Oui non en fait. Oui oui c'est ça en fait, c'est moins. Je sais pas, moi j'y comprends plus. Attends, je comprends jamais rien, c'est tout. Voilà, parce qu'il y a un endroit où ça s'arrête. Alors si vous voulez Tahiti, c'est le dernier endroit où ils sont le même jour que nous. Si tu passes dans le merde, dans le oui c'est oh merde. Ouais. Voilà, j'oublie le nom. Le bravo, hein. Parallèle. Le... Non, c'est le. Le fuseau. Le fuseau. Si tu horaire. Passes dans le fuseau horaire d'après, t'es le jour après. Ok. Ils sont hier donc. Donc, si tu veux Tahiti là maintenant, ils sont à Tahiti. Hawaï, ils sont à 1h11 du matin. On va pas commencer avec le changement d'heure printemps-été parce qu'ils changent plus tôt que nous les Américains. Enfin bref, on va dire qu'ils ont pas changé. Donc il est 13h de l'après-midi de mardi. Ok. Mais de l'autre côté aussi alors. Ah non. Bah si. Ah non. Ah si, en Thaïlande ils sont plus. Non, ils sont moins. Si, non, ils sont plus. Non, ils sont plus. Ils sont à plus. Oui, mais bah, ils sont plus. Bah, justement, c'est ça parce que nous on est déjà 1h du matin mais de mercredi. Donc ça veut dire que alors attendez. Ça veut dire que attends, c'est simple. C'est très simple. Il suffit de regarder. Comme vous pouvez le remarquer, on est de on cherche quoi Tahiti, de fin géographe. Alors, c'est-à-dire que Tahiti, donc c'est le dernier. Donc là, il est 13h12 à Tahiti. C'est moins 10 Tahiti. Voilà, c'est moins 11 par rapport à Hawaï, je voulais dire. Non, il est 2h07 à Tahiti. Eh ben 2h07 de demain. De demain, donc c'est plus 10. D'aujourd'hui quoi. Non, d'aujourd'hui, donne-moi ça. Regarde, c'est moins 10 Tahiti. Non, c'est plus. Et je viens c'est de moins. Mettre... Non, c'est plus. Tahiti, c'est yesterday. Donc c'est moins. C'est à moins. Aussi, c'est à plus. Non, c'est à moins. Mais non, c'est à. Mais non. Non, c'est à moins. Non, c'est à moins. Il est 14h07. Pourquoi tu veux savoir quelle heure il est à Tegucigalpa? C'est où cette merde? Je fais du trafic là-bas, j'en sais rien. Parce que dans son téléphone, il y a quand même l'horloge de Londres, de Prague. Bon, il y a été, c'est vrai, pourquoi pas. Et puis de Tegucigalpa. Attends, ça s'écrit comment? Tegucigalpa. Je sais même pas ce que ça fout. Galpa. Et 18h08 à Tegucigalpa. Il y a même un aéroport là-bas. C'est où? C'est où? C'est là qu'il y a la Malaysia Airlines. L'enculé, c'est lui qui a piqué l'avion là, le bâtard. Voilà, non, c'est où Tegucigalpa là? Attends, c'est au milieu de nulle part. Bah oui, mais pourquoi tu fous avec l'horaire de ce truc? Attends, je sais pas, faut que je dézoome là. Je sais pas. Attends, bah dézoome pour voir. Non, mais j'ai déjà dézoomé. Attends, voilà. Elle va savoir. T'imagines, on retrouve l'avion là-bas. C'est où? Ah, c'est Honduras. Oh putain, mais qu'est-ce que tu fous? C'est la capitale du Honduras. Oh là là, en Amérique centrale. Mais j'ai rien fait. C'était là-dedans. Je sais pas pourquoi. Bah c'est oui, comme par hasard. Le truc arrive tout seul, tiens, bah bien sûr. Et quand tu tapes dans actualité, c'est mettre plateforme de la drogue, mais je suis. Étonnant, Abdou qui dit Olympique de Mont-de-Marsan, on peut arrêter l'émission, la meilleure vanne a été faite. Ils se font pulvériser par Marseille, sans déconner. Et Master Fox qui dit l'avion s'est fait enlever par la famille Toff, c'est-à-dire les aliens. Merci Master Fox. Et Baptiste également, vous êtes trop fort, je vous aime. Mais merci pour tous vos messages, en tout cas, pour ceux qui sont en vacances, bah, profitez-en bien pour écouter jusqu'à la fin, c'est cool. Et puis bah les autres, bah vous écoutez aussi, mais par contre le mal au réveil va être un petit peu chaud du cul quand même. Joël. Même pas. Oui, allô, bonjour. Oui, bon, on a déjà dit bonjour Joël. Tu sais quelle heure il est à Tahiti? C'est pour ça. À ton avis, 1h20. Presque 20. Ouais, c'est ça. J'ai ma prise qui devait mettre ma prise à manger, c'est quoi en fait. Ouais, t'as raison, sinon ça aurait été coup, ça a coupé à cause de ça. Attends, mais oui, j'ai compris. Ouais. Mais tu arrives prendre pour une folle ou je sais pas quoi. Mais je te jure, j'ai vu un film avec Robert Redford, 6 jours et 7 nuits. Ouais. Et entre Tahiti et... Comment t'as dit toi encore? Parce que c'est pas mon ami. Mais non, c'est pas Tahiti. Il a décollé de Kuala Lumpur et il aurait dû arriver à Pékin. C'est toujours une histoire hein, sur le film, si vous voulez. Ah bah oui, à Pékin, bah, écoute, il y a des endroits qu'on ne connaît pas bien, parce que dans le film en question que je te parle, qui n'a rien à voir avec l'histoire de maintenant, mais peut-être alors que pourquoi tu m'en parles la même chose, soit. Le fait est que géographiquement, ce n'est pas écrit sur une carte, tu vois. Et ils ont fait des recherches pour les papas, mais je suis certaine que Il y a quelqu'un qui lui dicte derrière. Terre, ouais. Près de la mer, et il n'y a pas de honte pour avoir accès au GSM et que les personnes extérieures peuvent téléphoner. Elle a picolé avec Christine ou quoi la personne. Donc, je ah bah oui, bah, bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas de honte pour avoir accès au GSM. En même temps, c'est vrai qu'on m'a mouru aussi à côté qui me traduit que moi ça a cœur aussi parce que c'est malheureux ce qui arrive à ces pauvres gens quand on sait pas hein, je suis presque certaine parce que si c'est vraiment moi ou l'avion aurait explosé, j'ai cru vraiment qu'elle avait fini. Le GSM vous freinerait pas quoi, c'est logique. Évidemment, évidemment, c'est à dire que là bien sûr. Et, bah, hey. Mais est-ce que tu crois qu'il y a des opérateurs GSM sur l'île? Non, évidemment. Il y a peut-être un relais, une balise. Oh, c'est pas ma gueule, excuse-moi. Mais je me fous pas de ta gueule. Mais non, mais attends, il y a un relais, il y a une balise. Alors attention, il y a Rémi qui nous pose une colle. J'habite à Tokyo, ouais. On est mercredi, ouais. 9h. Si je vais à Hawaï, quel jour sommes-nous? Non, c'est moi qui ai transformé en colle. Parce qu'il dit si je vais à Hawaï, j'arrive le jour précédent. Donc c'est moins. Okay, mais c'est pas compliqué. Là il y a l'Europe. Si tu vas vers les États-Unis, tu recules les heures. Si tu vas vers l'Asie, tu avances les heures. C'est ça. Voilà. Et donc quand il est plus, en fait il est moins. Voilà. Bah ouais, il faut savoir. Oui, merci d'avoir ponctué. Joël, encore un truc à ajouter ou une nouvelle théorie éventuelle? Non, mais je pense que c'est un certain qu'on doit vraiment bien vérifier des endroits qui ne sont pas sur la géographie. Vraiment bien chercher. Ouais, on va fouiller là, attends, t'inquiète. Bah, moi, je suis sur Google Earth. Ils s'en sont sortis eux-mêmes, hein, et c'est très courageux. Hein. Ça s'appelle 6 jours et 7 vies, ouais, avec un Robert Redford. Bon, allez, vas-y, t'as une anecdote, toi. Je vais la géographie de maintenant, excuse-moi. Mais pour te donner une idée, quoi, tu vois ce que je veux dire. Il faut chercher l'impossible, quoi. Ouais, bah il faut chercher l'impossible, car l'impossible n'est jamais sans solution. En sous-marin, quoi, je pense pas. Bah oui, voyons, prenons un sous-marin. Non, pas du tout. Attends, ah si. Moi, je suis sur une terre sèche. C'est sur une terre sèche. Oui, mais si c'est une terre mouillée. Ah, mais c'est pas pareil, parce que l'avion, il s'enfonce. À moitié, c'est à la mer. Attends, parce que Toff, il avait une anecdote sur le film. Je sais pas si ça intéresse encore quelqu'un. Toff. Mais c'était Herbert Redford. C'est ça? Oui, c'est le cousin de Léonard. Je blague, excuse-moi. Oh, bah oui, évidemment, Joël, une grande blagueuse. Et c'est très bien, vous connaissez ça très à cœur. Je vous félicite. Tu vois que j'arrive jamais à raconter l'histoire. J'espère que ça va s'arranger pour le mieux et au plus vite. Et qu'on soit au courant. Attendez, voilà. On va voir à quel moment elle va s'arrêter. Allô? Ah, elle s'arrête. Oui, on t'avait perdu là. Qu'est-ce que t'as dit à la fin? Hop là, c'est moi qui l'ai relancé. Hein. Là, t'as cherché. En entier et merci pour tout ce que vous faites pour eux. J'espère qu'on les retrouvera en entier. Rien. Merci tout ce que vous faites pour eux. C'est vrai. Bah écoute, merci beaucoup, Joël. Très sympa. Bah écoute, avec plaisir. De suite, si on peut rendre service à notre prochain, nous, c'est toujours avec plaisir. Oui. Et un grand bisou à tout le monde. Eh ben très bien. Eh ben. C'est la meilleure radio que j'ai. Oh bah c'est gentil. Vous félicite d'être. Non hein. Oh bah c'est gentil. Donc, Joël. Eh bah merci Joël, hein. Salut hein. Et à mon anniversaire, hein, parce que. Ah oui, c'est merde, on est le 12 mars. Et c'est l'anniversaire de qui le 12 mars? Mais c'est ma planète à moi préférée, la planète Mars, surtout lundi. Mais je suis réaliste, je suis la planète Terre. Tout à fait. Eh, santé à Joël hein. Santé, non, je suis pas buté, non. Non, mais champagne pour l'anniversaire, pour le mars, 12 mars, la planète. Ah, tantôt, dans quelques heures, je m'offrirai une petite bouteille. Moi, je bois pas, hein, mais dans quelques heures, je m'offrirai une petite bouteille. Du citre chinois, hein. Bien sûr, évidemment. Bon, et Joël, on va pas te déranger plus longtemps, c'est que t'es quelqu'un de très occupé. Ok. Salut. Un bisou, hein. Merci. Salut, bientôt, Joël. Au revoir. Ciao. Bonne continuation. Merci, ouais. Joël. Profitons. Ah, oh, c'était... C'est beau. Ouais. Ah oui, ça fait du bien. Le blanc est beau. Ah oui. Ouais, une petite pause. Quand on dit le blanc, c'est quand il n'y a rien, c'est pas de sang à la radio. Hein. Je parle pas de. Je n'ai rien contre les noirs, les beurs, les. Pas de problème. Hein. Le blanc. Mais... Oui, c'est un raciste. Oui, quel ratio à la radio. Hein. Voilà. Il y a Maxence qui dit oh my god, Joël m'a endormi, mais je vais tenir jusqu'au bout. Ah, elle t'a endormi, bah, t'as bien de la chance. Nesgodic qui dit je sniffe du plâtre. Et Romain, il dit 14h12 du 11 mars. Mais où, Romain? T'as pas dit? Ah putain. Il y a la ligne de changement de date se situe au pôle nord, entre l'Alaska et la Russie, et en descendant entre les îles Tonga, Samoa et la Polynésie. C'est Philo de Brive. Oui, et d'ailleurs, il y a les îles Samoa un jour qui ont... moment culture comme ça. Il y a les îles Samoa qui un jour ont décidé de changer. C'est-à-dire qu'en fait, c'était le dernier pays avant le changement d'heure. Ouais. Avant le changement de jour, pardon. Ouais. Et comme du coup, ils voulaient faire des affaires avec l'Asie... Mais comme ils avaient un jour dans la gueule, bah du coup, du jour au lendemain, ils ont décidé, bon, on en a marre, nous, on veut faire des affaires avec l'Asie, on va tout changer, et donc dorénavant, on va changer. Et on va, et en fait, les habitants des îles Samoa ont perdu une journée. Perdu comme ça. C'est-à-dire que le lundi, ils étaient le lundi, le lendemain, ils étaient mercredi. Mais ça, c'est cool, ça. Ouais, c'est sympa. Ton patron dit, bah écoutez, on m'a fait sauter une journée, grave, grave, grave. Elle n'existe pas, va prouver que je suis pas venu. C'est comme un pays, et je crois que c'est les îles Samoa aussi, d'ailleurs, je crois qu'ils ont complètement barré là-bas. Du jour au lendemain, le mec, il a décidé qu'en fait, il préférait rouler à gauche. Donc pendant toute la nuit, non, c'est en Asie, les mecs, ouais, ils ont tout changé. Je sais plus où, et ils ont changé. En fait, tous les panneaux, tout le... il a fallu tout changer. C'est un truc de ouf. Bon, ouais. Aujourd'hui ici, c'est compliqué parce que t'as les autoroutes, c'est un truc de dingue. Après, sur une île, bon, il y a pas d'autoroute, donc c'est que des petites routes. Mais t'imagines quand même le travail que ça représente. Le mec, il a décidé de tout changer. Ouais. Sauf que des voitures, elles ont toujours le volant dans le mauvais sens, du coup. Ouais. Un bordel sans nom, je vous le dis. Roule à gauche. Oh là là. Bon, bah merci pour l'info, Philou. Et un message aussi qui est arrivé. Pété de rire, elle nous a bien tué. C'est quoi l'histoire de Toff? Oh bah personne veut le savoir, je pense maintenant. On s'en fout, non? Ah, vas-y, ouais. Toff. Non, c'était juste pour dire qu'en fait, remets Vite, je tombe là. Ah oui, bah attends. Alors, Vite, je tombe. Ah, c'était son film préféré? Non, c'est le film sur lequel je l'ai serré. Non. Salope. Cette salope. Attends, mais tu l'as serré sur un film de crash d'avion? Bah, à la fin, c'est-à-dire qu'on allait voir le film ensemble et après on dit qu'il y en a que moi je suis bizarre avec mes crashs, que j'aime bien ça et tout, mais. Et à la fin on s'est regardé dans les yeux, elle m'a pris la main et on s'est galoché. Dit-il en buvant sa santé. Mais c'est bizarre cette histoire. Et aussi, quoi d'autre? Bah rien. Et sur Chucky, la poupée du diable, vous avez c'était fait quoi? C'était son film préféré, ça, par contre. Ah bah ça m'étonne pas, c'est un monstre, ça. Quelle horreur. On parlait de l'ex-meuf de Toff, hein, c'est cette meuf-là qui l'a fait rendre connard comme aujourd'hui. Thomas qui dit, ouais, je suis sûr que c'est Joël, Christine et Jean-François qui ont volé ce putain d'avion. Hashtag révélation. Ah, peut-être, ouais. Et Maxence qui dit, Joël m'a endormi. Yaku aussi. Franck Dubosc qui dit, j'ai trop envie d'aller prendre une douche parce que vous me faites trop marrer. Je suis en sueur. Bah, va te laver, Franck. Alors, on dit c'est moins 10 heures à Hawaï car ils ont l'heure d'été. Non, c'est 12 heures. Et là, ils sont en l'heure d'été, effectivement, donc c'est devenu 11 heures. Je sais qu'il y a 12 heures parce que j'ai déjà été. Non, bah parce que je vous explique. Non, je sais. C'est-à-dire que nous, on change l'heure fin du mois de mars. Ouais. Sauf que les Ricains, les Canadiens, tout le bordel, ils changent l'heure. Là, ils ont changé l'heure ce week-end, donc début du mois de mars. Donc ça veut dire que et ils changent. En fait, ils sont en heure d'hiver moins longtemps que nous parce qu'ils changent l'heure avant nous et ils changent l'heure après nous aussi. Oh là là. Mais pour l'hiver, hein, je parle. Donc là, il y a moins 11 heures pour Hawaï et en été, c'est moins 12 heures pour Hawaï. Voilà. Oui, mais t'as été il y a plus 12 heures. Non, j'ai été il y a 3 ans. Quand? Eh ben, il y a 3 ans. À Tahiti? À Hawaï. Ah oui, Hawaï, oui, je suis au courant, mais... Voilà. Ah d'accord. Et donc, c'était 12 heures de différence. D'accord. Attends, tu me fais hésiter maintenant. Parce que j'avais appelé le Portugal, j'avais appelé la famille, et là, il y avait... Peut-être que là, il y avait 12 heures, parce qu'au Portugal, il y a déjà une heure de moins. Alors, vérification. Hawaï. Bah regarde Polo là, ton téléphone là, oh là là. Attends, Hawaï. Bon, quelle heure il est à Hawaï? Attends, il faut que je reprenne. Quelle heure il est? J'arrive. Et Hawaï. À Tungusculé là, il est quelle heure? À Tegucigalpa, ici il est 18h18, parfait. Mais hier. Ah, il est hier encore, très bien. Ok, alors Hawaï. Honolulu, il est 14h18 d'hier, yesterday. Ah, donc j'ai raison, il y a 11h parce qu'ils ont déjà changé l'heure. C'est ça. Et il y aura 12h quand nous on va changer l'heure dans 15 jours. C'est ça. Ok, putain, c'est bon là, on est bon là. On est bon ou pas? On est parfait. Parfait. Bon, alors, il est 14h13. Ils sont à 7h20. Génial. En fait, on va faire tous les fuseaux horaires et toutes les villes. On est bon. Quelle heure il est? Il est telle heure, à tel endroit. Il est 14h13 le mardi 11 mars à Hawaï. Effectivement. Thomas aussi, qui a envoyé message, mais je n'ai plus lequel. 14h12 à Tahiti. Et DJ Damilou qui dit bonsoir pour le vol. Il était capturé par des extraterrestres. Courage Sandro. Comment ça, courage Sandro? Pourquoi courage Sandro? Je vois pas le rapport. Bah moi non plus, je vois pas le rapport. C'est n'importe quoi quand même. Courage. Bon, on va se mettre un son. Je pense que il faut souffler un peu. Hein. Ouais, on va faire les appels avec Toff dans quelques minutes. Et on va se mettre un son. On va chiller pendant que Toff va. Chiller, bien sûr. C'est le nouveau, c'est Route 94 qu'on écoute maintenant sur Fun Radio à 1h25 du mat. C'est My Love. Ah, on a bien chillé là avec Route 94. C'était My Love. Dans une autre dimension, Mickaël est président. Yes, we can. Toff est père de famille. Polo est un gangster et Sandro un petit chaton. Mais dans votre dimension, Mika-L. Ils sont à la radio tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio. Exactement, il est 1h27 sur Fun Radio. On va faire un petit tour du côté du Top Twittos. Puisque je rappelle que dans moins de 30, on va dire dans 30 minutes, on va voir qui sera le numéro 1, quel sera l'auditeur le plus influent sur le Twitter de l'émission avec ce fameux hashtag Mika-L. On va donc y aller maintenant là. Alors, et quel est le numéro 5 actuellement là? Présentement, le Doc présentement. Coco. Ouais, le Doc Coco, le ah, il vient d'arriver lui, hein, le Doc Coco. Hein. Enfin, dans le classement, je veux dire. Numéro 4. Célia. Numéro 4, 3, pardon. Fred S34. Numéro 2. Elliot. Numéro 1. Drakit. Drakit, donc. Très bien. Donc, présentement, c'est toujours Drakit qui est numéro 1. Ouais, je pense qu'il va le rester. Bah, je sais pas s'il va le rester exactement. On ne sait pas très bien. On verra bien. Bon, si vous voulez, en tout cas, tenter votre chance pour repartir avec le sextoy offert par. Passage du désir.fr. Eh bien, il suffit de vous rendre sur le Twitter de l'émission avec le hashtag Mika-L. Vous tweetez un maximum de messages pour tenter de battre Drakit et d'arriver numéro 1. Voilà. Il y a Romain qui dit Stétoff qui pilotait et Jean-François qui s'occupait des hôtesses. Ah oui. Jean-François. Oui, j'ai Jean-François. Ah oui. Mathis qui dit c'est un mec qui a envoyé la photo de Toff au pilote et puis le crash. L'avion dans le cul de Toff, c'est le tilteur qui avait proposé ça. Bon, on a déjà regardé. Pour l'avion, c'est Moutou qui s'est ramené et a fait disparaître l'avion. Et alors Christophe qui dit pour l'avion, faudrait appeler Jean-Pierre Sauzère. Il va faire sa soirée, la soirée de l'extraterrestre. Ah oui, c'est vrai qu'il veut faire une soirée spéciale de l'au-delà. Oui, ah paranormal. Oui. Paranormal. Écoute, on va essayer, on va voir, on va voir. Bon, on va récupérer surtout notre amie Jennifer avec nous. Toujours là, Jenny? Jennifer? Allô? Oui. Ah, Jennifer qui est de retour. De Clermont qui est attirée par une fille qui, elle, est en couple, n'est-ce pas? Oui. Voilà, qui en plus est daronne. Oui. Voilà. T'as ton kit main libre ou le haut-parleur, Jenny? Non, j'ai tout enlevé. Ah d'accord, ok, parce que ça fait quand même de l'écho, c'est assez désagréable. Bon, Jennifer, attends, je te raccroche au nez, je te rappelle, ça fait un sale écho dégueulasse, d'accord? Ok. Bouge pas, hop là, voilà, j'ai raccroché au nez d'une meuf. Et alors quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bah rien, t'as raison, Mickaël. Ouais, oui. Non, je plaisante, on rappelle. Puis on va prendre Jason aussi dans quelques minutes, qui voulait donner son avis. Par rapport à Jennifer, allez, j'espère que ça va décrocher chez Jennifer maintenant. Il y a Laurent qui voulait donner son avis par rapport à l'avion, encore une nouvelle hypothèse. Alex également, Jean-Noël pareil. Bonjour, et merde. Vous êtes sur la messagerie orange de... Parfait, bah du coup on va essayer de la rappeler en antenne et puis on va prendre en attendant notre ami qui attend depuis plus longtemps, c'est Jean-Noël de Dunkerque. Salut Jean-Noël. Bonjour. Comment ça va Jean-Noël? Ça va bien. Bon, tant mieux. Alors, t'avais une théorie toi sur l'avion? Oui. T'es pas passé hier? Je suis passé dimanche. Ah, c'est ça, dimanche, exactement, ouais. Alors, vas-y, Jean-Noël, on t'écoute. Cette mollesse ne vous était pas inconnue. Exactement. Mollesse, vous avez dit mollesse? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, non, vas-y, on t'écoute. Bon, en fait, j'ai regardé une émission scientifique aujourd'hui avec Michel Chevalier, je sais pas si vous connaissez. Oui, non. Bien sûr. Le grand peintre. Ouais, c'est sur Encyclopédia. La vanne. Ouais, sur Wikipédia. Non, Encyclopédia, Wikipédia sur Internet. Ouais. Une émission sur Wikipédia. Bon, et donc, en vas-y, fait, ouais. En fait, dès qu'il a démarré, il était à 12 000 mètres. Millimètres, hein? Attends, qui ça? L'avion. Non, c'est impossible, il ne peut pas démarrer à 12 000 mètres. Oui, mais il a décollé. Non, bah non, il a décollé à zéro. Au sol, ah oui, enfin à peu près. Voilà. Après, il était à 12 000 mètres. Après, oui, c'est ce qu'on appelle la vitesse de croisière, qui varie entre 10 et 12 000. Enfin, plus voilà. 10. Et après, il était à 9 000. Ouais, donc là, il a redescendu un petit peu, oui. Ouais. Ce qu'on appelle aussi un couloir aérien, donc parfois on doit le garder pour éviter qu'il y ait d'autres avions qui se percutent. Il faut savoir que dans les aéroports, parfois, Mickaël répare l'avion avant qu'il puisse partir. Ouais, moi je vérifie tout, t'inquiète. Et c'est là que le radar ne l'a plus vu. Ah oui, parce qu'il était aveugle en fait, c'est ça? Bah peut-être c'était un radar fait par Gilbert Montagnier, je ne sais pas. Bah évidemment. Peut-être que ça vient de là, figure-toi, ouais. Ouais, et à propos des portables. Oui, ah bah oui. Alors, j'ai trois solutions. Alors, dommage, j'aurais préféré une seule, mais vas-y quand même. Vous savez que les portables, c'est des satellites. Bien sûr, parce que la télévision par exemple passe par le satellite. En fait, il y a un espèce d'énorme iPhone qui se trouve à 36 000 km de nous. Et en fait, il capte et il rediffuse. Énorme. Ou alors c'est Mickey qui est avec ses deux oreilles. Non. Et tout le monde sait que les voitures sont des toasters. Non, exactement. En fait, c'est des satellites. D'accord. Hein, bah oui, mais il a raison. Le téléphone, les GSM téléphones, les téléphones portables sont des satellites. Et alors, et puis ouais. Et après, quand tu oublies ton portable chez toi, le satellite ne marche plus. Forcément, ça fait un message d'attente. Ça fait un message d'attente. Voilà. Or, moi, une fois, j'ai fait la connerie. Ouais. Donc, j'aime bien les poissons. Et j'ai mis... Donc, du coup, t'as acheté un aquarium. J'ai mis mon... J'ai fait tomber mon portable dans l'aquarium. Dans l'eau. Ouais. Donc là... Mais il marchait plus. Il marchait plus. Voilà. Mais c'était pas un message d'attente de chez SFR. C'était que mon portable était flingué. Et moralité. Resserre-toi un verre. Soit il s'est disloqué dans l'eau. Dans ce cas-là, les messages d'attente ne sont plus des messages de serveur, mais de comme quoi il est capouche. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir là? Parce que trois d'un coup, c'est fait beaucoup pour une soirée. Dans Christine, Joël. Dans un périmètre où c'est l'agent Noël. C'est la faille spatio-temporelle. S'il n'y a pas tombé. L'avion a ouvert une brèche. Ça veut dire soit. Ah bien sûr. Ah, il y a. Que les batteries sont nazes. Oui. Donc forcément, ça met un message d'attente. Ouais, mais si en revanche, les mecs sont partis avec des téléphones portables filaires. Mais pourquoi tu le relances? Là, toute la théorie tombe. Bah non, ça se peut pas des filaires. Ah si, téléphone portable filaire, le mec il arrive avec son câble. Bah il faudrait 20 000 de mètres de câble là comme ça. Hein. Ah, minimum. Oui, mais non, c'est pas possible. Bah, c'est possible. Bah oui. Non. Bah si, non. C'est possible. Non, c'est pas possible. Bon, bah, c'est pas possible. Bon. Ou alors. Ah, c'est oui, bah oui, encore une autre histoire. Et, ou alors, en fait, ils sont écrasés, il y a eu, et voilà, un accident bête, et puis on en saura plus tard. La sonde Pitot, comme le vol Air France, là, machin. Hop. Oui. Oui, ils ont quand même mis 2 ans à retrouver l'avion. Non, la boîte noire, ils cherchaient. Pas l'avion aussi, non, absolument. Mais ils avaient trouvé des morceaux après. Pour le retrouver en l'entièreté, ils ont mis 2 ans. Là. Ouais. Voilà, merci beaucoup, Jean-Noël. Hein. Ouais. Allez, est-ce que je peux. Non. Sachant que j'ai pas. Oui. Si j'ai internet, mais j'ai mes 2 tours qui sont flingués. Est-ce que je peux. T'es les Twin Towers? Le 11 septembre. Saleté d'Al-Qaïda. Putain, c'est ça. T'as tes 2 tours qui sont flingués et qu'est-ce que tu veux? Bah j'aimerais bien, je sais pas moi, une tablette ou quoi que ce soit. Ah bah bien sûr, bah attends, chocolat, mais j'en avais une dizaine là sous la table. Non, on peut te filer un pack fun si tu veux, mais on n'a pas d'ordinateur. Je ne peux pas. Comment? Je ne peux pas, mais pour ça, 100 euros m'a dit qu'il fallait que je passe par internet. Or, j'ai pas internet. Écoute, exceptionnellement, elle va prendre tes coordonnées à la main. Ah, mon Dieu. Oui, je sais, ça va lui faire sa soirée, mais exceptionnellement, il va les prendre à la main et comme ça, elle va te l'envoyer. D'accord. Voilà, d'accord. Ça marche. Allez. Ah, c'était ça, et je vous kiffe. Hein. Ah bah nous aussi, oh là là. Merci beaucoup, Jean-Noël. Quand tu veux, hein, Dakerque. Hein. Ouais, Dakerque, ouais, c'est bien. Ça en marche. Plus, tout à fait. Ouais, bah, t'en fous de moi, alors, en fait. Merci, Jean-Noël. Merci beaucoup, à bientôt. Hein. Ok, à bientôt. Allez, tchuss. Salut, Jean-Noël, et tchuss. Jennifer? Oui. Ah, je suis content de t'entendre. Ça fait du bien, non? Ah oui, on est mieux, là. Bah ouais. Ouais, ça fait du bien quand tu es tiens. Ah bah, bon, bah, tu m'étonnes. Bon, Jennifer, alors avant de parler avec toi, on va d'abord faire un petit dernier appel avec Toff. Ah. Évidemment. Okay. On va vérifier toujours si, au niveau des déguisements, comment ça se passe. Est-ce que les gens se déguisent ou pas? Tu te déguises, toi, ou pas, Jennifer? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Non, c'est pas trop mon délire. Non, mais après, ça peut ne pas être ton délire, mais ça peut être sur le coup d'un délire ou sur un pari ou je sais pas moi. Ouais, après, si ça part sur un délire, après, pourquoi pas, je sais pas. D'accord. Bon, écoute, on va appeler des gens encore pour pas que ce soit trop tard. Bon, il est déjà 1h36, ça le dit, hein, mais on va donc appeler les numéros que vous nous avez envoyés sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. Allez, c'est parti, on y va. Allô. Allons-y. On appelle le dernier de ce soir à 1h37 du mat et on récupère Jennifer juste après. Et encore du monde, il y a Jason, il y a Philippe, il y a Alex, il y a Stéphane, Stéphanie et Laurent qui doivent passer encore. Allez. Allô ? Oui, bonsoir monsieur. Oui ? Oui, voilà, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous étiez déjà déguisé pour faire l'amour à votre femme. Mais qui êtes-vous monsieur ? Je m'appelle Toff. Et alors ? Bah et alors je veux savoir si vous avez déjà fait l'amour déguisé avec votre femme. Vous n'avez rien à savoir. Bah si, c'est pour ça que je vous appelle monsieur. Ah bah donc au bon accueil, bonjour hein. Hop, on n'avait rien à savoir. Non bah si, on a un truc à savoir, c'est pour ça qu'on appelle, pour poser des questions. On rappelle. Allez. Oui, excusez-moi monsieur, mais vous avez raccroché un peu vite, vous avez oublié de répondre à la question. Pardon ? Non, ah pardon, excusez-moi madame, j'étais en communication avec votre mari. Ah bon, et qu'est-ce que vous lui voulez, mon mari ? Mais en fait, je voulais savoir si vous aviez déjà fait l'amour déguisé. Mais en quoi ça vous regarde ? Bah, c'est pour savoir, madame. Mais en quoi ça vous regarde ? Bah, si, puisque je vous appelle, donc c'est pour ça. Mais ça vous regarde en quoi ? Vous êtes qui, monsieur ? Bah, je suis... Pour poser ce genre de questions ? Je suis Toff, madame. Ah, vous êtes Toff ? Bon, bah, écoutez, passez une bonne soirée. Oui, mais vous n'avez pas répondu à ma question, madame. Non, mais... si, on vous a répondu en vous disant en quoi ça vous regarde. Bah ça me regarde parce que je vous pose la question. Ah bon, c'est pour ça que ça vous regarde. Bah oui. Vous emmerdez les gens gratuitement comme ça pour poser des questions aussi connes. Ah oui, tout est gratuit madame, il n'y a pas de frais, c'est juste pour savoir. Ah oui, d'accord. Bon bah écoutez, passez une bonne soirée. Oui, mais continuez à vous poser la question, ça vous fera des films dans la tête. Oui, mais vous n'avez pas répondu à la question là madame. Allô ? Ouais, en même temps, les films dans la tête, on s'en fout hein. Oui, on veut juste une réponse. Bah oui. Oh, qu'est-ce qu'il est relou. Bon, on la rappelle. Allez, encore une fois. Oui, voilà. Oui, excusez-moi monsieur, mais vous avez raccroché, vous n'avez pas répondu à la question. Kenneth, c'est habla pas espagnol. Si, espagnol. Si, espagnol. Donc, est-ce que vous êtes déjà déguisé pour faire l'amour ? Non, comprendre. Hein, avec votre femme. Est-ce que vous êtes déjà déguisé pour faire l'amour ? Je vous retourne la question, vous êtes déguisé vous monsieur ? Non, moi jamais. Jamais, bah vous avez tort, parce que c'est vachement bien. Ah oui, bien. C'est vachement bien. Ah, et donc ça veut dire que vous l'avez déjà fait. Ah bah c'est vachement bien de se déguiser. Ah vous, bah. vous voulez que je dise oui, hein. Bah non, vous pouvez me dire non, mais si vous l'avez déjà fait, c'est con de dire non. Bah, pourquoi vous insistez alors ? Bah, parce que vous n'avez pas répondu à la question, monsieur. Mais vous voulez savoir quoi ? Bah si vous êtes déjà déguisé pour faire l'amour avec votre femme. Ah bon ? Bah oui. Ah bon, et vous ? Mais en quoi ça vous regarde ? Dites-nous en quoi ça vous regarde. Bah c'est juste pour savoir, madame, je vous pose la question. Ah, oui, donc, vous êtes un curieux, hein. Bah vous oui. Téléphonez à tous les inconnus comme ça pour leur poser la question. Exactement. Ah bah dis donc, vous avez que ça à foutre. Laisse-moi réfléchir. Oui, c'est ça. Bah voilà. Ah oui, bon bah écoutez, on vous souhaite beaucoup de courage et puis. C'est des conneries. Oh mais non, c'est pas des conneries du coup, ils ont pas répondu. Là. Bon, on rappelle encore un coup là. Quel relou. Bon allez. Hop. On y retourne. Une petite dernière fois là, c'est moi qui régale. Que leur Apollo contre le reste du monde. Ouais. Hola. Es que usted ya ha disfrazado de hacer el amor con su esposa. ¿En español? ¿Cómo? Es que usted ya ha disfrazado de hacer el amor con su esposa. Pero si yo no tengo esposa, cariño. Voyez, j'essaie en español pour vous faire plaisir, monsieur. No te entiendo. ¿Qué pasa? Qu'est pas ça que je veux savoir si... Es que usted ya ha disfrazado de hacer el amor con su esposa. Sí. Muy bien. Sí. Ah, donc vous l'avez déjà fait. Sí. Me he disfrazado ya de pingüino. Ah, voilà, vous avez mis un costume de pingouin. Ben voilà, suffisait de le dire. Hein? Eh ben merci beaucoup, monsieur, une bonne soirée. Merci. Hein? Au revoir. Allez, au revoir. Et je vous le dis en espagnol. Allez. Ah, regardez. Despedida. Ah, voilà, despedida. Ouais, il fallait le temps que je tape dans Google. Hein. Bah oui, c'est ça, exactement. Ouais. Bon, et ben voilà une bonne chose de faite, tiens. Hop, au moins une réponse. Oui, c'est vrai. C'est déjà ça. Ouais. Pour, le retour de Jennifer, grâce promis. Grâce à Google, et ça, c'est sympa. Complètement, ouais. Juste après le son de Clean Bandit, maintenant, Rather Be sur Fun Radio. On aura Polo contre le reste du monde, c'est dans un quart d'heure. Si vous voulez participer à cette grande émission, à votre écoute, si vous voulez faire chier Polo en l'occurrence, 01 42 48 5000, 02 851, 4x0 depuis la Belgique. On est au cœur de la nuit, sans pub sur Fun. From comfort, I'm with you. There's no place I'd rather be. J'ai enfin trouvé la lampe du génie. Je vais enfin pouvoir faire les trois vœux. Alors, que Mickaël nos limites durent longtemps, qu'il continue à nous faire rire, et qu'il soit tous les soirs au top. Tu ne désires pas de montagne d'or, de Ferrari ou d'un vie éternel? Non, Mickaël m'offrira le reste. Oh my god! Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Exactement, c'est Mickaël, nos limites. On est là tous les soirs sur Fun Radio. Si vous venez de débarquer par hasard ou pas, bah soyez les bienvenus. Vous êtes dorénavant chez vous sur Fun Radio. 23h, 2h, Mickaël, nos limites tous les soirs de la semaine et le dimanche également de 20h à minuit. Je rappelle qu'on fera l'émission, la prochaine émission, dimanche 20h minuit en direct de Grenoble chez un auditeur, chez Mathieu. Ce sera tout près du centre commercial. C'est la caserne de Bonne. De Bonne, oui, c'est voilà, ça. Voilà, c'est à côté de la caserne de Bonne qu'on sera. Donc bah, je compte sur vous, hein, venez nous voir. Évidemment, avec plaisir, on vous accueillera sans problème. Je dis ça, c'est comme si j'étais chez moi. Oui. Hop bah, là, bah venez, bah on est bien. T'inquiète, on aura le code, on rentre. Bah ouais, Johan qui dit pété de rire, Toff, Google est ton ami. Ah oui, là oui, à l'instant, oui, avec la traduction espagnole. Et Sarasvati qui dit je n'aurai pas de joyeux anniversaire, Sarasvati, la douce voix de Mickaël, mais bon, le cœur y est. Bah bon anniversaire, Sarasvati, il suffisait de demander qu'est-ce qui t'arrive là, alors tu vas pas nous faire une déprime quand même. Bon anniversaire, Sarasvati. Et Valou qui dit tu t'y connais, Mickaël en aviation, tu devrais créer la No Limit Airlines. Oh, j'aimerais. Putain, t'imagines? Je ferais comme Ryanair, je ferais tout payer. T'achètes ton billet, Bah voilà, c'est ça, ouais, t'achètes ton billet, exactement. Mickaël, moi je me déguise en tigresse, c'est mon petit loup d'or. Ça fait déjà 15 ans maintenant, c'est Cathy qui avait envoyé son message. Bon, allez, retour avec Jennifer maintenant, là, cette fois-ci, on va enfin pouvoir terminer quand même, Jennifer, hein, parce qu'entre les moments où ça raccroche, les moments où j'arrive plus à te joindre, etc., etc., on n'est pas. Quand même pas très chanceux là, Jennifer, donc qui est attirée par une fille qui est en couple, fille qui en plus est maman, hein? Oui. Voilà, et donc il y a Jason qui voulait donner son avis de cerner dans le Haut-Rhin. Salut Jason. Salut Mickaël. Comment vas-tu? Ça va l'équipe, moi ça va nickel. Bon bah tant mieux, bienvenue à toi. Alors Jason, tu voulais donner ton avis par rapport à l'histoire de Jennifer? Donc moi ce que je lui dirais c'est qu'elle prépare, je sais pas, une après-midi, une soirée, un petit dîner, un déjeuner. Finir par un jeu, aller au style poker, très connu. Non mais attends, parce que tu t'emballes toi. C'est-à-dire que là, ils sont pas ensemble, on sait même pas si l'autre est attiré par elle. Hein. Mais au pire, on mais justement, voilà pourquoi le poker, ou le petit dîner, ou même le petit déjeuner. Il parle, et de là, les regards, ça se sent. S'il y a une attirance, quoi que ce soit, ça se sent. Et par rapport à ça, boum, ils essayent de placer, allez, un petit coup à trois, quoi. Ouais, écoute, pourquoi pas? Parce qu'en fait, je dis ça parce que j'ai un pote, ça lui arrivait pareil, mais bon, la nana, elle voulait. L'autre nana, elle voulait aussi. C'était un couple aussi. Eux, ils étaient consentants, les trois. Du coup, elle sait pas, ils savent pas, mais qu'elle tente ça, quoi. Écoute, pourquoi pas après, hein? Y a rien à perdre. Ouais, de toute façon. Bah oui, justement, rien à perdre. Bah voilà. Non, mais c'est ça. Au pire, elle dit non, et puis voilà. Ça passe ou ça casse. Au pire, elle dit non, ça passe ou ça casse, effectivement. Attends, il y a Philippe également qui est avec nous du Pas-de-Calais. Salut Philippe. Ouais, salut Mickaël. Comment ça va? Ouais, ça va très bien, surtout quand je vous écoute, ça va très bien. Eh bah tant mieux Philippe, sois le bienvenu. Alors tu voulais donner ton avis par rapport à Jennifer, toi? Ouais, par rapport à Jennifer, parce que j'estime que elle a rien à foutre là, parce que ça, c'est couple fait. Avec des enfants. Ouais. Elle va briser le couple, c'est tout ce qu'elle va gagner. Donc elle reste chez elle, et puis qu'elle va pas emmener cette femme. Des meufs, parce que tu sais, il y en a qui sont libres à peine. Oui, Philippe. Ouais, alors en plus, je voulais te dire pour l'avion, là. Ouais, Philippe. Moi, je pense que comme ils piratent les ordinateurs, les machins, là, l'ordinateur a pu être piraté. Évidemment. Alors, j'espère pour quel ordinateur l'ordinateur de l'avion. Ouais, non. Du. Je prends jamais l'avion, mais alors le cockpit, l'ordinateur de bord, le bazar, là, qui... le bazar dans le truc, mais oui, évidemment, Philippe. Ouais. Mais pour être piraté, il faut être connecté à Internet. Ouais. Non, j'ai pas d'Internet, moi. Mais j'ai compris. Mais je parle de l'avion. Ouais, je pense qu'ils ont dû pirater le bazar, parce que maintenant ils peuvent le faire. J'espère pour les gens qui sont dans l'avion que c'est ça qui s'est passé. Oh bah à mon avis ils sont plus dans l'avion là, malheureusement. Non, je pense que soit ils sont sortis de l'avion, soit ils sont plus là du tout, hein, mais ouais. Il y a peu de chances qu'ils soient encore là. Malheureusement. Ah bah c'est enfin, sûr. Enfin voilà ce que je pensais de Jennifer. Écoute, merci beaucoup hein, Philippe. Hein. Et je t'en prie Mickaël. Et tu reviens quand tu veux, hein. À bientôt dans le Pas-de-Calais. Ouais, salut. Salut Philippe, ciao. Il y a Stéphane également. Stéphanie qui est avec nous. Stéphanie qui voulait donner son avis également par rapport à l'affaire Jennifer, justement. Salut Steph. Bonsoir. Ça va Steph? Bon. Ça va toujours. Eh ben tant mieux. Tu voulais donner ton avis par rapport à Jennifer, donc qui est attirée par une fille qui est en couple et qui en plus est daronne. Et qui est sa meilleure amie, je crois. Et qui est en plus sa meilleure amie, tout à fait, ouais. Voilà, donc moi je lui conseille pas du tout de faire ça avec sa meilleure amie, quoi. Oh, bah si on peut plus brouter le minou de n'importe qui maintenant. Mais non, mais ça va créer un malaise. S'il y en a une qui s'appelle pas, machin. Ça crée rien du tout. Calos, il est absolument. Et quoi, t'as pris ton ticket ou quoi, tu veux? Non, mais c'est parce qu'il veut la vidéo. Tu peux le dire. Ah bon, pourquoi? T'as bouffé une chatte? Bah, moi j'en bouffe souvent, c'est pas la question. C'est juste que j'ai fait ça avec une copine et ça a créé un malaise et au final on a commencé à s'éloigner et au final on se parle plus du tout. Oh. Ah oui. Mais c'est pour ça peut-être que Jennifer, l'idée n'est peut-être pas mauvaise de. Mais avec quelqu'un qu'elle connaît pas. Oui, non, bah déjà. Mais si vraiment tu veux essayer avec elle, c'est peut-être de lui faire sous-entendre que tu serais peut-être ouverte à faire un plan à trois, sans dire que tu veux faire ça avec elle et son mari. Hein. Juste pour voir ce qu'elle va te proposer. Non, mais tu vois. Ouais, au pire, vous voulez pas l'appeler, vous la questionner pour voir ce qu'elle en pense. Ouais, bah alors, moi je veux bien Jennifer, mais comment t'expliquer? Il y a un mec, un inconnu qui va téléphoner. Oui, salut. À 2h du mat. Dis donc, est-ce que ça te branche de te faire brouter le minou par une meuf? Je veux bien, hein. Non mais je veux bien, mais ça fait bizarre. C'est-à-dire que la meuf va me raccrochonner en 30 secondes. Je sais pas après. Ah oui. Non, écoute, le meilleur plan, sincèrement, c'est de lui, tu sais, voilà, vous allez boire un petit verre, etc. Et puis, ben, tu lui proposes comme ça, tu lui dis, tiens, écoute, tu parles sur les fantasmes, c'est quoi tes fantasmes, blablabla, blablabla. Et puis tu lui dis, bah ouais, moi j'aimerais bien faire un truc à trois et tout, ce serait cool, t'imagines avec deux meufs et tout. Ou même peut-être essayer avec une seule meuf et t'attends de voir ce qu'elle te dit. Si elle te dit, ah bah ouais, moi aussi, machin, bah peut-être qu'elle va peut-être sentir l'ouverture ou en tout cas la perche tendue, même si tu n'as pas de bite. Et ouais, tu vois. Bah oui, mais c'est ça, c'est ce que je dis, c'est l'idée n'est peut-être pas si mauvaise. Et le top donc du voilà, top, faut qu'elle tente, elle a rien à perdre. De quoi, Steph? Si le top du top, c'est si elle lui dit oui, j'ai un fantasme, je vais essayer avec une femme, et ben dans ce cas, elle a juste à lui dire, ah bah on a qu'à le faire ensemble. Eh ben voilà, exactement, et ça il faut voir. Essaye de faire ça, Jennifer. Et c'est là où elle te dit oui ou non. Exactement, voilà. Ouais. Et là, t'as plus qu'à lui dire, tu veux mon doigt. Voilà. Exactement. Voilà, à tester en tout cas. Ben merci Steph, merci Jason. Ok, bah, merci à vous. Et par contre, Mickaël. Ouais, Jason. Tu peux avoir un pack love un pack love. Nos limites, pardon. Oui, en pack fun, ouais, on va te filer ça. Donc sans là, problème. Là, quand même, ça fait une heure que je suis au téléphone, j'attends. Ah bah, Jason, il va pas se plaindre non plus encore, là. Ça fait pas une heure, ça fait 1h22. Voilà, tu vois, tout de suite. Encore plus. Eh bah oui, encore plus. On va te filer ça, Jason, sans problème. Tu vas rester au standard. C'est parce qu'on t'aime bien, Jason. Non, pas du tout. C'est la faute de Jennifer. À chaque fois que j'ai voulu la reprendre, il y avait de l'écho. J'ai voulu la rappeler, ça décrochait plus. On l'a rappelé, puis je l'ai pris, ça a raccroché. Enfin bref, on a perdu un temps fou à cause d'elle. Donc Jennifer, tu dois un cadeau à Jason. Ouais, d'accord. Voilà. Voilà, tu lui enverras la vidéo. Exact. Bon, ouais, bah, merci. C'est mort. Jason, tu restes au standard et Stéphanie aussi. Gros bisous à tous les deux. Merci beaucoup d'avoir écouté Fun et d'avoir appelé. Michael. Ouais, Stéphanie. Je fais un bisou à Chouchou. D'accord, bah, je ne sais pas qui c'est, mais il se reconnaîtra. D'accord, c'est le principal. Salut Steph, ciao à toi. Bisous, ciao. À bientôt. Bon, bah, Jennifer, tu nous tiens au courant? Ouais, y a pas de soucis. Eh, promis, hein. Non, parce que j'ai l'impression de dire tout le temps, tu nous tiens au courant, on n'a jamais de nouvelles de personne. C'est vrai. C'est ça, non, c'est rare. Je tente et je vous rappelle. Ok, ou alors tu tentes et tu veux qu'on l'appelle, et tu l'appelles en direct à l'antenne et on sera fixé direct. Ouais, au pire, je vous rappelle et puis on l'appellera, on verra ce qu'elle dira. Bon, bah très bien, si on peut faire ça demain, ou dimanche. Ouais, bah y a pas de soucis, bah je vous rappelle et puis on... Bon, très bien. Bah, on se fait une bouffe. Ouais, on s'appelle, on se fait une bouffe. Bon, bah, je te repasse Sandro, Jennifer. Gros bisous. Ok, bisous. Je t'embrasse. Ciao. Et on va terminer donc avec cette histoire d'avion. Hein, et on va prendre Alex qui est avec nous de Rodez, en Aveyron. Salut, Alex. Bonsoir, Mickaël. Comment ça va? Salut. Bah, ça va et vous? Bah, écoute, très bien, Alex. Alors, qu'est-ce que t'as comme hypothèse concernant cet avion? Bah alors avant je voulais rebondir sur ce qu'avait dit Joël et le vieux beauf qui est passé il y a deux minutes. Vas-y. On peut pas pirater un avion. Mais c'est ça, parce que déjà il n'est pas connecté, donc on peut pirater qu'un ordinateur pirater, connecté. Faut connaître le langage informatique, il faut créer la ligne de code. Pour écrire la ligne de code, faut avoir au moins un réseau. Pour pouvoir pirater un ordinateur à distance, c'est impossible. Voilà, même c'est ça. La tour de contrôle. Exactement, c'est-à-dire qu'un ordinateur qui est là, connecté à rien, on ne peut pas le pirater. Bah oui, puisqu'il n'est pas connecté. Exactement. Et un appel masqué, peut-être démasqué. Ah ben ça, en revanche, c'est vrai. Bon, alors, du coup... Il est connecté, l'appel. Oui, oui, mais c'est quoi ta théorie, toi, alors, sur cet avion? On a fait toute l'émission là-dessus, hein. On s'est dit, tiens, on va en parler au début pour voir, mais on a fait toute l'émission. Bon, alors... Cette histoire d'avion qui disparaît, est-ce que c'est vrai? Ce serait pas un canular? Un canular? Non, attends, il y a 240 personnes, t'es sérieux? Non, c'est pas un canular. Mais c'est 240 personnes, on n'a pas leur nom, on dit que le téléphone ne décroche pas, tout ça, tout ça. Mais si on a leur nom, bah, ils n'ont pas été publiés, mais ils ont quand même les noms, tu vois, c'est quand même... C'est vrai que par contre, d'habitude, quand il y avait le Rio Paris, il y avait la liste voilà, de tous les passagers qui étaient disponibles pour voir si tu avais de la famille dans l'avion, etc. Ouais, mais c'était Air France, là, c'est la Malaisie. Paris, c'est une autre. On savait dans quelle zone il avait disparu. De quoi? Pour le Rio Paris, on savait dans quelle zone l'avion avait. Ouais, mais alors une différence avec le Rio Paris, c'est qu'en fait, donc si tu veux, t'as un endroit qui dans le Pacifique où il n'y a pas de radar, c'est-à-dire qu'il y a aucun, on peut pas savoir, on peut pas suivre l'avion au radar parce que c'est pas couvert, parce que les terres sont trop loin, etc. Donc il y a que un système radio qui peut le faire. Et le Rio Paris, donc l'Air France au mois de mai en 2000, je sais plus combien là, il y a 2009, ouais, lui avait donné des nouvelles, avait donné sa localisation, etc. Et puis jusqu'au moment où il a été perdu. La différence avec celui de la Malaisie, c'est qu'effectivement, lui aussi est passé dans une zone qui n'est pas couverte par les radars. Et c'était en Atlantique, pas en Pacifique. Ouais. Et là, on est dans le Pacifique, justement, donc une zone qui n'est pas couverte par les radars. Et sauf que l'avion n'a pas donné de nouvelles radio. Donc ça veut dire que ils l'ont perdu au dernier contact radar. Et après, pas de nouvelles. Donc on ne sait pas du tout s'il a continué longtemps, pas longtemps. Il n'a pas eu de message de détresse, rien. Donc tu vois, la différence avec le Rio Paris, c'est qu'on savait grosso modo où il était. Il fallait le trouver parce que ça reste quand même relativement vague. Mais... De quoi ? Ils n'ont pas trouvé dans les radars, mais en fait, dans le nez des avions, il y a une sorte d'antenne qui sert pour toutes les communications. Ouais. Et avec les satellites, normalement, on aurait pu pouvoir le localiser. Parce que même sans les radars, les satellites perçoivent toutes les ondes. Alors, disons que normalement, tu as un avion qui est censé envoyer ses données à la compagnie aérienne ou aux constructeurs. Normalement, c'est la compagnie aérienne qui envoie un message toutes les X minutes au cas où, justement, il n'y a plus de contrôle. Et là, normalement, ça devrait être le cas aussi. Donc, c'est vrai que je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils ne savent pas du tout où il est. Ils devraient au moins savoir, tu sais, un truc global en se disant, il est dans les 20 km², j'en sais rien, moi, tu vois. Il n'y a pas la liste des noms. Et c'est vrai qu'il n'y a pas la liste des noms. Si ça se trouve, c'est un canular et bon, tout le monde y croit. Bon, canular, je crois pas, mais ça peut être. Il y a quelqu'un qui avait dit, c'est peut-être pour relancer Lost. T'imagines, c'est ça? Bah, ce serait abusé quand même. Ah ouais? Ce serait ouf! Ouais, mais ce serait abusé. Ouais, non, mais bien sûr. Non, mais ce serait génial, parce qu'au moins on est sûr qu'il n'y a pas 240 morts. Ouais, voilà. Mais ce serait quand même abusé, parce que du coup, t'as plein de gens qui sont en panique, quoi. Enfin, en panique. En même temps, si c'est un canular, personne n'est en panique, puisqu'il n'y a pas de famille qui ont perdu leurs proches ni rien. Mais je veux dire, ça reste quand même ce serait en tout cas le plus gros truc de pub du ouf. Ouais, non, juste là, les mecs, ils ont dépassé toutes les limites avec ça. Hein. Ah ouais, mais là, ce serait un truc de scandaleux. Oh là là. Mais ça veut dire aussi. J'espère que c'est ça, en fait. Ça veut dire aussi qu'il n'y a personne qui a vérifié sur place, quoi. Ça veut dire que personne n'a vérifié sur place. Effectivement, ouais. Non, c'est assez ouf. T'imagines un peu le truc. Bon, bah, attends, il y a aussi Laurent qui est là et qui voulait donner son avis par rapport à l'avion là. Salut Laurent. Salut Mickaël, comment vas-tu? Ça va et toi? Ouais, ça va. Ben moi j'ai deux petites théories, moi. Ouais. C'est ou alors c'est un coup de pub de chez FedEx, style Seul au Monde. Ou alors c'est un coup des Roumains qui l'ont démonté pour vendre la ferraille. Avec la crise. Voilà. Ouais, c'est une idée aussi, C'est une idée aussi. Écoute, écoute, fait beaucoup d'amis roumains là. Je pense. Effectivement, ouais. J'habite un quartier qui est bien pollué aussi. Ouais, bon, c'est fait encore plus d'amis roumains là. Bon, bah, merci pour l'idée, Laurent. Écoute, on va y réfléchir. Voilà. Merci deuxième à toi. Degré, bien sûr, hein. C'est évidemment. Deuxième degré. Salut Laurent. Bonne soirée à vous. Continue bien et puis un gros bisou à Sandro. Eh ben, on continue bien. T'inquiète. Salut Laurent. Allez, ciao à toi. Salut. Ciao. Bon à bientôt. Ciao. Il y a Stéphane également pour terminer sur les avions et pour terminer tout court de Coutances dans la Manche. Salut Stéphane. Salut. Comment ça va? Bah, ça va impeccable. Bah, tant mieux. Quelle est ta théorie sur cet avion, toi? Eh ben, moi, en ce moment actuellement, je viens de finir ma formation justement au métro de Paris. Ouais. Et j'ai entendu, c'est du bouche à oreille, hein, mais j'ai entendu par des anciens qui étaient dans la boîte comme quoi le métro déjà appartenait entre guillemets à la SNCF et qu'en plus du coup on allait racheter entre guillemets Air France et pas mal de sociétés de vol et qu'apparemment c'était purement publicitaire. Attends, mais je vois pas le rapport du tout en fait. C'est-à-dire que on, donc que tu dis que la RATP appartient, non, enfin que la RATP, que le métro appartient à la SNCF et que la SNCF va racheter Air France et des compagnies aériennes et non, du coup et du coup ils font SNCF, disparaître un avion c'est du des bouches à oreilles, c'est, en fait, de Malaisie en Asie entre guillemets entre se mettre actionnaire de tout le monde parce que c'est la crise partout donc c'est la crise pour tout le monde. Ça, t'es loin et aussi. Moi, à ce que j'ai entendu, moi je viens d'arriver, ce que j'ai entendu par rapport aux anciens, c'est que tout le monde va acheter tout le monde. Et que ce qui vient de se passer justement par rapport au vol, c'était purement publicitaire et que tout le monde était bien arrivé au bon endroit. Et ils ont payé je sais pas combien justement pour qu'ils ferment leur gueule et qu'ils disent rien. Moi c'est ce que j'ai entendu. Et ils sont dans la zone 51. Ah, toi, t'es pas loin, t'es non. Très loin. Enfin maintenant c'est la zone 52, hein. Ils auront bien évolué depuis. Hein. Ah bah. Faut bien rajouter un chiffre à un moment ou à l'autre, faut bien voilà, que ça monte. Donc, moi, écoute. Moi c'est ce que j'ai entendu. Après, ouais, et bah, sincèrement, je pense que c'est la meilleure théorie de la journée. Ouais, l'explication la plus. Ouais, peut-être la plus proche. Le canular. Peut-être. Non, je après, sais pas. Je sais pas si c'est un canular tout ça. Je pense que comme ça vient de la direction et des vraiment anciens qui partent à la retraite et qui, même certains qui vont monter en grade. Donc je pense qu'il m'aurait pas mené en bateau parce que sinon de toute façon non voilà là. Je pense pas que de toute façon ça va finir comme ça. Non mais... ils t'ont mené en RER. Ouais. Écoute ouais, peut-être. On verra. En tout cas moi ce que j'ai appelé pour dire que ce que j'avais entendu et j'en ai parlé avec d'autres collègues qui est arrivé déjà depuis 3-4 ans avant moi, ce qu'on a entendu au niveau du bouche à oreille, au niveau du métro et du RER. Parce qu'on discute tous ensemble. Ouais. C'est que, voilà, nous, c'est purement publicitaire. Et que, parce et que voilà. Justement, ils savent pas encore si c'est RER ou RATP qui vont racheter. Mais apparemment, il y a RER ou RATP qui ont des actions. Non, mais en fait, RER. C'est pas une société, ouais. RER, c'est un train. Ça veut dire. Réseau express régional. Mais ça appartient à la SNCF. Et une partie appartient à la RATP. Voilà. Et la SNCF appartient à Métro. Non, à la France. C'est national des chemins de fer. Voilà, c'est ça, c'est Métro. Ah, je sais pas. Moi, si, je te suis, je sais, moi. Moi, ça fait, ça fait 20 ans, je pense, c'est vraiment un CDI. Très bien. Bon, écoute, en tout cas, merci pour la théorie, Stéphane. Hein. La meilleure théorie. Bah, moi, ça fait 6 mois que je suis ici. Et profitez-en bien. J'ai entendu par différentes personnes différentes. De niveau grade différent. Ouais, donc ils t'ont dit qu'ils voulaient tout racheter, quoi. Purement publicitaire. Bon, bah écoute, on verra. Hein. Pas racheter, mais qu'il y avait des actions. Ouais, purement publicitaire. Ouais. Bah écoute, on verra en tout cas, Stéphane. Hein. On verra. Ah bah, encore un truc à ajouter. Il n'y a pas de souci, de toute façon, je vous écoute tous les soirs. Ah, bah c'est gentil. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Steph. Dès que je décolle en métro, de toute façon, boum, direct. Eh ben super. Parfait. Ne vous inquiétez pas. Par contre, un truc, restez comme vous êtes, c'est génial. Ah, oh, gentil, vous merci. Ah, top. Et franchement, c'est génial et ne changez rien. Eh ben, on va pas changer. Merci beaucoup, changer Stéphane. Cible, quand même. Ta gueule. Merci, Stéphane. Ciao à toi. Et si je peux faire juste une dédicace. Ouais, bah vas-y, bah là, on y est. Bah, j'ai entendu tout à l'heure mon petit frère William qui a parlé justement de sa femme qui lui a mis à l'envers tout ça. Ouais. Voilà, juste qu'ils se prennent pas la tête. Et de toute façon, je sais qu'il vous écoute tous les soirs, donc voilà. Une dédicace aussi. À tout le monde, vous restez comme vous êtes. Vous êtes géniaux. C'est gentil. Je vous adore. Franchement, prendre le métro. Et puis moi, je mets une radio, franchement, pour écouter pendant mon trajet, tout ça. Il y a très pas bien. De souci. Bon, bah, et c'est gentil. Vous prenez pas la tête. Et oh, bah, on se prend pas la tête. Franchement, c'est génial. Eh bah, c'est génial. Bah, merci beaucoup, Stéphane. Salut à toi. Hein. Non. Bah, bonne soirée à vous. Salut, Steph. Et à la prochaine. Ciao. Encore un truc à ajouter ou pas? Plus tard, quand je serai un peu plus, je vous rappellerai. Plus rien à ajouter, Steph? Non, quand j'en sors un peu plus, je vous rappellerai. Ça marche, eh ben, très bien, ben, mène l'enquête. T'inquiète pas, je vais. Salut, Steph, hein. À bientôt. Hein. À bientôt, Steph. À la prochaine. Allez, ciao. Ciao, ciao. Ouais, Alex. Est-ce que je peux faire une blague sur Toff? Ah, bah avec plaisir, vas-y. Vous savez comment Toff prend le bus? Non. Dans la gueule. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle avec le hashtag MIKL sur Twitter. Mikael, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Ouais, il s'est déjà pris le bus. Hein, ah, oui. Ah oui, il s'est déjà pris le bus. Ouais. Tu peux lâcher mon Facebook ou pas? Ouais, bah vas-y, vas-y, Alex. Alors, Napster, N-A-A-P-S-T-E-R, Fox, F-A-W-K-S. Napster, comme le truc de téléchargement de musique il y a longtemps déjà. Bon, enfin, à l'époque, ça ne l'était pas vraiment. C'était, mais bon. C'était le tout premier. Ah oui, oui, oui, on a fait de l'argent avec toi, Fagin. Ah, grave. Bon, salut, merci beaucoup, Alex. En tout cas, tu restes au standard. On va se faire polo contre le reste du monde dans quelques minutes. Le temps d'écouter Yubel, Klingon sur Fun. Toutes les nuits. Au lieu de compter les moutons pour vous endormir, venez compter les têtes de con. Ah oui, carrément. Vous allez kiffer vivre avec nous. Aha. De 23h à 2h sur Fun Radio. Yes, il y a Polo contre le reste du monde. Ouais, Polo, ah bah oui, mais on était tellement sur des théories là. Plus, elles étaient toutes énormes, hein, les théories. Hein. C'est vrai. Cet avion, là, on sait pas où il est. C'est bizarre, ouais. On sait toujours pas où il est, c'est dingue. Dans quelques minutes, le top Twittos. Et nous allons évidemment faire Polo against the rest of the world. On y va. Bienvenue dans Polo contre le reste du monde. Ici, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de disparition. On commence tout avec Jean. Jean, je t'écoute. Jean, bon allez, hop là. Ryan, rebouche-toi le cul, allez, Ryan. Ouais. Ouais. Oh là là, vas-y, mine-toi. Dylan. Allô. Oui, Dylan. Catatonic est ton père. D'accord, Mickaël. Mickaël, putain, qu'est-ce qu'ils sont mous. Excès de mollesse, MH170. Ouais, allô, Polo. Je t'écoute, MH. Ouais, non, parce que il paraît on me cherche, là. Qui te cherche? Ben, je sais pas, il paraît qu'on me cherche. Mais, oh là là, là là, c'est pas possible. Jean, Polo contre la reste du monde. Ouais, j'aurais voulu savoir, entre Polo et Mickaël, lequel a la plus grande aiguille. En fait, on n'est pas une horloge. Ben, justement, si vous pouvez faire tourner votre bite... éventuellement. D'accord, ok, si je comprends pas, je ne les comprends plus. Ryan. Ouais. Salut Ryan. Il doit être touché. De quoi? Non, laisse tomber. Qu'est-ce que ça dit? Espèce d'enfant. C'est ma bite. T'es mou, t'es petit, tu es petit et tu es doux, Ryan. Je sais. T'as quel âge? 14 ans? Ouais. Allez, va faire tes devoirs, casse-toi d'ici. Dylan. Armez des doigts en force. Ouais, force en force. Mickaël. Mickaël. Oh, allez, casse-toi, Mickaël, tu m'as saoulé. MH170, ouais, on te cherche, qu'est-ce que tu veux? Ben, ouais, je sais pas, moi, là, je devais faire un voyage. Bon, je m'écarte un peu de ma route pour prendre 2-3 jours de congé. Ouais. Après, ça y est, c'est le bordel. Mais t'es où, là, exactement? Ben, là, je me suis posé, là, sur une petite île. Ça m'avait l'air sympa. Moi, ouais. Je me suis dit, on va rester là. D'accord. J'allais pas me prendre la tête, hein. Ok, MH170, le décalage horaire dans Polo contre le reste du monde. Ouais, Polo, je suis perdu. T'es où exactement? Je sais pas où je suis. Je sais plus. C'est-à-dire que là, en fait, il y avait 7 heures de moins. Ouais. J'ai changé. J'ai pris 100 km, il y a 8 heures de plus. Mais t'es où? Je sais pas, je suis dans le décalage horaire. C'est bizarre tout ça. Jean, pour terminer ce Polo contre la reste du monde. Ouais, bah écoute, une grosse dédicace à Marianne, une belle blonde que je kiffe grave. On s'en fout, on n'est pas là pour faire des dédicaces. Le décalage horaire. Ouais, donc si Hawaï il est 10h, ouais. Quelle heure il est à New York? Il est 14h. Et quelle heure il est à Bangkok? J'en sais rien moi. Et quelle heure il est à Taïwan? Je sais pas. Et quelle heure il est en Afrique? Mais t'es où toi? Je sais pas. Mais t'es où? Dans ton cul. Ah bon, bah je vais essayer de regarder. Ryan. Ouais. T'es trop petit. T'es trop petit pour participer à cette émission, c'est interdit au moins de 16 ans. C'est sûr, c'est pas interdit au moins de 20. Allez, casse-toi, Ryan, t'es mou. Dylan. Allô. Deux secondes. Le décalage horaire pour terminer ce Polo contre le reste du monde. Bon, s'il est midi à Hawaï, ouais. Quelle heure il est dans ton cul? Il est 2h. Ok, c'est bon. Bon, bah ben voilà. Bah merci. Salut, le décalage horaire. Dylan, pour terminer. Salut. Salut. Et pour terminer ce Polo contre le reste du monde, l'avion est là, MH170. Ouais, donc bon, là je me fais encore dorer la carlingue 2-3 jours et puis je vais rentrer. Hein, bon, bah ça va, tout va bien. Bah, tout va bien, tout va bien. J'ai assez de kérosène, il fait beau, il fait chaud là, sous les cocotiers, on est bien. Bon. Hein, donc je vais rentrer, qu'il s'inquiète pas. Hein. Bah, d'accord, allez, casse-toi. Ainsi se termine ce Polo contre le reste du monde. Merci d'avoir participé et merci surtout à ceux qui ne participent pas. Bien, surtout eux. Bah oui. Bah oui, non mais c'est vrai. Évidemment, c'est quand même important. Bon, il y avait l'hélicoptère qui dit l'avion est avec Bob l'éponge et ils sont sains et saufs dans son ananas. Très bien. Et Kadera qui dit j'y rêve et ma grand-mère du coup elle écoute avec moi, elle veut une petite dédicace au nom d'Yvette. Merci pour elle l'équipe. Une nouvelle fan et un petit message de bienvenue. Et bon, on embrasse Yvette évidemment la grand-mère et puis Kadera ouais. Et un petit message de bienvenue. Alors attends. Oh, j'en ai un, il est dégueulasse mais il va bien dans la situation mais il est dégueulasse Kadera, je m'excuse d'avance et je m'excuse auprès d'Yvette. Toi fils de pute d'enculé de ta grand-mère. Voilà, voilà, je m'excuse d'avance. Ouais, il y a Franck qui dit c'est vrai, j'avoue le déguisement d'écolière, c'est un bon kiff. Et Snorky, en fait, l'avion, il est comme vous dans la dans le jingle, il est dans une autre dimension. Oui, je pense aussi. Bon, top tweetos pour terminer. Allons-y. Le numéro 5, je rappelle que le numéro 1, sauf s'il a déjà gagné, repartira avec un sextoy offert par passagedudésir.fr. Numéro 5. Alors numéro 5, c'est le Doc Coco. Numéro 4. Célia. Numéro 3. Fred S34. Numéro 2. Oui. Et Elliot. Exactement. Et enfin le numéro 1. Drakit. Qui a déjà gagné. Oui. Me semble-t-il. Oui. Donc ce sera quel cadeau? Ce sera donc du cookie alors? Célia je pense. Ce sera Célia, très bien. Et ben voilà, parfait. Bravo Célia pour le sextoy que tu vas pouvoir utiliser. Ah bah que à loisir. Te pénétrer, enfin etc etc. Offert par passagedudésir.fr. Bien entendu, on remet le couvert demain avec les top tweetos et on va se quitter maintenant avec le générique de fin. Mesdames et messieurs, attention, 2h15, c'est parti pour le générique de fin. 3, 4. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bites, te sucer, toi l'enculé. T'es un enculeur, t'encules ton nom, y'a vraiment personne qui encule comme toi. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Ah c'est toi, t'es un enculé. Tu peux plus dormir ou bien manger car t'encules ton nom toute la journée. Ça va te faire enculer, connard. On va laisser ta mère, hein. Je te fais bander, moi. Je vais t'enculer, pédé. Je vais te montrer comment tu vas passer. Oh, grosse pute. Oh, grosse pute. Qu'est-ce qui se passe ici? Ta mère a nous sucé les bites de culé, Cotier. Quel cochon de que veux-tu? Ils sont canadiens. Et maintenant, va te faire enculer, ça ira te promener. Toi l'enculé, toi l'enculé. Épilez vos poils de cul. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des pitofs, te sucer, toi l'enculé. Ferme ta gueule, je t'en mets un branleur. Ça te fait enculer, toi ton oncle c'est un enculé. Oui, tous les deux, on est des enculés, c'est vrai. Et tu es enculé, toi. Et ben voilà. Merci Lou comme d'habitude évidemment pour ce grand talent. Merci à vous également d'avoir été avec nous ce soir. Comme d'habitude 23h minuit, vous connaissez le principe maintenant. Depuis presque 8 mois, merci beaucoup d'être là de plus en plus nombreux tous les soirs sur le Facebook, le Twitter et à la radio effectivement. En règle générale, n'oubliez pas de prévenir vos potes également qu'il se passe enfin un truc le soir à la radio. Et c'est sur Fun Radio que ça se passe. 23h, 2h la semaine, 20h minuit le week-end, enfin le dimanche en l'occurrence. Merci à Wargaming aussi qui était avec nous là, continuez comme ça, vous êtes géniaux, bien mieux que les gars des autres radios que mes parents écoutent. Ah oui, Wargaming, après ils ont le droit d'avoir mauvais goût, hein, tes parents. Elliot également qui était avec nous, il y avait Chris, le prince Nadia, il y avait Nes Godic également, il y avait Sophie, Devers 45, Drakit aussi qui a terminé numéro 1, bravo à lui, Diabolic Man également, il y avait Erwin, il y avait qui encore, Drishlush qui était là également, très bon pseudo là, oui, oui, Paul le Poulpe qui était là également aussi, et puis bah voilà, plein d'autres que j'ai pas forcément l'occasion de citer, que je viens de voir passer également, Jojo aussi qui est là et Secret Key ou encore Logan qui dit générique de fin, bonne soirée toute l'équipe, merci Logan, merci à vous toutes et tous d'avoir été présents, bonne nuit à Toff également qui va faire quoi ce soir? Je vais me branler. D'accord, ok, très bien, Polo également qui va repasser sa chemise. Il va d'abord la laver et puis il va aller dormir surtout. Ah très bien. Usé, bah oui, qu'est-ce qu'il y a? Sandro qui va faire régime. Je vais essayer de pas manger en rentrant mais j'ai la dalle. Bah mange une salade. Ouais, une feuille de salade. Une salade verte. Vivement qu'il y ait un homme pour me faire à manger quand je rentre le soir. Non, pour te défourrier le fion, oui, c'est aussi, ça. Oui, ouais, bah voilà, c'est ça, surtout ça, effectivement. Bon, ben, rencard demain à partir de 23h, on sera de retour. Dans le casino Mickaël No Limit, tous les soirs, c'est blackjack, poker et machine à sous. Mais tous les soirs, c'est vous les grands gagnants. Mickaël No Limit sur Fun Radio, parce qu'il y a enfin quelque chose à écouter le soir à la radio. Et c'est JB qui arrive sur Fun Radio. Comment ça va les copains? Bon écoute, ça va, j'ai l'impression d'être dans une série mes productions. Ça va les copains? Ouais, allez viens, on va à la cafette. Je t'offre un café si tu veux. Non, ça ira, c'est gentil, non? Bon d'accord. Bon bah très bien, parfait. Ouais. Alors du son Dance Floor. Ah bah 6h Bruno dans la radio. Eh oui, du son Dance Floor, en veux-tu, en voilà. Oui, on pourrait pas écouter la nouveauté Route 94. Non parce que je l'ai mis il y a 30 minutes. Bah on le remet. Comme hier, non. Tu vois, j'avais mis Doves et tu l'as mis 30 minutes après. Oh, hey, t'es en train d'insinuer que le sous-chef et les sous-chefs, en fait, ils comptent pas. Tu fais ce que ouais, tu veux. Que tu fais un peu non, comme ils ont très quoi. Bon goût parce qu'ils choisissent les très bonnes musiques. J'adore la nouveauté Route 94. Ouais, ils choisissent les bonnes musiques et donc toi, tu veux du coup mettre n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment. T'as un programme, JB, rappelle-moi. Hein, t'as une programmation, hein, me semble-t-il, non? Tu peux pas faire ce que tu veux. Bah, la nuit. Ah bon, ah, la nuit, on fait. Ah bah, d'accord, donc, je mets du rock. Non. Bah, je croyais que là, je fais ce qu'on faisait, ce que tu voulais. Non, parce que sinon, on te fait une prog, hein, JB. Voilà. Moi j'aime bien Route 94. Bah écoute, ça tombe très bien, il passera à 5h57. C'est vrai, en plus. Alors patience, la France. Voilà, allez, patience, hein. Ouais, bah, et je vais immédiatement envoyer un message au sous-chef et au sous-chef afin de réécouter les enregistrements, ouais, afin de voir s'il n'y a pas un Route 94 qui se serait malencontreusement glissé quelque part là. Vous voulez rigoler aussi? Pas les masses, non. On a rentré le nouveau Magic System. On peut l'écouter si tu veux, il s'appelle Magic in the Air. Ouais, eh bah il va rester Magic pas in the Air. Allez, il est pas mal. Ah ouais, bah j'en doute pas un instant, tu vois. Allez, allez, allez, c'est trop bien. C'est une production de Raled. Oh putain. Oh, mon Dieu, non, pas Raled, c'est le mec qui avait fait Raled là, Red One. Ouais, c'est pas pareil quoi. Non, c'est pas pareil, mais bon, ils ont travaillé ensemble, c'est pareil. C'est quoi le titre? Ah bah oui, oh là là. C'est quoi Magic in the Air. Magic, là ils ont fait Magic System, Magic in the Air. Ah, malheureusement, on a eu un virus, penser, hein. Un virus dans l'ordinateur là. Des génies, fallait y penser. Magic in the Air, mais Magic pas. System, Magic in the Air. Ah bah on l'a déjà enlevé, hein, je pense, on l'a bien fait. Non, non, non bah, tu rigoles ou quoi? Attends, hey, je cherche, je trouve pas. Il est fan, il aimerait bien l'écouter. Non mais c'est Magic avec un C, c'est pas QE. C'est en mode. Merci, tu me US. Prends pour un mongol ou quoi? Tu m'as pris pour JB? C'est en mode US. Ah si, Magic in the Air. Ah voilà. Oh, attends, la version complète. Hein. Magic in the air. C'est génial. Allez, on va se mettre Pitbull. Allez, on peut le et mettre. Et Chris Brown. Ouais. Je l'ai pas cette nuit. Eh ben, tu sais quoi? Tu l'as pas parce qu'il y a une programmation. Bon. Respectée. Voilà. Peut-être qu'avant 6h, je vais la mettre. Eh ben, je te le conseille pas parce que je peux te dire que on je te balance. On va surveiller toute la nuit, on va écouter. On est la police de la FM. Il y aura le contrôle. Oui, mais laisse faire les programmateurs, ils jouent tout ce qu'il faut comme c'est il faut. Leur job. Hein, parce que si t'étais programmateur, ça se saurait. Bon, et puis surtout, on serait pas là où on est aujourd'hui. Je veux dire. Parce qu'il y aura Magic System enchaîné, il y aura les best-of. Ah oui. Toute la nuit, toute la journée, une angoisse. Il sera des week-ends intégrales de Magic System. Week-end Magic System avec tous les morceaux de Magic System. Gagnez votre rencontre avec les Magic System, putain, les gars. N'oubliez pas les inviter un jour. À 2h, juste entre 2h et 2h10, ils viennent. On fait une interview, on fait une rencontre avec des auditeurs, des auditrices. Bon. Je verrai, et dans 6 mois c'est un tube, ça vous verrez, je vous en avais parlé. Enfin bref, allez, bref. Allez vas-y, mets ce que tu veux là. Ce que je veux. Non, mets Pitbull. Ce que je veux. Non, c'est arrête. Ce qu'il a dit. Il a dit mais ce que tu veux. Ouais, tu c'est ce qu'il a dit. Hein. Ouais, il a dit ce que tu veux. Pour le chef maintenant. Bah donc, oui, c'est ça. C'est lui qui autorise. Je peux mettre ce que je veux. Ouais, bah, il a dit ce que tu veux. Allez, d'accord. Ok. Ah oui. Ah c'est bien ça. Hein, ça c'est français. Le son c'est un quota. Le son d'Explore. La digue du cul. Je rencontre une belle. Je ressemble à la digue du cul. J'y dans mes cul. La digue du cul. Ah tu connais. J'y vais. Je monte mon arbalète. La digue du cul. Je monte mon arbalète. Et lui fout droit dans le cul. La digue du cul. Et lui fout droit dans le cul. La digue du cul. J'y vais. Je la prends, je la suce, elle m'encule. Ça monte le Magic System. Ah les amis, vous dire ce que c'est bon. Quand il me la carre dans l'oignon. C'est pas une bite ordinaire. Quand il me la fout dans le derrière. Je me sens soudain tout rempli. Du cul jusqu'au nombril à Dudu. Magnifique. Et bah voilà. Bon bah très bien. Là on est bien. On peut repartir sur une programmation classique. Exactement oui. Allez Afrojack. Ah, j'adore ça. 10 feet tall sur Fun Radio. Bonne nuit à demain 23h après le Vin Fun. Ciao tout le monde. Bisous. I'm clumsy and my head's a mess.